Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman? Ça va très très bien, et toi? Bah ça va toujours, surtout pour un thème qui est... C'est un thème sur lequel on envisage de faire un épisode depuis bien quelques mois maintenant, Ouais. qui est un thème autour d'une créature qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, mais malheureusement dont on a assez peu parlé. La faute à une production autour de cette créature qui est malgré tout un peu faible, qui est autour des loups-garous. Autour des Exactement. loups-garous, voilà, qui est... Vous avez lu le titre après, de toute Voilà, façon. de souvenir, la seule fois où on en a vraiment parlé, c'était dans C'était... Trick or Treat. Non, il y a Cursed. Cursed, ok, effectivement, donc deux films. Donc Trick or Treat avec cette scène de transformation absolument magnifique sur de la musique faite par quelqu'un de moins magnifique. Et Cursed, ce film qui porte si bien son nom. Mais donc voilà, les films de loups-garous. Alors toi, Roman, c'est quoi ton rapport aux films de loups-garous? Comment t'as démarré? Un préféré, un détesté? Bref, comme tu veux. Les films de loups-garous et toi? Alors, les films de loup-garou et moi, très bonne question. Je pense que ça commence avec un des films que j'aborde justement dans la vidéo, dans l'épisode, pardon. Donc, je vais pas élaborer autre mesure dessus, mais donc c'est Scooby-Doo, Soyez le zombie, avec des chats-garous, Le chat-garou, cette fois. effectivement, le bonheur de tous les furries. Mais à part ça, les loups-garous, c'est vrai que je découvre un peu, enfin pas longtemps après ça, je découvre un peu les classiques du genre, disons, entraînant sur YouTube quand j'ai 12, 13, 14 ans sur le YouTube cinéma d'horreur de l'époque. J'apprends l'existence de films comme Le loup-garou de Londres, justement, comme Hurlement, comme d'autres films comme ça. Et c'est vraiment mes premières portes d'entrée dans le cinéma de loups-garous. Et après ça, viennent moult films qu'on pourra aborder plus tard. Après, quand j'ai 20 ans, à peu près, ouais, environ 20 ans, je découvre la saga Twilight aussi. Autre loup-garou, mais qui a quand même un lien avec un des films que tu as pris. Effectivement. Mais à part ça, c'est vrai que ouais, moi, je démarre vraiment avec les classiques au classique. Et accessoirement, quand j'ai 16 ans à peu près, on m'offre le magnifique coffret Blu-ray Universal Monster en forme de pierre tombale, Oh, en forme de magnifique, cercueil, sublime, sublime. dans lequel il y a donc le loup-garou de George Wagner sorti en 41. Et qui est, c'est vrai, un film que je trouve très bon, mais qui a quand même un petit peu vieilli sur certains aspects. Un film préféré, un film détesté peut-être, en loup-garou? Ah, film préféré, je vais pas être très original, mais Le Loup-garou de Londres, Qu'on n'a pas pris. qu'on n'a pas C'est vrai pris. que, en fait, sur la trilogie de classiques des années 80, on en a pris un, des trois, qu'on dévoilera juste après, mais on n'a pas pris les deux autres, dont Le loup-garou de Londres, du coup. C'est Ok. ça, et même les trois autres, parce que j'ai regardé l'année 81, c'est quand même l'année où t'as Le Loup-garou de Londres, Hurlement, Wolfen et une comédie d'horreur de loup-garou qui s'appelle Full Moon High. C'est Wolfen, je le compte. Pour moi, c'est pas dans la trilogie, la grosse trilogie de loup-garou des années 80, Oui, mais de évidemment. la même année en Oui. 81, j'entends, la même année, il y a ces quatre-là. Ah, quelle belle année, quelle belle époque. Et Wolfen, pour le coup, que j'ai hésité à prendre, mais... Et un film détesté peut-être aussi en loup-garou? Loup-garou de Paris. Avec Thierry Lhermitte. Avec Thierry Lhermitte. C'est tout pour moi. Non, attends, mais sinon, parce que je pensais avant l'épisode, peut-être faire d'autres recos en dehors des films qu'on a évoqués, parce que, comme je disais, le thème du loup-garou, c'est vraiment un thème qui est. Oui, c'est quand même peau de chagrin en termes de production, parce que personnellement, si je peux, pour dévoiler ça, mon rapport au loup-garou est tout simple, parce qu'il a démarré quand j'ai vu très jeune l'un des films dont je vais parler, à savoir le chef-d'œuvre magnifique, merveilleux, immense Van Helsing, que je vais enfin pouvoir défendre épée entre les dents, pistolet à chaque main dans cet épisode. Non, t'inquiète, tu vas pas rencontrer beaucoup d'opposition. Et voilà, je suis tombé amoureux de ce film, c'est un film que j'adore, et c'est un film dans lequel le loup-garou a une place prépondérante. Et en fait, je suis tombé en amour pour cette créature. J'ai vu tout de suite beaucoup de films enfin tous les films que je pouvais trouver autour. Donc, les hurlements, j'y suis passé et pas pour le meilleur. Hein, parce que Non. des bons films hurlements, j'en compte trois. Le 1, j'aime bien le 2, mais qui est vraiment nanar. Ah Et oui. je crois que c'est le 6, Freak Show, où t'as tout un truc avec des vampires, je crois, mais qui est vraiment assez bizarre, mais qui fonctionne parce qu'il a le cœur au bon endroit, on pourrait dire. Et alors, quel est le titre de Hurlement 2, s'il te plaît? Ta sœur le loup-garou, Your Alors, Sister the Werewolf en il a deux anglais. titres, Your Sister the Werewolf ou Stirba, la salope de loup-garou. Stirba, Werewolf Bitch. C'était une autre époque, fallait y être. C'est ça. Et Ou donc j'ai vu. pas? Ouais, ou pas. J'ai vu cela, j'ai vu également donc Wolfen dont tu as évoqué, Teen Wolf avec Avec... Michael J. Fox. Oui, exactement. Michael J. Fox aussi, comme je pouvais, Ouais. ou évidemment Loup-garou de Londres, Loup-garou de Paris, Loup-garou de Londres, tout cela. Et l'autre film dont nous avons parlé, parce que dévoilons tout de suite les sélections, puisque Oui. nous y sommes, donc tu as pris, puisque J'ai tu as les trois pris... plus anciens. C'est ça, j'ai les trois plus anciens, donc vous connaissez évidemment, on traite par chronologique de sortie. Donc, tout d'abord, La Compagnie des loups de Neil Neil Jordan, Jordan. en 84. C'est ça. Ensuite, Qui est c'était. du coup le troisième dont je parlais dans la trilogie Oui. classique avec Hurlement, Loup-garou de Londres et Compagnie des loups. C'est ça. Ensuite, Bad Moon de Eric Red. Et enfin, Scooby-Doo sur l'île aux zombies de Jim Steinstrom. De mon côté, j'ai donc pris Van Helsing de Stephen Sommers, Ginger Snaps de John John Fawcett. Fawcett et Underworld 4 d'un duo de réalisateurs dont je n'ai plus le nom mais qui me C'est reviendra des juste après. Scandinaves, j'ai plus le nom non plus. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Stein et l'autre Mais qui s'appelle. Underworld 4 sur lequel il y a à la fois beaucoup et très peu à dire, c'est assez amusant. Mais vous allez voir. Mais donc, si on peut vous recommander avant ça quelques films d'horreur, c'est vraiment juste à la volée des noms de films. Il y a les Wolf Cop qui Les sont Wolfcop, les deux, rigolos, oui. sont rigolos. Alors faut aimer le côté un peu goofy, second degré, très conscient, mais c'est pas mal. De mon côté, il y a Bah, Howl. c'est des comédies d'horreur Bon, après. c'est ça. Et le 2 est, par contre, le 2 est bien. Le 2 est vraiment Ouais, plutôt pas mal. Another Wolf Cop. Moi, il y a Howl de Paul Hyatt, qui est vraiment une bisserie un peu crapoteuse, pas forcément très bien, mais qui se passe dans un train qui est un peu gorasse. Paul Hyatt, c'est un gars qui vient des effets spéciaux, qui avait notamment fait The Seasoning House, qui est pour le coup un très très très chouette film d'horreur, qui peut secouer aussi par contre. Mais donc voilà, il y a celui-ci que je recommande. Il y a également, donc j'ai parlé de Hurlement, mais voilà, le Hurlement 6, il me semble, donc celui avec le freak show qui est pas mal. Est-ce que tu as quelque chose, toi? Bah du coup, à part Wolfen, pardon, que j'ai déjà conseillé et que je trouve très bon, et surtout avec un contexte sous-texte social assez fort, le réal ayant fait que ce film-là comme film de fiction, et à part ça, il a fait quelques documentaires, notamment sur Woodstock, donc c'est un mec très ancré à gauche, tant mieux. À part ça, je conseille un petit peu, mais pas beaucoup, Werewolves Within, donc l'adaptation du jeu vidéo éponyme, qui est bah, globalement... ce qu'aurait donné un film tiré du jeu de société Loup-garou, mais en correct. Parce que le loup-garou tire ce lieu, tu parles de l'adaptation avec Franck Dubosc? Oui, ça c'est pas bien. Oui, ça c'est affreux, on est d'accord, merci. Oui, non, ça c'est affreux, oui. D'ailleurs, il y a un 2 qui est prévu avec un casting de fou zinzin. J'ai tellement pas hâte. Moi non plus. Et accessoirement, sachez que le premier crossover du cinéma est un film de Loup-garou, puisque c'est Frankenstein rencontre le Loup-garou, donc sorti en 43, la vache. Donc seulement 2 ans après le loup-garou de... donc celui avec Lon Chaney Jr. Qui est sorti en 41, il me semble. Donc voilà, je conseille cela, et évidemment les énormes classiques du genre qu'on a déjà évoqués, mais ça vous les connaissez déjà, évidemment. D'autres derniers trucs que je pourrais recommander, il y a Monster Squad, que Oui, j'aime c'est vraiment beaucoup, vrai! qui est Mais sorti en c'est vrai! 87 de Fred Decker, Et écrit par Shane Black. que je recommande très chaudement, qui est vraiment un excellent Et film. qui vient de ressortir récemment en steelbook, d'ailleurs. Oui, effectivement, effectivement. Étonnamment, il y a Werewolf by Night, pardon, de Michael Giacchino, qui est pas très bien. C'est un note qui est pas très bien, Mais qui est pas affreux. mais qui joue, je trouve, me dit, ouais, en termes de loup-garou moderne, il a au moins pour lui d'avoir du budget, ce qui est un avantage. Il y a le Wolfman de 2010, de Joe Johnston, que j'aime beaucoup, alors, Bah le remake du coup du film de Wagner. voilà, qui souffre grandement de ses effets numériques immondes et de Joe Johnston derrière la caméra, surtout quand on sait que ça devait être Mark Romanek à la base, ça peut faire Ouh. chier, mais Après j'aime ouais. bien Johnston, hein. Bah, il n'est pas honteux, mais c'est quand même quelqu'un qui a autrement moins de personnalité que Romanek, et du coup, ce qui se ressent dans le Wolfman, c'est que c'est un produit de studio très standard finalement et qui a quand Alors, même des grosses fautes de goût. À nouveau, les effets spéciaux numériques. La transformation est rigolote hein, dans la salle de médecine et tout. Hein. est-ce qu'on Mais. peut expliquer qui sont Johnston et Romanek? Oui, bien sûr. Alors, Marc Romanek, réalisateur qui a pas fait beaucoup de films, qui a pas fait beaucoup de films, mais qui a fait deux films que je pense être parmi les plus grands chefs-d'œuvre des années 2000-2010. 2000, je crois, les deux. Ah, quoique. 2010 pour l'autre. Parce Oui. qu'il a fait Photo Obsession avec Robin Williams, qui est un espèce de film, j'allais dire de tueur en série, mais en fait non, parce que c'est pas vraiment un tueur. Mais un film, un thriller très tendu sur un mec qui devient obsédé par quelqu'un. Je faut pas trop en dire, parce que c'est vraiment un film qui gagne à être découvert pleinement. Mais c'est exceptionnel, par contre, ça fait vraiment, vraiment, vraiment froid dans le dos. En gros, si vous avez aimé Malveillance de Balaguero, vous allez adorer ce film. Et il a surtout, surtout fait, alors le film dont je ne connais jamais le titre français, mais Never Let Me Go. Auprès de moi toujours. Voilà, Auprès de moi toujours. Donc, qui a un casting de malade. Au casting, il y a Keira Knightley, il Il y y a a Andrew Andrew Garfield. Garfield, il y a Donald Gleeson, je crois, ou celui qui joue Ron. À chaque fois, je confonds les deux. Non, c'est Dominic Gleeson, il me semble. Et qui est un. Si en gros, faut pas trop en dire, parce qu'il y a un gros twist dans le récit. Et d'ailleurs, le récit. Et le film est d'ailleurs écrit par Alex Garland. Y Et. a Carey Mulligan. Carey Mulligan, effectivement, qui joue en plus l'héroïne. Et c'est un film absolument Y a Ella bouleversant. Purnell. Et là, oui, alors qui a un rôle un peu plus petit pour le Il coup. y a Sally Hawkins, il y a Charlotte Rampling. Ah, mais vraiment gros casting et qui, pour le coup, est vraiment un film absolument bouleversant qui peut vous faire verser des litres de larmes entiers. Je vous recommande très chaudement la carrière de Marc Romanek. Et qui est Joe Johnston? Joe Johnston, alors vous le connaissez, son film le plus connu est dans le MCU, c'est le premier Captain America, First Avenger. Donc celui avec crâne rouge. C'est ça, mais c'est aussi l'homme derrière bah, quelques autres classiques, notamment Jurassic Park 3! Jurassic Park 3, Jumanji, Chéri, j'ai rétréci les gosses, Rocketeers, enfin bref, c'est un mec qui a une grosse carrière. Tu définis Rocketeers comme un classique? Je sais que pour son époque, il l'a été. C'est vrai. Et qui a aussi récemment réalisé, en 2018, le Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, je crois que c'est ça en français. Ça, j'ai pas vu, mais par contre, C'est une... toi aussi? Ah, pas vu, non, non, non. J'ai une curiosité malsaine, mais qui va pas aussi loin. On t'a terminé sur Joe Johnston? Oui. Deux derniers films de loup-garou que je me permets de recommander, qui sont des films de loup-garou plus enfin, dans une ambiance différente que celle qu'on va explorer aujourd'hui, c'est Ameyuki, les enfants-loups, dont on avait déjà parlé Dans l'épisode dans Japon. l'épisode Japon, il y a oula, bien un ou deux ans maintenant, et également Le Peuple Loup, de Tom Moore et Ross Stewart, Pas encore vu celui-là. qui est vachement bien, mais alors c'est des loups-garous... Faut serpenter sur le terme de loup-garou. Mais bref, on adore Ah, j'ai bien mis des chats-garous, moi. Mais... J'ai hésité avec le lapin-garou, voilà, c'est Oh grand-mère. oui, mais c'est moi qui ai dit, oula, restons traditionnels malgré tout. Mais J'aime beaucoup le film, par par contre, contre. très bon film, effectivement, autour du terme du garou. Oui. Effectivement, que voilà, c'est grand mythe, le mystère du lapin-garou, et je me souviens qu'à la fin, il y a une carotte en or utilisée comme munition. Oui. Mais voilà, bref, les films de loup-garou, et on va peut-être pouvoir explorer pourquoi est-ce que ce sont des films qui sont aussi durs à produire aujourd'hui, et qui, s'ils fonctionnent dans leur production, sont aussi durs à réussir aujourd'hui. C'est l'argent. Un indice, c'est l'argent. C'est souvent ça le problème, et c'est lié à ça. Bref, on commence tout de suite avec peut-être l'un des meilleurs films de la sélection. Pas mon préféré, mais définitivement l'un des meilleurs. Roman, je te laisse nous parler de La Compagnie des loups. C'est pas mon préféré non plus, mais je pense que c'est un des meilleurs aussi. Donc La Compagnie des loups, donc de Neil Jordan. Alors Neil Jordan, c'est qui? C'est bah donc, Byzantium! voilà, c'est ça, c'est l'homme derrière Byzantium, derrière bah Greta aussi, film Greta, mais surtout son Entretien avec un classique, vampire. Entretien avec un vampire, qui j'ai revu pour cet épisode et qui a plutôt très bien vieilli. Je m'attendais pas à ce que le Il m'a film fait vieillisse dire aussi que bien. je ne l'ai toujours pas vu. Bah c'est, je Il pense, manque un sincèrement, mec dur. un grand chef-d'œuvre du film de vampire, et Neil Jordan est un incroyable réalisateur, parce que même sorti de ça, il a aussi fait ce film avec Breakfast at Pluto, Oui. avec Cillian Murphy, et Crying Game, je sais pas s'il a un nom français, mais je suis toujours connu comme ça. Mais il est vrai que dernièrement, il a un peu perdu en superbe, parce que son dernier film, c'est Marlowe, une espèce de film avec Liam Neeson, qui n'était Oui. pas hyper intéressant, pour dire le moins, mais il faut remettre de l'importance et du respect sur le nom de Neil Jordan, parce que ne serait-ce qu'avoir fait La Compagnie des loups, Entretien avec un vampire et Byzantium, fait de lui pour moi un grand maître de l'horreur et du fantastique. Et donc, dans La Compagnie des loups, on suit une jeune adolescente appelée Rosaline, donc dans une espèce de monde médiéval. Alors, tout le film est un rêve. Ça, c'est pas un twist, Mais c'est. en essaim, à la fin, en essaim. C'est assumé dès le début, on voit la jeune Rosaline en train de dormir et rêver d'un monde médiéval dans lequel elle est toujours une adolescente dans un petit village et où elle va être confrontée au plus grand fléau du monde, les hommes, Les hommes avec du un grand Z, Z. c'est ça, exactement. Principalement les prédateurs aux monosourcils. Vous l'aurez compris, c'est une relecture horrifique du mythe du petit chaperon rouge. Alors, mieux que ce qu'avait fait Catherine Hardwicke, on va pas se mentir. Avec Red Riding Hood, avec Amanda Seyfried, Riding Red Hood, oui, qui avec. avait au moins le mérite de redonner, de rappeler le nom du chaperon rouge, qui est Valérie. D'où l'excellent film dont je vais parler plus tard, un excellent film allemand, je crois. Tchécoslovaque. Tchécoslovaque, mais film original et particulier, mais qui, je Oui. pense, a beaucoup de connexion avec La Compagnie des loups. Et bah. Putain, j'avais oublié ce truc de Catherine Hardwicke, comment c'était nul. Putain, en plus, c'est une bonne réalisatrice, hein, mais comment c'était Bah, nul. le premier Twilight, il est pas si mal mis en scène, hein. Non, mais elle avait fait un film juste avant, je vais retrouver le nom, Lord of the Town. voilà, qui était vraiment bien. Et même le segment qu'elle avait sur l'anthologie de Del Toro, là, avec la Witch in the Woods, Witch in the Woods, la sorcière dans la forêt, je Je sais pas crois que j'ai quoi, pas vu il celui-là. était pas J'ai mal pas du vu tout, toute la il était série. vraiment pas mal. Et bref. Et donc, comme le mythe du petit chaperon rouge, pardon, c'est un film qui est éminemment sexuel. C'est au cas où vous l'auriez pas, le loup dans la fable, c'est évidemment le prédateur, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on dit voir le loup, hein, pour ceux qui l'auraient pas, pour ceux qui l'auraient pas compris. Et donc, ça va être vraiment le thème sous-jacent du film. Mais au-delà de ce thème, on peut évidemment parler de ce qui est, je pense, une des plus grandes qualités du film, à savoir sa direction artistique, qui est monumentale. Ça va passer par la photo très onirique. On a vraiment l'impression de voir un conte de fées avec ça. Ça va être les cadres, les décors, la forêt, les costumes. Enfin, tout sent le studio, tout sent l'artisanat, tout sent le fait main et c'est magnifique à voir. Et c'est permis, bah, grâce notamment à Neil Jordan à la caméra, mais aussi grâce à Ryan Loftus, son chef-op, dont c'est le seul film à peu près connu, et au directeur artistique, donc Stuart Rose, qui a entre autres été chargé de la direction artistique de Star Wars 7, Rogue One, Charlie et la chocolaterie de Burton, Ready Player One, Les Fils de l'Homme, Hugo Cabret. Ah, respect. Respect, mais aussi de Fast and Furious 6, Fast and Furious 6, Eragon, 47 Ronin et Blanche-Neige et le Chasseur. Ce qu'on appelle quelqu'un de diversifié. Ah, bah, Blanche-Neige et le Chasseur, c'est le premier. Parce que Oui, oui, après c'est la Reine de celui-là, il Glace. était bien. Il Il était était pas si mal. vraiment pas mal. Il était vraiment pas mal. Mais Surtout en DA. quelqu'un de, voilà, quelqu'un de diversifié. C'est ça. Comme le disent les inconnus dans Télémagouille, moi je suis pour l'éclectisme. Sauf qu'au milieu de tout ça, bah, on a des loups-garous. Et justement, les loups-garous, ici, ils servent à la fois bah, de métaphore pour la bête sexuelle qui sommeille en ces prédateurs que sont les hommes, encore une fois. Voilà. Et c'est aussi bah, l'occasion de voir des transformations qui sont mais sublimes, je trouve. Enfin, c'est pour le coup des transformations très originales, mais qui vont justement dans le sens de la métaphore. C'est-à-dire que ça va pas être des hommes qui se transforment en créatures mi-humaines, mi-loups, ça va être des hommes qui se transforment en loups, plus précisément des hommes dont les loups sortent d'eux. Et au-delà d'être très satisfaisant à voir par certaines transformations, notamment celle qui inclut d'enlever la peau, Concept qui sera, enfin, concept qui est ma personnellement mon style de transformation de loup-garou préféré parce que on commence déjà à mettre le pied dans une des raisons qui explique le fait que les films de loup-garou sont très durs à réussir, c'est qu'il faut qu'il y ait une transformation à un moment. C'est intrinsèque au personnage, c'est comme si tu regardes un film de vampire, tu dois avoir une morsure. Si tu regardes un film de zombie, tu dois avoir un système d'infection, de communication, en tout cas du fait qu'il n'y a pas juste un zombie, parce que si t'as un zombie, c'est chiant, enfin, sauf certains, mais bref, vous voyez l'idée. Et Loup-Garou, malheureusement, sa transformation est, bah, autant tu prends un vampire, tu vas chez Jiffy, tu prends des fausses dents en plastique, tu les floques sur quelqu'un qui est à peu près grand, à peu près longiligne, tu l'habilles en noir, t'as un vampire. Zombie, tu mets du verre sur quelqu'un, tu le décoiffes, t'as un zombie. Loup-garou, c'est tout de suite un peu plus compliqué à simplifier, quoi. Donc, on met déjà le pied sur quelque chose et tu fais très bien de commencer par les transformations, parce qu'au-delà du fait que c'est possiblement l'une des images de transformation les plus cultes du cinéma fantastique, avec cette espèce de bouche qui sort de la bouche de C'est quelqu'un, ça. enfin de museau qui sort de la bouche d'un Oui. homme, c'est peut-être l'un des plus beaux, alors qui a, il faut le dire, un peu vieilli. C'est-à-dire que tu vois l'animatronique. Tu vois l'animatronique Mais ça a un charme sans pareil après le et film à 42 ans. voilà ça et de dire que le, et de enfin, quand je dis qu'il a vieilli c'est pas dans le côté c'est vieux donc c'est nul c'est plus le côté il est dans son époque et Oui. je dis ça plus dans le côté factuel que dans le côté c'est bien ou c'est mal c'est plus c'est un film de 84 personnellement pour moi c'est un compliment donc Ah oui. À ouais 84, très bonne année, hein. donc tu fais donc tu fais c'est Vendredi 13 2 ou 3 84 Ou c'est au moins le 3 ou le 4. Voilà, donc bonne année. Tu fais très bien de commencer par justement ce sujet des transformations. Mais en effet, quelle magnifique transformation on a eue. Mais c'est surtout bah, justement la métaphore du film qui est évidemment poussée, encore une fois, je dis la bête dans les prédateurs. Je sais pas s'il y a une espèce de racisme envers les personnes à monosourcils, par contre, dans ce film. Ça, mystère. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très symbolique et qui, en fait, qui à la fois Oui, fonctionne par le c'est symbole les qu'il a, poils qui ressortent. bah, et ça, et qui est relié pour moi à ce qui est, je pense, l'angle d'analyse le plus pertinent sur le film, à savoir l'idée de l'analyser à travers la pensée freudienne. Vous inquiétez pas, ça a l'air chiant, ça l'est pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. À travers la pensée freudienne. Et en même temps, c'est quelque chose qui, juste visuellement, et rappelons que le cinéma, c'est avant tout un art visuel, qui fonctionne bien. Donc, c'est Oui. vraiment quelque chose où il fallait un élément qui permette à la fois symboliquement, thématiquement et narrativement et visuellement de distinguer l'homme du loup. Et tu peux pas foutre des yeux jaunes à tout le monde sans que bah, ce soit ultra bizarre d'être dans un univers où je me demande bien qui est le loup. T'as trois mecs avec des yeux jaunes. Non, non, et du coup, je pense que c'est ça. Et surtout qu'en plus, ça permet de reconnecter, parce que j'imagine que tu vas en parler, la fourrure à l'intérieur. Oui. Voilà, ça permet, je pense, de reconnecter en plus à cet élément. J'allais dire élément narratif, mais non, qui est carrément verbalisé par l'un des personnages. Mais parlons de ce personnage, parlons de la magnifique grand-mère, jouée par Angela Lansbury, l'actrice principale de Arabesque, on revient à nos Oh premiers running putain! gags. Alors, Arabesque, c'était sur l'épisode Recommandation du public? Non, c'est revenu dans pas mal d'épisodes en fait, même Je crois que j'ai jamais vu des un épisode de slashers. truc, hein. J'ai dû tomber dessus parce que quand mes grands-parents regardaient ça sur TV Braise, Waouh! c'est vraiment la série qui mettait pour faire la sieste. Non, mais jusque-là, c'est pas Ouais. déconnant, hein. Mais vraiment, je sais pas si vous étiez là dans les premiers épisodes, mais on Si vous trouve. venez d'arriver grâce au short qu'on publie, bienvenue, bonjour, Bonjour, prenez un café, asseyez-vous. bienvenue. On a des cookies. Et dans les premiers épisodes, on trouvait à chaque fois un lien, un acteur qui avait joué dans Arabesque. Ouais, c'est ça, mais après, si ça fait partie de ces séries-là, c'est comme, je sais pas, Dallas, tu vois, vraiment les trucs en fait, qui ont duré Oui. suffisamment longtemps, qui ont été suffisamment longs et donc suffisamment cons pour avoir au moins une centaine d'acteurs au casting. Statistiquement, sur les 100 acteurs, c'est comme quand tu prends les premiers slashers ou des slashers un peu genre big mais nuls, genre je sais pas, Leprechaun. Non, pas Leprechaun, c'est dans un des Children of the Corn, c'est Fields of Terror, donc c'est le 5, je crois. T'as Eva Mendes, ou dans Halloween 6, t'as Paul Rudd. Bah, le Et premier Leprechaun, l'actrice principale, c'est c'est Jennifer Aniston. et c'est son premier film, Et je crois. dans Hellraiser 8, Henry Cavill. Tu peux toujours trouver des noms. Bah, Oui. nous, on a pareil. Malheureusement, le point commun, c'est pas Michael Myers, c'est Arabesque. Bah, bah, Faudrait que je vois un épisode. Moi, je vais te voir à quoi ça ressemble, quoi. Matthew McConaughey et Renée Zellweger dans Massacre à la tronçonneuse 4, Thomas, oui, et Viggo et Mortensen dans le 3. Viggo dans le 3, ouais. Et donc Angela Lansbury, très grande actrice de télé de nos grands-parents, De de Arabesque, mais qui à côté de ça, vous l'avez entendu dans La Belle et la Bête, c'est Madame Arabesque. Samovar. Quel le Disney? Le Disney, ouais. Ok. Et la suite aussi. Ok. La suite avec l'orgue, du coup? Oui. Ok. Maestro Forte. Voilà. Perso, Ma Belle et la Bête, c'est celui de Jorge Hertz, celui où la bête ressemble à un oiseau. Il est Je l'ai toujours pas vu, lui. tellement bien. Par contre, le Cocteau avec Il est magnifique. avec les mains qui sortent des murs pour tenir les chandeliers. Il est magnifique, mais celui de Jorge Hertz. Bon, Faut que je le je vois. suis J'ai le trop fan, je Blu-ray, suis faut que je le trop fan de vois. ce film. Et qu'on a aussi entendu dans Anastasia, accessoirement. Et dans le rôle principal, donc de celui de Rosaline, on a Sarah Paterson. Alors, le nom vous dit rien et c'est normal, elle a pas fait grand-chose d'autre. Elle a fait quatre autres films, dont un où elle joue Blanche-Neige, d'ailleurs, 3 ans plus tard. Écoute, on reste dans les contes de fées. Et on a accessoirement Steven Ray, qui, en plus d'avoir joué dans d'autres films de Jordan, donc Entretien avec un vampire, Greta, Breakfast Club plus tôt, a aussi joué dans V pour Vendetta et surtout le Dans méchant. Oh, V pour O, oui, oh Oui, yeah. et joue le flic. Et surtout le méchant de Underworld 4. Hell yeah. Mais pour le coup, oui, La Compagnie des Loups, c'est un de mes gros classiques du cinéma de loup-garou. C'est vraiment un conte de fées. C'est ce que donnerait un conte de fées horrifique porté à l'écran. Et sans, pour le coup, sans non plus trop extrapoler l'aspect mise en garde et morale de la fable de base. Parce que, bah, mine de rien, la fable étant elle-même très sexuelle sur le côté bah, méfie-toi des hommes. Bref, voyez La Compagnie des Loups, c'est trop bien! Et avec des transformations de fou zinzin! Bah, pour le coup, tu as totalement raison, mais t'as oublié ce qui, je pense, est un des éléments clés dans la narration et la réception de ce film, c'est le fait que c'est un film qui, en fait, te raconte moult histoires en une seule. Oui, C'est-à-dire que... et ce qui fait qu'il a un rythme absolument très Mais bien géré, très fluide, ouais. il relance toujours l'intérêt, il relance toujours les enjeux, parce que, en fait, au sein de cette histoire de la petite fille qui va rendre visite à sa grand-mère, etc. En fait, la grand-mère va... Histoire qui est elle-même un rêve, hein, on rappelle. Mais la grand-mère va d'abord lui raconter trois premières histoires, et ensuite, plus tard dans le récit, le chaperon, donc Rosaline, va elle-même raconter une histoire à quelqu'un, et à chaque fois, ces histoires-là seront perçues comme... seront filmées, montrées, et auront vraiment une narration par l'image. Et ce qui d'ailleurs, en plus, permet de rajouter à toutes les possibilités thématiques du film, toute une parabole sur le pouvoir de l'image, le pouvoir de la narration, le pouvoir quelque part du cinéma, que je trouve vraiment très belle, Qu'on d'autant peut aller au que... pouvoir du compte. Comment? Qu'on peut allier au pouvoir du conte aussi. Totalement. D'autant que le film est adapté d'une histoire de Angela Carter, qui est une auteure qui est connue pour parler de relations... De cul. De cul, elle parle de cul, globalement. Mais de relations aussi, souvent avec... Enfin, je la caricature grandement, mon Dieu, mais... Souvent de relations un peu interdites, un peu, bah, notamment de l'inceste, notamment le côté relation un peu possessive, un peu toxique, etc. Alors, je dois admettre, c'est une auteure que je connais très très très très mal, donc je serais bien mal placé pour émettre un commentaire plus précis sur son œuvre, malheureusement. Je n'ai lu que l'original, enfin, le récit qui a inspiré La Compagnie des Loups, et une autre histoire, dont j'ai perdu le nom, vous m'en excuserez, mais... Magic Toy Shop? Comment? Magic Toy Shop? Non, non, non, non, non, ça a pas été adapté en film, quoique, puisque la dernière histoire racontée par Rosaline, donc cette histoire d'une jeune fille qui va voir un prêtre, qui lui parle, etc., et qui en fait revient à la nature après, et également fait beaucoup penser à une autre histoire de cet auteur ou autrice. Autrice, bon, on peut dire les deux. Bref. Mais pour moi, c'est un film qui est hypnotisant, qui est véritablement fascinant, qui est je pense, un chef-d'œuvre. Moi, Neil Jordan, c'est un auteur que j'ai toujours adoré. C'est un auteur que j'ai toujours adoré parce qu'il a une façon de traiter ses personnages, de traiter l'intime entre ses personnages. Et par l'intime, j'entends pas que le côté cul. Même si dans beaucoup de ses films, il y a ce côté très, très charnel. Enfin, plus charnel que sexuel. On peut penser à Entretien avec un vampire. Plus que Byzantium d'ailleurs. Parce que Byzantium est dans l'intime, mais plutôt de deux vampires d'une même famille, entre guillemets, hein, si vous avez vu le film. Mais lorsque je vois La Compagnie des Loups, je vois. Alors que c'est son troisième ou quatrième film, je crois, c'est vraiment tout début de sa carrière. Ouais. Je vois la patte d'un auteur, je vois la patte de quelqu'un qui sait ce qu'il filme, qui sait comment il veut le filmer, comment il veut le raconter, mais surtout, qu'est-ce qu'il veut dire à travers sa caméra. Et je parlais justement d'intimité, pour moi, il y a une chose qui fait la. Parce qu'on peut parler de grands monstres classiques, loups-garous, vampires, etc. Mais pour moi, il y a une chose qui fait une énorme nuance dans le rapport à la sexualité, dans le rapport à l'intimité entre le loup-garou et le vampire, c'est que le vampire. C'est une sexualité qui est par nature partagée. C'est la morsure sur quelqu'un d'autre, c'est le fait d'interagir avec l'autre pour soit recevoir cette contamination, soit la transmettre, soit interagir au sein d'une même idée, enfin au sein d'une même, au sein d'une même malédiction quelque part. Mais surtout, c'est arrivé assez tard dans le mythe du vampire, le côté très charnel, c'est arrivé avec Anne Rice. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par nature, le vampire est dans une interaction à l'autre. C'est que je vais aller mordre quelqu'un, je dois boire son sang. Là où le loup-garou est une créature qui est très solitaire, c'est une créature qui est beaucoup plus toi et ta transformation, ta malédiction, que tu peux transmettre, hein, évidemment, bien sûr, mais que par essence, c'est une créature qui est beaucoup plus solitaire, qui est beaucoup plus centrée sur un personnage, là où le vampire, pour moi, par nature, fonctionne en duo, en trio, voire en groupe. Bah, preuve en est d'ailleurs, si on prend même le récit de Dracula avec toutes ses succubes, etc. Oui. Et donc, alors, même si cette idée sera explorée, je trouve, de façon beaucoup plus approfondie dans un film dans quelques minutes maintenant. Mais ici, on retrouve déjà cette première idée justement de loup-garou solitaire, de loup-garou qui est quelque part centré sur lui-même. Mais ici, il fait pour moi un choix, notamment lors d'une des histoires les plus intéressantes, c'est-à-dire l'histoire du mariage bourgeois, qui d'ailleurs, c'est une histoire en plus, parce qu'il y a du coup les trois histoires de la grand-mère, l'histoire de Rosaline et cette histoire-là. L'histoire du mariage bourgeois où il combine ce côté solitaire du loup-garou et cette bourgeoisie très emprise d'elle-même, qui perd totalement pied avec la réalité, qui va muter et donner une des plus belles scènes du film, peut-être. Oui. Je pense que c'est ma scène préférée en tout cas. Mais. Je sais pas, je pense que moi c'est l'arrachage de peau. Ah, ça c'est magnifique ça. Quel animatronique, mes aïeux. Mais. Revenons-en à ce que j'ai teasé plus tôt. Avec l'histoire de la pensée freudienne. Alors, pour vous en parler, je me suis permis d'essayer de décrypter ça, parce que si je te dis Freud, c'est peut-être pas le plus attirant, on va dire. Non. Mais je me suis dit, pour en parler, pour essayer de vulgariser, de simplifier ça, j'ai voulu décomposer une certaine base de la pensée freudienne, en tout cas de l'œuvre freudienne, en quelques bullet points et en essayant de vous la présenter de la façon la plus simple et accessible possible. Parce que l'idée ici n'est pas de faire un cours de philosophie, je pense pas en avoir les compétences, même si j'en ai l'envie, hein, mais je pense pas en avoir les compétences. Et on a 6 films à parler, on a déjà 30 minutes d'enregistrement, on va pas tarder. Bref, pour Freud, en fait, tout ce qui est de l'imaginaire, notamment du conte, spécifiquement des contes de fées par ailleurs, c'est quelque chose qui sert à extérioriser des conflits intérieurs, et généralement des conflits liés à l'enfance. C'est-à-dire que par l'imaginaire, on projette dans l'imaginaire, dans la fiction, dans ces images, dans ces univers alternatifs qui peuplent nos pensées, nos conflits, nos traumas, nos éléments clés, nos canon events, comme pour citer Spider-Verse par exemple. Les événements canevas en français. Voilà. Et donc cet imaginaire sert à projeter ces traumatismes-là, ces pensées-là. On a déjà un premier exemple extrêmement littéral dès le début du film, puisque tout le film qui va servir évidemment de canevas narratif, mais également de support sur lequel la parabole évoquée par Neil Jordan va se projeter et lancer dès le début. Bah, même ça va aller jusqu'à cette espèce de tension sexuelle ultra dérangeante entre Rosaline et je crois que l'actrice avait genre 13 ou 14 ans, Ah, mais bien ou genre sûr! d'âge, et cet acteur qui avait 35-40 Ah, ans. mais bien sûr, je vais y venir justement. Parce qu'en fait, d'emblée, le récit est placé sur le terrain de l'onirisme, et donc le loup n'est plus seulement une bête, mais devient la matérialisation d'une pulsion. Retenez bien ça, ça va devenir très intéressant. Après ça, Freud a évidemment parlé de tout ce qui est voilà, passage du stade de l'enfance à la maturité sexuelle, etc. Alors, je vais passer très rapidement sur ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une pensée qui est un peu étrange, on va dire, sur ce sujet-là. Vous chercherez ce qu'il pense du concept de majorité sexuelle, notamment. Mais voilà, si je dis que dans le chaperon rouge, il y a la couleur rouge qui est omniprésente, que ce soit par le chaperon en question ou par le rouge à lèvres de Rosaline, voilà, Oui. pas besoin d'aller beaucoup plus loin, et si jamais on extrapole encore un peu, rouge, personnage féminin, Vous savez, nous savons, bref, on Voilà. reparlera de ça dans Ginger Snaps. Elle lui offre un rouge à lèvres quand elle a ses 13-14 ans à peu près. Voilà, bref. Enfin, le chaperon, Et pardon, dans elle est l'optique grosse. freudienne, le loup en fait représente une certaine pulsion sexuelle masculine qui est perçue comme, par le personnage de la jeune fille, comme quelque chose de sauvage, de dangereux, d'animal, très littéralement. Et le film va souligner à plusieurs reprises que le loup est à l'intérieur, donc c'est non seulement par la fourrure à l'intérieur, mais également ça se cristallise très littéralement dans la mise en scène par le fait que la bête sort littéralement de l'homme et par sa gorge, a fortiori. Et comme le dit la grand-mère, certains le cachent mieux que d'autres. Voilà, et donc on rejoint cette idée que la civilisation ou le savoir-être, les certaines manières, etc., ne sont en fait qu'un vernis pour masquer nos pulsions primaires, ce que Freud va appeler le ça, par exemple. Voilà, le ça, le moi et le surmoi, c'est lui, Oui. par exemple, voilà, pour essayer d'aider un petit peu. Et enfin, Alors, pour saluer, le ça, c'est la pulsion bestiale primaire. Le surmoi, c'est ce qui va masquer masquer ça. cette Et pulsion, le moi, c'est ce qui en résultera. c'est ce qui fait le lien entre les deux. Oui. C'est comment est-ce que tu arrives à canaliser l'un tout en gardant l'autre, etc. Ensuite, le troisième, alors l'une des grandes thèses de Freud, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, c'est l'ambivalence des sentiments. Le fait que ce qui t'attire, en même temps, ça te fait peur, etc., etc. Bah là, littéralement, il y a 20 minutes, enfin 20 minutes, j'exagère, il y a 10 minutes dans le film qui sont très littéralement une cristallisation de cette ambivalence. C'est-à-dire le passage quand Rosaline se retrouve face au chasseur, Oui. qui lui demande un baiser. Alors, dans le film, c'est assez subtil, c'est plus dans un rapport un peu demi-flirt, on va dire. Mais flirte entre un mec de 35 Ah ans oui, et une gamine de bien 13. sûr, mais je Oui, parle oui. relationnellement. Dans le bouquin, c'est un peu plus. Je vous laisserai aller voir. Je vous laisserai aller voir. Et donc, voilà, donc Rosalie, on va dire, apprivoise très littéralement sa part animale. Ce sera notamment vu dans la fin du récit. Et donc, elle finit par se dévorer elle-même se retrouver dévorée elle-même quelque part par cette idée. Et cette idée, enfin, ce concept d'ambivalence, de désir mélangé à la peur, mais qui en même temps devient une sorte de fascination, dans mon regard, dans mon analyse, ça illustre exactement l'intégration des pulsions qui viennent du ça et du moi, plutôt que leur simple refoulement qui est voulu par le surmoi, qui est du coup brisé à travers l'idée du loup-garou. Et enfin, on parlait de surmoi, enfin, je parlais de surmoi juste avant. Justement, pour moi, il est en plus matérialisé par un personnage, puisqu'il est matérialisé par le rôle de la grand-mère, Oui. qui joue cette idée de surmoi social, moral, Et c'est le garde-fou. une main d'une façon générale, qui va te raconter des histoires effrayantes, dont une qui d'ailleurs est assez amusante, je reviendrai sur elle juste après, pour essayer de camoufler tes propres désirs, de les refouler, très littéralement. Voilà, tous les discours un peu à la con de ah, faut pas refouler tes pensées, etc. Voilà. Alors, pas discours à la con, mais vous avez mon idée, ça vient de Freud. Ça vient de Freud à la base, c'est malheureusement souvent un peu détourné, mais vous avez l'idée. Et donc bref, suite à ce petit cours d'analyse, c'était à nouveau, ça n'avait pas pour but d'être une grande leçon sur la philosophie, il y a sûrement bien d'autres analyses bien plus puissantes, mais en revoyant le film, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Mais également sur les contes racontés par le personnage de la grand-mère, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point Neil Marshall, mon Dieu, j'écris trop. Neil Jordan a un regard pour matérialiser des concepts à l'écran par des images peut-être parfois un peu saugrenues, mais qui trouvent toujours sens, qui parviennent toujours à atterrir. Enfin, Fall on the Point, notamment c'est ce concept de représenter le diable autour d'une séquence, je sais pas si tu veux en parler, dans une Rolls-Royce, Oui, conduite oui. par une jeune fille tout de blanc vêtue. C'est vrai, c'est vrai. C'est une des séquences je trouve, les plus magiques du film en termes de représenter un imaginaire tout en lui donnant une existence bien réelle à l'écran. Oui, avec ce gosse qui se perd dans la forêt et qui tombe Voilà. sur cette voiture. C'est. Ne jamais Bon. sortir du chemin. Exactement. C'est littéralement l'incarnation de des règles imposées par une société qui se servait aussi du conte et de la fable comme un moyen de prévenir les plus jeunes des dangers. C'est-à-dire que pourquoi on dit aux enfants que la nuit tombée, il y a des monstres dehors? Parce que la nuit tombée, il y a des monstres. Pas des monstres, c'est juste des gens. Voilà. Et pour le coup, bref, sorti du cadre d'analyse un peu freudienne que je tenais à vous partager, puisque c'est quelque chose qui m'a semblé assez évident sur le film, c'est pas un film chiant. C'est pas un film chiant du tout, déjà parce qu'il dure 1h30, mais surtout parce que c'est un film qui est d'une profonde poésie, d'une profonde beauté. On parle souvent de c'est un vrai conte, une vraie image portée à l'écran. Là, c'en est une. Là, c'en est vraiment une. Et c'en est une qui est en plus baignée d'un terme que j'adore employer à ce micro, que j'adore employer dans la vie de tous les jours, mais qui, je pense, est un des termes que je préfère au cinéma, à savoir l'artisanat. l'artisanat brut, l'artisanat pur, le fait de... Là, j'en parlais dans la direction artistique, dans les décors, ouais. Exactement, le fait de mettre son cœur à l'ouvrage, j'allais dire une expression un peu vulgaire, mon Dieu, mais juste de faire un effort, tout simplement, de... Enfin, même si c'est évidemment bien plus simple à dire qu'à faire, mais de rendre par l'effort visible à l'écran une idée qu'on avait en tête. Et sur ça, enfin, il y a plein de films dont on vous a déjà parlé, qu'on adore sur ce sujet-là. Évidemment, bon, y a Van Helsing bientôt qui arrive. Mais moi, le premier exemple qui me vient en tête en termes d'artisanat le plus noble et le plus beau que je puisse connaître, c'est 13 notes en rouge, dont on vous avait déjà parlé, ce slasher giallo qu'on vous invite évidemment à voir moult et moult fois. Mais c'est cette idée de faire en sorte que. Une image, une vision, une envie, une pulsion, pour en revenir à mon philosophe, deviennent réalité par quelque chose de réel, par quelque chose de vrai, par quelque chose de concret. Parce que, évidemment, on pourrait me dire, oui, numérique, etc. Et oui, bien sûr, un bel effet numérique, c'est magnifique. Mais comme un effet gore authentique, enfin, comme un effet gore pratique sera toujours meilleur qu'un effet numérique, un décor, une mise en scène, une réalisation, un univers. Créé à la main, créé par des vrais gens, entre guillemets, me parlera toujours plus et m'enchantera quelque part toujours plus pour en revenir au petit chaperon rouge, toujours plus qu'une image en 3D. Bref. La Compagnie des Loups, je pense qu'on peut le dire, c'est Oui. un chef-d'œuvre exceptionnel, un chef-d'œuvre qu'on vous invite à voir, à revoir, à découvrir, à redécouvrir. Même si, je mettrai une chose, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, n'oubliez pas que le film est peut-être un peu bourrin et ne le montrez pas à des gens trop jeunes. Parce que j'ai fait cette erreur. Et en fait, quand on voit le film, on se rappelle en mode waouh, c'est vrai que bah, y a l'image, la transformation, de voilà, la bouche qui sort, etc. Mais y a aussi, comme tu l'as dit, un arrachage de visage qui Oui. dure vraiment un peu longtemps, qui a limite un côté un peu cronenbergien par instant. Après, C'est vrai. on pourrait arguer que le loup-garou est par nature une créature qui naît du body horror et Évidemment. qui renvoie et qui, quelque part, sera toujours lié à Cronenberg, même si. C'est vrai qu'il s'est jamais approché de ce genre de fantastique. Il a toujours eu un fantastique beaucoup plus froid, beaucoup plus médical. Mais c'est. Voilà. N'oubliez pas que c'est un film bourrin. Mais c'est un. Pardon my French, mais un putain de chef-d'œuvre. C'est un film exceptionnel par un réalisateur tout aussi exceptionnel, dont nous vous invitons évidemment à découvrir les autres films. Et là, je me permets d'ajouter mon grain de sel personnel, mais surtout, surtout, surtout, l'incroyable film qui est Byzantium, qui est. Je pense l'un de ses plus mésestimés, l'un de ses malheureusement moins vus, et l'un de ses films les plus mis de côté, alors que j'y vois vraiment un film d'une puissance, d'une beauté, et surtout d'une intemporalité quelque part, assez remarquable. Bref, avons-nous terminé sur La Compagnie des Loups? Ouais, juste petit rappel. Bien sûr. Tu te rappelles de la dernière histoire qui est contée, je crois que c'est la dernière, qui est contée dans le film. Pour moi, c'est celle justement de la jeune fille qui va en voir un prêtre, non? Exactement. Ouais, c'est ça? Et bah c'est cette histoire-là qui a été choisie pour la VHS française que j'ai, d'ailleurs. Et c'est plus C'est-à-dire. précisément le passage où elle est à poil sur le pont. C'est-à-dire sur la jaquette? Sur la jaquette, si vous cherchez la VHS française de La Compagnie des Loups, je pense qu'ils ont pris ça juste pour pouvoir foutre une paire de nichons sur l'affiche. Ah, quelle élégance! Quelle élégance, exactement comme tu dis. Bah, si on est dans l'élégance, si vous voulez aller voir le poster du film Giorgino avec Mylène Farmer, il y a deux posters. Il y en a un pour la ressortie qui est très classique, bref, dans la forêt et tout, on s'en fout. Le premier, il y a juste le cul de Mylène Farmer en gros plan. Il savait comment le vendre au moins, j'imagine. Poétique, poétique. Voilà. Mais évidemment, l'affiche classique avec cette gueule Oh, de loup. l'affiche, c'est une de mes affiches préférées des années 80. Ouais, cette gueule de C'est loup tombé par terre. qui sort de la bouche bah de Steven Ree, je crois. Oui. Non, ah, quoi que, Steven Ree, c'est pas celui qui s'arrache le visage? Bref. Bref. T'as cette bouche de loup qui sort de la bouche d'un humain. En tout cas, c'est, je pense, un des plus beaux films des années 80. Et surtout un film qui est, notamment par son commentaire, assez intemporel. Alors. À nouveau, le point de vue de Freud sur la sexualité jeune, c'est autre chose. Oui, Mais et qui. le commentaire du film va le coup de la bête qui sommeille en chaque homme. Non, c'est-à-dire que Mais bah, en fait, je vois l'idée de la parabole passe, mais c'est vraiment dans oui. le côté. Il peut y avoir certains trucs un peu bizarres dans le côté rapport à l'enfance, etc. Mais à nouveau, si. Il faudrait lui demander un jour sur l'interview, s'il vous plaît. Mais si Neil Jordan. Je tiens sur l'interview Freud. Non, mais Alors si. Sigmund en a vu sur la Compagnie des Loups? Bah il dit rien, il est Il dit mort. rien. Mais si Neil Jordan a conscientisé ce regard freudien sur la chose, dans ce cas-là, la scène d'interaction entre justement Le le chasseur. chasseur et le chaperon rouge devient vraiment très bizarre. Vraiment, vraiment très bizarre. Oui, mais c'est ce côté. Je voulais nuancer dans le côté. Le film dit ça, le film dit la bête qui se voyait en chaque homme. Tu vas nous lâcher un Not All Men, fais gaffe. Non, j'allais dire le truc de Not All Men, mais Always a Man. Voilà. Mais le truc de juste. La bonne solution, c'est pas de faire la prévention auprès de vos filles, c'est d'éduquer vos fils. Ouais, mais pour le coup, si, mais si jamais nourri la conscience, si jamais le regard freudien est conscientisé, dans la bête, dans chaque homme, c'est homme avec un grand H. C'est lié à l'humain en général. Oui, Juste dans le récit, effectivement. c'est les hommes Bien avec sûr, un et Z, avec un voilà. Z. C'est ça, c'est les hommes avec un Mais Z. bref, foncez sur La Compagnie des Loups, c'est un putain de film, et c'est un film qui est pas dur à trouver, en plus. Et Oui. c'est vraiment je déteste ce terme, mais un grand film. Bref. On passe au suivant? On On passe passe au au suivant, suivant. on change de décennie, et est-ce que tu peux nous parler de Bad Moon? Alors, Bad Moon, film sorti en 96, réalisé par Eric Red. Alors, Eric Red, un homme qui a pas fait grand-chose, à part réaliser le film préféré des Kiefer, à savoir 100 Feet, avec... Vrai film de Kiefer, ça la team ou quoi? avec Famke Janssen, dans le rôle principal. Oh! Oui, donc Ça ne se refuse pas. Vrai film de la Kiefer! Jean Grey de la trilogie originale X-Men. Elle a fait d'autres choses vachement bien, mais. Je vous jure, c'est une très bonne actrice à la base, je vous jure. Mais donc on suit un homme qui essaie de contenir sa malédiction lycanthrope qui pèse sur lui, et décide pour ça d'emménager chez sa sœur et son fils. Voilà. Sa sœur et son neveu. Mais tout ne se passera évidemment pas comme prévu. Donc, pour parler vite fait du cast, le loup-garou, il est joué par Michael Paré. Alors, acteur qui a commencé sa carrière avec Bad Moon, puis Le Village des Damnés de Carpenter et Moon 44 C'est dans lui dans le Unreach. village des damnés? Ouais, il est dans Le Village des Damnés, dans Moon 44 et dans Virgin Suicides. Ok, chef-d'œuvre. Rien que Virgin ça. Suicide dont on reparle très bientôt, d'ailleurs. Dont on reparle vraiment très bientôt. Et après, elle jouera chez Weevil. Ah, dans quoi? Dans quel? Postal, dans les trois Blood Rain, Oh Rampage, putain! Far Cry, Blubberella, Tunnel Rats et Alone in the Dark 2. Oh la. C'est pas UV Ball, Ah, Alone in the Dark ok. 2. Mais la vache! Putain, alors. UV Ball, alors je me permets de vous renvoyer vers le petit format court que j'ai fait parce que. Oui, alors. On fait l'interlude maintenant. On fait plein de formats courts actuellement. Il y en a littéralement un tous les jours qui se sont postés entre 18 et 20h. Tous les jours, le lundi, dimanche. Sur plein de trucs différents. Et on parle de films de baston, on parle de films de zombies, on parle de sorties à venir, on parle d'anciens films, on fait des recos à droite à gauche. Parfois, moi, je drop 22 films d'un genre parce que j'ai envie. Bref, on vous parle de plein de trucs. On On parle de vous invite. Shadows. Comment? On parle de On Shadows. parle de Shadows, notamment tous les dimanches, évidemment. On vous invite à aller voir ça. C'est sur Insta, TikTok, YouTube. YouTube, quand YouTube fait pas chier sur la musique. Mais donc allez voir ça et notamment vous pourrez y découvrir pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de sacraliser Sam Levinson parce qu'il a collaboré avec UV Ball, c'est pas une blague, ils ont vraiment fait un film ensemble, je vous laisse voir comment, quand, pourquoi. Mais allez le voir le film le réel Abidé peut-être parce que j'ai évoqué Auschwitz. Voilà, j'ai évoqué Auschwitz parce que UV Ball a fait un film sur ça, Qui s'appelle comme ça d'ailleurs. qui film abominable, mais bref. Allez-y, on vous invite évidemment à nous suivre, foncez, ça nous fait plaisir de partager ça nous fait plaisir de voir que vous semblez réceptif à ça. Merci à Bref, vous. voilà, merci évidemment, foncez, foncez, foncez, bref, pardon de t'avoir interrompu, on Non, reprend tout de t'inquiète pas. suite. Michael Paré se rattrapera un petit peu après. Ah bah tiens, on va rester sur la thématique. Putain, mais il l'a fait postal, c'est quand même super dur. Il se rattrape un peu après en jouant dans Puppet Master The Little Strike. Ah, le meilleur! Donc celui scénarisé par S. Craig Zeller. Je crois, ouais. S. Craig Zeller, donc, qui vient de la saga Puppet Master, qui est saga quand même cabossée, hein, voilà. Je pense sur 10, 12, 15 films, t'en as 4 bons, quoi. Mais Charles par contre, Band. le Puppet Master Littlest Reich, il y a un truc qu'on sous-estime sur le film, c'est qu'il est ultra gore. C'est pour ça qu'il a été primé à Gérard, mais Mais il France. est ultra bourrin, et c'est pas genre. Ah là là. Après, S. Craig Zeller, c'est quelqu'un qui aime la viande, hein. Genre, t'avais vu Bone Tomahawk avant Oui. le Gérard. C'est un slow burn, mais alors quand ça burn, ça y va vraiment. Et S. Craig Zeller, c'est vraiment quelqu'un qui a un cinéma très très très violent. Et Littlest Reich, c'est peut-être le film le plus goofy qu'il ait scénarisé. Mais enfin, si vous voulez un putain de slasher un peu drôle, un peu décalé et où ça y va vraiment niveau viande, foncez, c'est ultra sous-estimé Puppet Master Littlest Reich. Peut-être parce que c'est enfermé dans une saga qui est globalement pourrie. Et bah Bref. justement, il a aussi joué dans Bone Tomahawk. Chef-d'œuvre. Et là par contre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Avec Patrick Wilson dans un de ses plus beaux rôles d'ailleurs. Mais à côté de ça, il a aussi joué chez Full Moon et Asylum. Faut bien assurer les fins de mois. Ça, Full Moon Asylum, UV Ball, vraiment une espèce de triangle des Bermudes. Je jure que tout le monde chie sur Asylum. Full Moon, c'est pire. Full Moon, je trouve ça infiniment pire. Parce que Asylum, au moins, si vous regardez au tout début, ils ont distribué quelques films cool. Genre King of Ants de Stuart Gordon, ces trucs-là. C'est vrai que c'est eux. Ça, c'est cool. Mais Full Moon, il n'y a rien à sauver. C'est infernal. Et je mate vraiment beaucoup de bêtises. Full Moon, même moi, je suis en mode... Oula, pas de ça chez moi. Alors, dans le rôle de sa sœur Janet, on retrouve Marielle Hemingway, qui avait donc joué dans Manhattan de Woody Allen. Rien à voir avec Ernest, j'imagine. Je pense en avoir Ernest. Excellent film de Matin. Alors, excellent film, mais réel. Alors, toujours pas vu le film, mais oui, toujours réel, nul. Enfin, pas nul humainement. Nique sa mère aux pédos ou aux agresseurs, hein, évidemment. Voilà. Qui a aussi fait jouer dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, donc le troisième. Et donc, c'est celui où déjà David Zucker n'est même plus à la réalisation, mais seulement au scénario. Et sur le 2, il est toujours seul à la réal, mais il n'y a même plus les deux autres scénarios. On rappelle que les deux autres, il y en a un qui a fait les hot shots, c'est l'autre qui a fait Ghost, et bah, au milieu, il y a David Attends, Zucker. Ghost. Ghost avec Patrick Swayze. C'est un des As qui a fait Ghost? Il me semble que c'est Jerry Zucker. Je ne savais pas. Ou J.B. Abrams, un des deux. Et donc, elle a aussi joué dans Superman 3. Et enfin, dans le rôle de l'enfant, Brett, on retrouve Mason Gamble. Rien à voir avec le gambling. Ouais. C'est donc le Denis la Malice du film de 93. Et qu'on a aussi vu dans Gattaca et dans Rushmore. Ah, alors déjà Gattaca, excellent film. Oui. Excellent film. Excellent film. Meilleur film de son réalisateur et de loin. J'adore taper. En fait, j'adore taper sur ce mec. Genre Andrew Niccol, j'aime Non, trop taper t'as sur. plus sur Lords of War. Lords of Et War. sur lui, par in extenso. Mais attends, Lords of War, on parle. Attends, pause. S'il y a des fans de Lords of War, envoyez-moi un message, on va discuter. Mais un film où Jared Leto, enfin, non, pardon, Jared Fetro, fait. Attends, je vais faire l'Ukraine en coke. C'est pas possible. Mais bref. Et alors, pour moi, ce qui marque vraiment dans Bad Moon, c'est que déjà, on est très vite embarqué par la mise en scène. C'est-à-dire que c'est un film qui va avoir une caméra très flottante sur énormément de plans, notamment pour tout ce qui est des décors, mais qui va aussi pas hésiter à aller vers la shaky cam, notamment pour les scènes d'attaque. Mais la shaky cam qui reste lisible, qui reste Bien sûr. juste une shaky cam immersive, mais pas trouble pour autant. Exactement, exactement. Et il y a quelques passages de mise en scène assez dingues, notamment, enfin dingues, assez marquants, notamment le plan où l'héroïne, donc Janet, réalise que son frère est un loup-garou, qui est illustré par un reflet dans une vitre, que je trouve assez bien foutu, Ça honnêtement. m'a fait penser à. Enfin, c'est indirectement, mais tu vas voir ce que je veux dire, et j'espère vous aussi, qui est ce plan. Enfin, quand on avait parlé de House of the Demons, Oui. donc il y a. Pour Halloween 2, donc c'était il y Night of a. the Demons. Night of the Demons, merci. Mais où en fait, c'est un film qui paye pas de mine, qui a un peu ce côté. Enfin, Bad Moon, c'est les années 90, mais où il y a ce truc. Enfin, il y a cette patte, on va dire, qui est de 81-2, en tout cas 97 à peu près, de. Même au milieu d'un film qui est, somme toute, une série B, et je dis ça à nouveau en termes de qualificatif plus que d'appréciation critique, parce que c'est une série B peut être analysée, je sais pas, au même titre qu'un, je sais pas, donne-moi un auteur stylé, Bong Joon-ho, tu vois, Oui. par exemple. Mais c'est ce truc de, tu regardes ton film, t'en dis ouais, c'est bien et tout, et bim, et d'un coup t'as un effet de mise en scène où tu t'y attends pas, et tu fais, attends, mais là il y avait une idée derrière, putain, c'est bien. Et Night of the Demons, il y avait ça avec le Avec le plan du miroir, miroir oui. brisé qui était incroyable. Et du coup, tu regardes un film qui paye pas de mine, qui, quelque part, ne. Alors, je dis ça avec le regard de 2026, mais quelque part ne devrait pas avoir ça. Et d'un coup, tu te retrouves avec un plan qui est vraiment inspiré, qui est vraiment beau, qui est vraiment puissant, et tu te dis. Ben, puissant, j'exagère un peu peut-être, mais tu te dis, ah, il y a un regard, il y a quelqu'un derrière la caméra, c'est pas ChatGPT. Tu dis, ah, j'aime bien. Et alors, je peux pas m'empêcher d'aimer beaucoup la scène où le loup-garou va tuer le voisin casse-couilleux. J'étais sûr que tu serais fan du chien pour du film pour cette version, pour C'est cette ça. raison-là. Mais d'ailleurs, moi, je Le chien qui est pour le coup un vrai personnage à part entière. Je sais qu'on Oui. a tendance à faire la blague de oh, le chien, enfin le chien slash le lieu, enfin est un personnage. Non, non, là par contre le chien c'est littéralement un des protagonistes du film, voire Oui. plus important que les autres. Donc Notamment plus important que cet enfant. oui. Mais oui, le chien, donc Thor en VO, je crois que c'est Tonnerre en français. Ouais, ça en VO, ouais. Ouais. Et j'avoue, j'ai eu ma petite larmiche quand la fourrière l'embarque. J'avoue, la scène est premier degré un peu traumatisante. Hein, parce que Oui. moi, alors, je crois que j'en ai jamais parlé à ce micro-là, mais moi, je sais que j'ai aucun problème avec le fait de voir des trucs gore, dégueu, méchant, blablabla. Nous, on vous a parlé de Marco. On n'a jamais fait d'épisode vraiment. Enfin, on y a pensé, mais on n'a jamais fait d'épisode vraiment que de la haine. Référence à une certaine mixtape du rap français d'ailleurs. Mais vraiment que de la violence, que du bourrin. On y a déjà pensé. On a failli le faire, mais ça s'est pas fait. Peut-être un jour prochainement. Mais on l'a jamais fait, aucun problème avec ça. Personnellement, j'ai deux problèmes. C'est le côté plaisir dans le sadisme. Et je vous renvoie à une vidéo qui sera sortie ou sortira bientôt. À un moment où vous écoutez ça, où je parle d'un film que j'ai haï comme pas permis. Un indice, un remake avec James McAvoy est sorti il y a quelques années maintenant. mais qui en fait sont des films qui prennent beaucoup de plaisir dans le fait de maltraiter les spectateurs et leurs personnages. Et on va dire qu'en 2026, dans l'ambiance politique actuelle, j'ai beaucoup de mal avec ces films-là, c'est vraiment des films que je déteste. Même si j'ai aucun problème avec le fait qu'on les aime, c'est très personnel. Mais par contre, et mon autre truc, c'est la violence sur les animaux, qui est pour moi un vrai tabou. J'ai énormément de mal avec ça, je peux pleurer pour rien, je ne peux pas voir Bambi. C'est un vrai sujet. Ok. Et bah, je jure, c'est vrai, je peux le raconter maintenant. Bambi The Reckoning, donc le film du Pooniverse là. Autant Ouais, dire qu'on n'est pas dans le grand cinéma. Hein. vas-y. Ah Qui d'ailleurs est pas mal du tout, hein, qui est vraiment. Enfin, à l'échelle du Pooniverse, c'est peut-être le deuxième meilleur. ouais? Tu mets quoi en premier? En premier, moi j'avais bien aimé le Blood and Honey 2. Ouais, moi Ouais, aussi. ça, et en troisième, je te mets le Peter Pan, je pense. Même si le T'as vu Peter Pan, Peter le Pan? personnage transgenre, c'est vraiment pas possible ce qu'il fait avec, mais c'est pas notre sujet. Bah, la fin de Bambi, je vais pas la spoiler, mais il y a un animal qui meurt. Je n'en dirai pas plus. J'ai pleuré. Parce que juste, j'ai vraiment beaucoup de mal à tanker ça. Et bah, la scène dans Bad Moon, où le chien se fait embarquer, j'étais vraiment pas bien. Parce qu'en plus, cette scène, elle est longue! Elle dure bien 5-6 minutes. Et Ah 5-6 ouais. minutes de chien qui se fait embarquer, avec violon, avec l'enfant qui pleure et tout, ça peut paraître con, et peut-être qu'on en fait des caisses, peut-être. Mais personnellement, c'était vraiment très dur à voir. C'était Ouais. vraiment, vraiment très dur à voir. Ouais, c'est vraiment la scène. C'est vraiment la grosse scène émotion pour. C'est aussi ça, d'ailleurs, j'y pense, qui fait que je suis pas capable de revoir Jusqu'en Enfer. Ok, À ah cause, bah ouais, oui. et bah, ou quand je le revois, je sais que je skip cette scène. Parce que Bah, c'est... ou même t'as ça dans Smile. Comment? T'as ça dans Smile avec le chat. Alors, j'avoue, Smile, je m'en rappelle plus, parce que j'en ai parlé sur les formats courts, mais c'est pas un film que j'avais beaucoup aimé, mais maintenant que tu dis, ça me dit vaguement quelque chose, et ça m'a Smile, il y a ce pas... moment où l'héroïne ne sait plus où est son chat Ça me dit pendant vaguement X quelque temps, chose. et à l'anniversaire de son neveu, elle lui offre ce qu'elle pense être le cadeau qu'elle lui a pris, et en fait, Oui. dedans, c'est le chat Ouais, mort. je l'ai, mais du coup, tu vois pas l'acte en tant que tel. C'est vraiment Non. le côté voir l'acte qui me... Ah! Oui, bah Et c'est pour ça typiquement, j'ai. Jusqu'en Enfer, où t'as ça, c'est vraiment dur. Bah, t'as la saga Halloween aussi, qui le fait quand même deux fois. La première dans le film de Carpenter, et la deuxième dans Halloween 2 de Rob Zombie. Oui, alors oui, oui, alors oui, Rob Zombie, Avec un chat. il a un petit problème avec ça, ouais. Mais bref, reprenons sur Bad Moon. Nous divergeons souvent, Vergent. c'est l'un des principes du podcast, mais on y arrive. Reprenons sur Bad Moon. Mais oui, pour parler plus de loup-garou, bah, je trouve que le loup-garou a vraiment de la gueule, pour le coup. Ouais. Mais, et la transformation est très cool, mais c'est gâché par les VFX. C'est... Bah, en fait, le film a plein de qualités. À nouveau, j'en parle juste après, hein, mais le film a plein de qualités. Notamment le fait que sur... Il fait le choix, merci, d'un animatronique. Ou quoi, d'un mec en costume. Plutôt d'un mec en costume, je pense. Ouais. Sur le loup-garou. La transformation est à vomir. Et ça permet déjà de connecter à la compagnie des loups. C'est que la compagnie des... En fait, le loup-garou a aussi une certaine spécificité, c'est le fait que la transformation, il y a plusieurs choix. Alors, on pourrait dire que les vampires, il y a plusieurs choix esthétiques autour des dents. Effectivement, on peut penser aux dents Dracula, donc deux crocs comme ça, ou aux dents, je sais pas, 30 jours de nuit, donc une bouche dégueu pleine de Bah, pics. les dentineurs. Voilà, même dans Sinners. Effectivement, mais ça reste quelque part un détail. C'est-à-dire que c'est juste, il ferme la bouche, on la voit plus la différence, ça dégage. Oui. La transformation du Pour loup-garou, peu qu'il bah, ait des lèvres comme les miennes qui recouvrent complètement les dents. voilà, c'est ça. La transformation dans le loup-garou, bah, il y a plein de choix possibles. Est-ce qu'il va déchirer sa peau pour que le loup sorte? Est-ce que ça va être vraiment une mutation où il se transforme en direct? Est-ce que ça va être quelque chose de beaucoup plus discret ou ça va juste être une espèce de petite mutation un peu vite fait? Tout est possible. Et ici, le fait qu'il fasse le choix d'une transformation full screen, donc c'est vraiment pas il déchire la peau, c'est juste il se transforme très littéralement, et que ce soit fait par des CGI, ça devient vraiment, vraiment immonde, et c'est de loin le plus gros défaut du film, c'est que ce qui est censé être un peu la scène clé, la scène key point turnover, bah devient finalement un gros flop parce que c'est très moche, quoi. Bah, qui en plus c'est une bonne scène parce que c'est la scène où il bute le voisin casse-couille justement. Voilà. Mais c'est vrai que bah on le dira jamais assez, mais un effet pratique daté vieillira infiniment mieux qu'un CGI daté. Bah, je vais passer pour un vieux con, mais pour moi, le seul film qui a... Enfin, le meilleur film qui a réussi à mélanger les deux, c'est Starship Troopers. C'était il y a... C'était C'était il y il y a. a... Bon, après, j'exagère, il y a des excellents films en CGI. C'est à 30 ans Non, ça, déjà. mais il y a des excellents films en CGI. On peut penser à Avatar, on peut penser même au Hobbit, que j'aime beaucoup. Oui, Enfin, non, mais bref, c'est pas notre sujet. C'est c'est juste pas pour que... un anti-CGI, c'est pour dire Au contraire, un au contraire. CGI daté vieillira moyen qu'un effet pratique daté. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, c'est juste pragmatique. C'est qu'un effet pratique daté, même s'il a l'air, même si on peut se dire, ah, c'est un animatronique, bah t'as toujours les fluides, t'as toujours le côté très presque tactile que le film te donne, qui peut te donner envie de vomir. Tu vois qu'il y a un marionnettiste derrière, tu vois Bah, qu'il y a même un... certains films de Lucio Fulci, Frayeur, quand la Oui. fille, scène exceptionnelle, vomit ses organes, on voit que c'est un animatronique parce qu'elle est très statique. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus immonde que de voir quelque chose qui est un être humain très bien fait quand même, qui vomit ses propres organes, conceptuellement c'est mortel, et l'exécution fait que le résultat est dégueu, et c'est voulu par le film. Donc c'est Et génial. je suis un fan de stop motion vraiment très daté et vraiment, True! vraiment jeune. Dolls. Dolls, c'est vachement bien. Dolls, c'est Dolls, faut génial. arrêter. Dolls, c'est trop bien. Dolls, c'est trop bien. Eh bah, eh, on en parlait de Full Moon tout à l'heure. Oui. Voilà. Mais donc c'est ça. Alors, sur Bad Moon, personne... Enfin, t'as fini sur Bad Moon? Alors, spoiler sur une scène à la toute fin, mais j'avoue qu'avoir un chien, loup, garou, C'est vrai. moi, c'est mon petit bonbon. Le dos-garou. Mais qu'on a dans Kirst! C'est vrai qu'on a dans le cœur. Oh putain, ouais, qu'on a dans le cœur. C'est un nouveau film qui porte vachement bien son nom. Je rêve de voir une version complète, mon qui n'existe sûrement plus, mais un jour peut-être. Et bref, sur Bad Moon, bah moi, ce qui m'est venu en tête en voyant le film, c'est que c'est vraiment film de loup-garou.mp4. C'est. Tous les éléments immanquables du film de loup-garou sont là. C'est-à-dire que t'as une transformation, t'as le. Mystère. Alors. C'est l'un des problèmes du film d'ailleurs, c'est qu'en fait, pendant à peu près 40 minutes, il veut laisser le doute auprès des autres personnages de loup-garou, mystère, qui sait, est-ce que c'est le loup-garou? On sait pas, on sait pas. Et en fait, le problème de ça, c'est que, ça m'est venu pendant le visionnage, Cœur, c'est le même problème d'ailleurs, c'est que c'est un sujet de film de vampire. C'est un sujet de film de vampire, le côté, ah, loup-garou, mystère, on sait pas. Parce que, un vampire se cache infiniment plus facilement auprès des humains qu'un loup-garou. Alors, je n'ai jamais rencontré un des deux, hein, mais. Comme on dit dans la Cité de la Peur, l'aura-t-il pas? Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ça, je trouve que ça. Pèse un peu sur le récit dans la première partie, là où le récit se fluidifie grandement après, et donc tous les trucs du loup-garou sont là. Il y a un costume qui est plutôt réussi, il y a une transformation qui est plutôt dégueulasse, il y a des effets gore vraiment sympas, pour le coup, il y a vraiment des effets gore cool, c'est ouais, tout à fait respectable. Il y a un animal Pouce qui se. levé, pouce Ouais, levé. pouce levé, exactement. Il y a un animal qui se doute que c'est un loup, mais en fait non, mais en fait si, mais voilà, bref. Il y a tout ce que vous voulez. C'est vraiment tout le pattern schématique du film de loup-garou est dans ce film. Pour le pire et pour le meilleur, j'ai envie de dire. Parce que notamment, je trouve que le film bah, est très intéressant quand il y a son loup-garou qui est là, parce que vraiment, le loup-garou est sympa. Il est vraiment sympa. C'est pas le plus beau que j'ai vu, mais il est vraiment, vraiment cool. Les effets spéciaux sont vraiment, vraiment sympas, et le film est pas trop long, à nouveau, ça c'est cool. Mais je trouve que le film est quand même globalement pesé par le fait que il arrive pas trop à surprendre son monde. Mais, je peux pas trop le donner, le blâmer pour ça, étant donné que, comme je l'ai déjà rapidement évoqué, le genre du film de loup-garou, c'est un genre qui est très peu représenté. C'est un genre qui a trois classiques, quatre peut-être en poussant, mais c'est un genre de film qui est en immense minorité numérique. C'est-à-dire que un film de vampire, il y en a quasiment un qui sort tous les 2 ans, enfin, voire un qui sort tous les ans et 10 000 qui sort tous les 3-5 ans, quoi. Le genre du film de zombie, on n'en parle pas. C'est très facile de faire un film de vampire, d'être dans les clous. C'est très facile de faire un film de zombie, d'être dans les clous. Et d'être dans les clous dans le sens chiant. Faire un film de loup-garou et être dans les clous, bah c'est bien. Bah c'est bien parce qu'en fait ça veut dire que t'as un film de loup-garou, t'as pas l'impression. Enfin quand on le regarde en tant que spectateur, on n'a pas l'impression de se dire ah on s'est foutu de ma gueule quoi. Donc non vraiment quand je dis c'est un film de loup-garou point MP4 dans le sens le plus traditionnel et codifié possible, je le dis dans la plus belle façon possible. Et également une autre chose qui m'a marqué dans le film, c'est que le film sort en 96. Ouais. C'est un film qui est ultra 80s, je trouve dans sa patte. Il a une C'est photo vrai. 80s, il a des effets spéciaux très 80s. Alors le Ce qui manque, c'est cadre. éventuellement la musique, Bah mais. après, le cadre aussi, on est dans la pampa, on est dans la forêt au milieu de nulle part. Ce qui a sûrement dû aider pour le budget d'ailleurs. C'est ça. Bah justement, j'allais venir sur le budget, mais on parlait de transformation. Y aller en full CGI, est-ce que c'est la meilleure idée? Pour moi, non. Bah pour moi, mais c'est ce que je disais sur le problème de l'argent, et du coup, bah, tu me laisses un pont-levis pour ça. Vas-y. C'est que faire une transformation de loup-garou, ça coûte super cher. Ça coûte super cher, et en témoigne Joe Dante qui voulait faire. Enfin, non, pas Joe Dante, loup-garou de Londres. John Landis, pardon, Parlons d'ici, merci. oui. Qui voulait faire la transformation de son loup-garou en plan séquence, et ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que ça aurait coûté tellement cher! C'est ça. Et déjà, le loup-garou de Londres, c'est 10 millions de budget. Voilà, alors, à nouveau, inflation, etc. Oui. Prenez en compte ça. Mais à titre de comparaison, Bad Moon, c'est 7. Voilà. Et à titre de comparaison, pour un film qui sort l'année d'après, Le Loup-garou de Paris, c'est 25. C'est pas meilleur, hein. Et c'est... Ah non! Mais et donc c'est ça, et c'est que le loup-garou, c'est de loin la créature qui coûte le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il te faut le costume, il te faut naturellement, enfin, ou alors tu peux faire un loup-garou en CGI, ok, mais tu perds tout de suite en crédibilité, sauf Ou tu que... fais comme Teddy et tu fais un loup-garou très suggéré. Mais effectivement, tu fais comme Teddy aussi, ça. Ça, on n'a pas cité Teddy en film de loup-garou. Mais voilà, donc, il faut que tu passes ça, il faut que tu... Et ça, il faut qu'on parlait de la transformation. Bah, soit tu deviens la risée d'Internet et tu fais un truc style le retour de la momie avec The Rock et tu proposes des CGI dégueulasses, ou alors tu tentes quelque chose, genre, même Dog Soldiers, qu'on n'a pas pris aujourd'hui, mais excellent film de loup-garou aussi. Peut-être quelque chose sur le site qui Vous sort allez sur... entendre parler bientôt. Voilà, peut-être que vous en entendrez parler très bientôt d'ailleurs. Mais Dog Peut-être qu'on Soldiers... a rentré le réal à Jean Armé, qu'il Ouais, était adorable. peut-être, peut-être. Peut-être. Mais Dog Soldiers, qui n'a pas de scène frontale, doit y passer et donc se débrouille pour... tu renverses une table, la personne se transforme derrière, mais tu vois la main sur la table, tu vois l'œil devenir jaune, enfin t'as des trucs comme ça. Même Thriller de Michael Jackson, Réalisé par John Landis. voilà, bah t'as ces trucs-là. Et donc en fait, le loup-garou, c'est de loin une créature qui coûte ultra cher. Et que même si tu veux en faire une pas chère, bah tu préféreras toujours faire un vampire ou un zombie. Parce que c'est beaucoup plus facile. Qui a envie de faire un loup-garou pas cher quand à côté t'as le vampire ou t'as juste besoin de dents en plastique? Bah, preuve en est, Ça? la Hammer qui a jamais roulé sur l'or Et alors que, enfin, ils étaient pas pauvres non plus, hein, Non, non, c'est... mais la Hammer, donc le studio anglais, vraiment le studio européen en termes de films de monstres, Que des bangers dans le disque... Quasiment que des bangers dans le disque dur. n'a quasi jamais traité de loup-garou. Ils ont fait un film de loup-garou dans leur vie, et il était coproduit par Universal, qui détient les droits Voilà. de la bestiole, Bah, enfin de du nom, le l'appellation. C'est ça, loup-garou. pour appeler un film de loup-garou. C'est-à-dire que le Wolfman de Lee Whannell, c'était eux. Le remake de Wolfman, donc par John Stone, c'était eux aussi. Évidemment, toute la vague d'Universal Monsters des années 30, 40, 50, donc, qui va de Dracula à La Créature du Lac Noir, donc de 31 à 54, c'est eux aussi. Voilà. Et d'ailleurs, tu parles du loup-garou de Lee Whannell. Bah, pour moi, un film qui n'assume pas la transformation loup-garou, celui de Lee Whannell. Oui. Qui justement n'assume pas, il reste sur un format très humanisé, avec beaucoup de poils. Genre, si vous avez toujours rêvé de voir Chewbacca rasé, bah il est là en fait. Et le truc, c'est que bah, pour moi, et pourtant j'adore Lee Whannell, je trouve que Upgrade est un petit chef-d'œuvre. Oui. Je trouve que Invisible Man est vraiment, vraiment très oublié, alors qu'il n'y a pas de raison, c'était vraiment un C'est trop putain bien, de film de c'est flic, trop bien. qui en plus avait une parabole pas subtile, mais incroyablement bien vue sur sur la masculinité toxique et sur Oui. le côté oppressant d'un certain type de présence masculine. Et Carrie Anne Moss Fabuleuse, brille dans le évidemment. film, Et évidemment. le jumpscare du grenier m'a, c'est pas une blague, Oui. fait tomber de ma chaise quand je l'ai vu, c'est pas une blague. Alors je l'ai vu en salle, donc moi ça va être compliqué, Ah mais bah non, alors je l'ai oui. vu en salle une fois, j'ai Ouais. flippé, je l'ai revu, je suis tombé de ma chaise. Vraiment, et c'est quelqu'un qui n'est pas ultra sensible au jumpscare, enfin sensible dans le sens mémorable au jumpscare qui vous dit ça. Après, il avait réalisé une saison 3, je C'est juste crois, 3, mais c'est son premier film, oui. on l'oublie, Mais alors, ça c'est son va. premier film, il le fait aussi parce que bah, il est mine de rien co-scénariste du 1 et 2, il Bah, joue dedans. c'est un pote de James Wan depuis. Bah, depuis ça? Voilà, donc depuis l'époque. Depuis Saw, le court-métrage, donc en 2003. Voilà, donc c'est donc vraiment à l'époque. Et son Wolfman, pour moi, ça a vraiment été la déception d'une vie, parce que j'en attendais énormément, parce que c'est quelqu'un qui a un rapport au body horror, en tout cas un rapport au travail de la chair au cinéma, on se souvient d'Upgrade encore une fois, même Oui. de Invisible Man, quelque part, qui est passionnant, et pour moi c'était Mais vraiment... c'est le resto de Invisible Man. Et voilà! Oh. Et là, c'était vraiment un film de studio random, ultra lambda, et qui en fait n'assume même pas son concept de Wolfman, parce que le film aurait pu s'appeler, je sais pas, Un sauvage dans la forêt, ça aurait été pareil, quoi. Donc vraiment... ultra déçu de Wolfman. Et qui pour moi est l'archétype parfait du film de loup-garou qui s'assume pas et qui explique pourquoi faire un film de loup-garou, bah c'est vraiment vraiment très compliqué. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur Bad Moon? Non, non, non, à nouveau c'est vraiment un film de loup-garou standard mais qui illustre à quel point, de par les exigences que demande le film de loup-garou, un film de loup-garou standard met un boulevard à n'importe quel film de vampire standard, à n'importe quel film de zombie standard, et je peux donner un exemple, c'est que pour moi, Bad Moon atomise, je sais pas, je veux dire des films de vampires que j'aime pas trop, mais je sais pas, Day Shift, par exemple, qui pour moi n'est résumé qu'à une seule scène, même Celle avec John Williams. avec Avec Scott Adkins, Scott Adkins, oui. même quelque part Abigail, et pourtant j'aime bien Abigail, mais je préfère Bad Moon parce qu'il y a un sens de l'artisanat que je préfère. Je sais pas, des films de vampires que j'aime pas, bah, j'allais dire 30 jours de nuit 2, mais c'est facile. The Invitation, comment il s'appelle en français? Bal de l'enfer, Bal de l'or? Oui, je crois que c'est pas Ou à la l'enfer, fin, il oui. dégaine Dracula et c'est nul, enfin, Oui. voilà. Et film de zombies nul, je sais pas, tapez Zombie Covid et ils vont trouver 10 000 et vous verrez. Corona Zombies de Charles Band. Voilà ça, vous tapez Zombie Covid, vous en aurez 10 000, c'est facile. Alors, Corona Zombies, je l'avais vu, bah du Tu coup, l'as vu? je l'ai vu C'est à bien. l'époque, bah non. Corona Zombies, il sort pendant le confinement. Et ben vous Oh, le savez. mauvais goût! Et ben vous savez quoi? C'est un film d'une heure avec 50 ou 55 minutes de détournement de film de zombies et 5 à 10 minutes de segments tournés pour le film. Et vraiment, il va reprendre juste des films de zombies et dire Ah putain, lui il a pas mis son masque! Et voilà. Après, on se moque des films basés sur les zombies. Mais n'oublions pas, enfin, basé. Après, on se moque des films basés sur le Covid. Michael Bay en a produit, hein. Songbird. Donc, Oui. ni oubli ni pardon. Est-ce qu'on passe au suivant? On passe au suivant, évidemment. Là, ça va être ton bébé, ton C'est mon doudou. bébé, c'est peut-être mon préféré de cet épisode. Là, peut-être Let's c'est mon préféré de go! l'épisode. Scooby-Doo sur l'île aux zombies, donc réalisé par Jim Steinstrom. Alors, après une énième enquête où tout se ressemble, le Scooby-Gang s'est séparé. En fait, chacun est parti vivre sa vie, c'est-à-dire que Vera tient une librairie sur l'occulte et l'étrange et le thriller le paranormal. Voilà. Notamment sur les trucs d'enquête policière. Oui. Ce qui aura son apport. Le livre de Tchekhov. La librairie de Tchekhov. De leur côté, Daphné est devenue présentatrice télé et Fred est son producteur, et de l'autre, Sammy et Scooby enchaînent les petits boulots, dont le seul qu'on voit, c'est évidemment chargé de la contrebande à la douane, notamment de la contrebande de bouffe. Voilà, parce qu'on vous laisse deviner que Sammy et Scooby sont très calés en la matière. C'est ça. Et bah, avoir un chien, ça aide aussi, accessoirement. Et cette scène magnifique, on vous a laissé deux balles de gorgonzola. Magnifique. Mais donc, ils se séparent, mais ils décident de se rassembler pour l'anniversaire de Daphné, pour tous ensemble essayer de trouver une vraie maison hantée. Une vraie affaire vraiment paranormale, et pour une fois dans le Scooby Gang, ce sera une vraie affaire paranormale. Dire, Alors. c'est pour moi c'est la seule fois, non? Je Alors. peux me tromper, t'es beaucoup plus calé en la matière que moi, mais ça m'a surpris en revoyant le film, c'est le fait de me dire, putain, c'est vrai. C'est pas un mec en costume. Alors que d'habitude, c'est quand même l'un des moteurs de la série, à savoir ce côté, on reprend un schéma connu, attendu, et a fortiori des motifs connus et attendus, donc des monstres connus. Mais en fait, à la fin, hop là, démasqué, et on démarre comme ça. Alors, on a eu d'autres vidéo-films Scooby-Doo avant ça, parce que ce film-là est un vidéo-film, ce n'est pas un film de cinéma, c'est un DTV. C'est un DTV, ouais. C'est pas la première fois qu'on parle d'un DTV, mais c'est... En fait, le DTV, c'est vrai que... Enfin, peut-être préciser ce que c'est qu'un DTV à la Donc, base. DTV direct to vidéo, donc directement en vidéo en français, c'est un film qui ne sort pas sur les salles, enfin, en salle de cinéma, mais qui sort exclusivement pour le marché vidéo, donc à savoir la VHS. Le DVD aujourd'hui, donc le film sort en 98, Bah, donc il n'y a pas le le DVD à DVD à l'époque. l'époque et aujourd'hui le direct to plateforme. Direct ou plateforme, oui. Donc directement, typiquement, techniquement, Roma de Alfonso Cuarón est un DTV. Oui. Techniquement, Pinocchio de Guillermo del Toro est un DTV. Frankenstein de Del Toro. Est un DTV. Oui. Techniquement, c'est... Alors, les comparaisons Alors, sont aussi... DTV ou téléfilm, Voilà, les plateformes sont vraiment à cheval entre les deux. les comparaisons sont motocross, d'autant que c'est pas forcément le même contexte, la même économie, etc. Mais vous avez l'idée. Rappelle-moi le budget de. Merde. Le film avec The Rock. Ah, Red Notice? Rappelle-moi le budget de Red Notice? 200 millions? De 100, 250, je crois, à peu Ouais, dans près. ces eaux-là. Cher. Cher. Cher pour un téléfilm. Voilà. Mais donc, Alors, Scooby Gang. on a vu quelques vidéos-films du Scooby Gang, enfin de Scooby-Doo, plutôt que ça. Notamment, je pense au Rallye des Monstres, un film avec lequel j'ai grandi, dans les années 80. Mais. Alors. J'ai pas grandi dans les années 80. Je suis en 2001. C'est un film des années 80 avec lequel j'ai un peu grandi. Je le louais en vidéo club, pour être précis. Mais c'est un film qui n'inclut pas le Scooby Gang. Il inclut que Sammy et Scooby. Ah, il y a des films où ils sont séparés. Oui, Putain, c'est un oui. univers étendu. Bah, notamment, il y a eu toute la période de l'agence Toutou Risque avec Scrappy et Sammy, avec Scrappy et Scooby. Scrappy, c'est le bébé Scooby? C'est ça. Okay. Celui qu'on voit dans le film. Le méchant du film de Raja Gosnell, enfin du premier film de Raja Gosnell, ouais. Ok. Écrit par James Gunn, évidemment. Bien sûr. Il y a peut-être une vidéo sur ça qui arrive dans les prochains jours sur les plateformes. Restez à l'écoute. Hé Et donc c'est vrai que c'est le premier à ma connaissance. N'hésitez pas à envoyer des À DM corriger si on dit des sur bêtises. Insta, TikTok si je me trompe. Mais à ma connaissance, c'est le premier. C'est la première fois que le Scooby Gang au complet rencontre une affaire réellement paranormale. Parce que du coup, ils vont arriver sur l'île de Moonscar, une île qui a été auparavant pillée par des pirates. Et sur laquelle le Scooby Gang va rencontrer d'abord des fantômes, puis des zombies, pour arriver enfin, spoiler, sur des chats-garous. Voilà. Alors, c'est un film que je trouve bah, déjà très fun. C'est Scooby-Doo. Donc évidemment que Scooby-Doo c'est très fun, et c'est surtout un film qui va utiliser de tout ce que lui permet le cinéma d'animation pour bah, faire absolument ce qu'il veut avec la gravité, notamment. Oui, genre tu te retrouves au début d'une falaise et oh bah tu tombes pas. Bah non, parce que c'est pas. Pourquoi tomber? C'est ça, mais c'est un film qui va vraiment jouer sur le côté cartoon, qui va vraiment faire ce qu'il veut avec la gravité, avec beaucoup de gags visuels. C'est un film que je trouve très drôle, déjà par les situations, par les répliques et aussi visuellement. Mais c'est un film qui est aussi extrêmement rythmé, tout s'enchaîne très vite, le film fait 1h15, ça on aime aussi. Bah pour le coup, c'est ça, d'autant que Scooby-Doo, alors, je out tout de suite, j'ai regardé quand j'étais jeune, j'ai jamais été un énorme fan de Scooby-Doo, aucune haine contre les chiens, mais en fait, c'est plus le côté ultra goofy, et vraiment goofy dans le sens très cartoon, quoi. J'ai jamais été ultra. En fait, j'ai toujours aimé les imageries, mais typiquement plus les imageries de monstres, parce que quelque part. Scooby-Doo, ça a été la porte d'entrée dans l'univers du monstre pour plein de gens. C'est ce côté, ah, bah, le monstre de Frankenstein, je le connais, je l'ai déjà vu là, C'est ça. typiquement. Mais moi, j'ai jamais été ultra fan, notamment parce que le côté humour très. Alors, je dis ça sans prétention aucune, hein, mais très con, enfin, très con et surtout très répétitif. Certains gags de la série, genre Scooby-Doo, il aime quoi? Manger. Oui, ok, merci. Fait que. C'est effectivement une DA et un style à part entière, genre on pourrait quasi. En fait, c'est quasiment Tom et Jerry qui s'invitent dans le monde de l'horreur, quoi. Et je caricature à peine. Alors oui, mais il faut pas non plus oublier que bah, Hanna-Barbera, donc le studio, donc William Hanna et Joseph Barbera, si je ne m'abuse, créent Scooby-Doo en 69, donc quand même une série qui date, l'ancien. Et c'est vrai que beaucoup des codes, les épisodes sont très répétitifs, beaucoup des codes sont éculés au possible maintenant, mais bah, comme tu l'as dit, c'est aussi un passage vers l'horreur fantastique pour beaucoup de gens, au même titre que je pense ma génération, notre génération, ça a été Burton. Oh, bien sûr. Voilà, mais sûrement, on peut pas nier que Hanna-Barbera a eu un impact sur la pop culture absolument monumental. Les pierres à feu, c'est eux, par exemple, rien que ça. Minus et Cortex, c'est eux Oui. aussi, notamment parce qu'on les voit dans le film Scooby de 2020. D'ailleurs, anecdote, film Scooby dans lequel McKenna Grace double Daphné, et McKenna Grace va la jouer dans la prochaine série Scooby de Netflix. Ah, c'est vrai qu'il y a une série live qui va. Ouais, dont le tournage a commencé il y a quelques jours. Ok. Voilà, donc j'avoue, je suis curieux. Et ce sera Thor de Bad Moon qui jouera Scooby-Doo. Mais alors, malheureusement, je pense que le chien n'est plus. Mais ne parlons pas de chiens qui ne sont plus, parlons de chien qui est toujours Scooby-Doo. Scooby-Doo est un chien qui est et qui sera toujours. Et ça, c'est beau. Le film se paye même le luxe d'avoir au casting vocal de sa VO Mark Hamill. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Il fait la voix de qui? Je crois qu'il fait le pêcheur. Ok. Le pêcheur fou. Je sais plus s'il fait le pêcheur ou s'il fait. Avec un marcassin adoptif. Un sanglier, un Un sanglier. sanglier, pardon. Marcassin, c'est les bébés. C'est pardon, pardon. Mais oui, c'est Mark Hamill. Oui, c'est ça. Il fait le pêcheur, il est toujours content d'avoir Mark Hamill, évidemment. Parce que c'est aussi la décennie où, à quelques années près, il sort le Joker Dans la merveilleuse série Batman. de 92. Ouais, dans ces eaux-là. C'est ça, ouais. Je crois que ça sort la même année que Returns. Ouais. Donc oui, ma magnifique. Et évidemment, le casting VF est au cordon, mais c'est celui de la série, donc forcément, on peut pas nier que c'est la voix attitrée de Scooby Gang. Perso, je découvre Scooby-Doo. Alors, déjà, mon père avait le DVD de quelques épisodes de la vieille série des années 60-70, mais moi, je grandis surtout avec Gully et Scooby-Doo Mystère Associé, qui a un tournant beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux, et surtout beaucoup plus, mine de rien, épisodique, c'est-à-dire que où tout se suit. Donc l'ensemble des épisodes essaye d'avoir une ligne narrative C'est cohérente. ça, c'est ça. Ce n'est pas feuilletonnant. Voilà. Contrairement à la série animée des années 60-70. Et alors, à la réal du film, on retrouve Jim Steinstrom, donc qui est vraiment un vétéran puisqu'il travaille sur la série depuis 83, donc quand même pas mal. Et après ce film-là, donc qui est son premier long-métrage, il réalisera trois autres direct-to-video Scooby-Doo, à savoir Le fantôme de la sorcière, Scooby-Doo l'extraterrestre et Scooby-Doo et la Cybertraque. Sont bien. Je crois avoir vu la Cybertraque à l'époque, qui était pas mal, mais j'étais enfant, donc c'est tout ce que je louais à Vidéo Futur qui avait rien avec Scooby-Doo, moi j'étais content. Je veux voir le chien qui mange. Donne-moi chien qui mange et qui mange piquant, s'il te Et plaît. moi heureux. Et oui, on sent, comme j'en parlais tout à l'heure, on sent vraiment l'expérience dans l'animation, dans le sens où c'est un film qui va utiliser tous les ressorts de l'animation possible pour créer le plus de gags visuels possible, encore une fois. Et c'est ce qui est, je trouve, une des grosses qualités de ce film, c'est. L'humour, le film est drôle, c'est vraiment un truc qui me marque à chaque fois, le film est drôle, le film est visuellement riche, et c'est un film qui est aussi, mine de rien, a un bestiaire assez fourni, parce que on a du zombie, on a du fantôme, on a du chat-garou. Moi, c'est C'est ça qui me fascinait quand j'étais petit, je t'avoue, c'est d'avoir cette espèce de pluralité dans les monstres. Et c'est un film que je revois encore aujourd'hui avec énormément de plaisir. Peut-être de la nostalgie, sûrement de la nostalgie, très certainement de la nostalgie, mais quand même énormément de plaisir. Personnellement, c'est un film qui. Je crois que je sais pas si je l'avais déjà vu ou pas. Parce qu'en fait, enfin, pas déjà vu, j'entends beaucoup plus jeune. Parce que y a quelques images qui me disaient vaguement un truc, genre truc des poupées vaudou à la fin et tout. Mais Scooby-Doo en général, comme je disais, je suis pas hyper réceptif. Je vois le. Je comprends l'univers et je comprends ce qui attire cette espèce de côté très fun, très rigolo et très. Bon enfant, très facile finalement quelque part, mais personnellement je suis jamais trop dedans. Je vois la dimension qui peut attirer, notamment à travers le fait que bah ça reste des films qui sont avant tout là pour plaire, pour séduire et outre que séduire, qui se veulent bon enfant qui se veulent accessibles, pas compliqués, etc. Il réussit sur ça, effectivement, c'est très bien fait, c'est bien animé, je peux pas dire que c'est mal écrit, hein, quelque part. Mais notamment parce qu'il y a cette dimension enquête un peu simplifiée. Mais moi j'avoue, je suis vraiment jamais trop dedans, et pas tant par manque d'envie, que plus par non-réception à la proposition initiale du film, qui est ce côté ultra, je veux dire aseptisé, c'est pas vraiment le bon terme du tout. Mais ultra gentil, on va rigoler de tout, etc. Et pas de soucis. Mais j'irais même jusqu'à dire que je pense que je préfère Scooby-Doo 2 à Les Monstres se déchaînent, que je trouve déjà. Bah, le live action. Que Oui. je trouve déjà un peu plus. Que je, moi je trouve plus, un peu plus rigolo. Mais surtout qui. Bah, voici la côté un peu plus sale gosse. Ouais, bah ouais, James Gunn. Mais là j'avoue, c'est vraiment ce côté enfantin qui, moi, me parle pas trop. Et qui est pas enfantin à la Disney, qui est vraiment enfantin, quoi. En bien ou en mal, hein, je dis pas enfantin égal nul, absolument pas. Mais vraiment, c'est pas un humour qui me parle. Et du coup, je le regarde sans déplaisir, parce qu'en fait, c'est suffisamment bien fait, suffisamment joli, suffisamment fait avec de bonnes intentions, je pense, pour distraire. C'est-à-dire que, de nouveau, je peux pas dire que le film est horrible, ce serait vraiment mentir. Et surtout, dire que j'ai passé un mauvais moment, pareil, ce serait mentir. Non, je vois difficilement comment quelqu'un peut voir ça et dire, là, je passe un mauvais moment. Non, ce serait comme, je sais pas, je prends Mario Galaxy, qui est vraiment pas un bon film pour le coup, qui a vraiment des problèmes d'écriture grossiers. Toujours pas vu. Mais tu regardes le film, bah même le premier Mario, hein, tu regardes le film, tu dis je passe un mauvais moment, tu fais ouais non tu mens. Tu mens. Tu peux ne pas aimer le film est effectivement je trouve pas très bon du tout, mais dire que tu passes un mauvais moment c'est faux parce que le film est tellement. Alors dans le cas de Mario Galaxy et dans le cas du premier Mario, tellement hystérique et tellement. Il va tout le temps relancer le truc, genre attends, et tu sais quoi, course de cartes, et tu sais quoi, Super Smash Bros, et tu sais quoi, tout ce que tu veux. Attends, oui, bon, ok. Mais il relance tellement le truc à chaque fois avec une autre envie, une autre proposition, etc., que tu peux pas dire que tu t'ennuies. C'est pas possible. Et dans le Un cas. avis sur la bande son? Oh, c'est chiant. Non mais les trois chansons. Alors la reprise de Scooby-Doo Are You, mais Ah, j'ai cru que tu parlais de Mario, mon Dieu. non, de Scooby-Doo. Ah bah alors je l'ai Never vu. Time Again, The Ghost Is Here. Je l'ai vu en VO et moi c'est le générique de Scooby-Doo qui m'a fait un peu faire rire. Mais j'étais pas plus bouleversé. Donc c'est plus ça m'a fait sourire. Mais en fait c'est ce que me fait le film, c'est qu'il me fait sourire. Donc quelque part il réussit son objectif. Ça Mais t'a pas je. marqué Never Time Again? Ah non pas du tout. Ok. Ah mais vraiment pas. Mais ce que moi en fait je sais pas comment dire, mais j'avais vraiment ce réflexe quelque part. De. Je peux pas dire que je passe un mauvais moment. À nouveau c'est faux. Ce serait mentir de dire ça. Mais. Je suis pas assez intéressé par cette équipe, par ce chien, par ce personnage, enfin par ces personnages, pour vraiment être dedans. À nouveau, mais personnellement, les scènes qui me font le plus rire de Scooby-Doo sont probablement dans les live-action. Ouais, c'est juste que j'ai jamais été hyper réceptif à cet univers, cet humour. Et à nouveau, je vois complètement ce qui peut plaire, ce qui peut attirer, vraiment, mais personnellement, je suis pas trop dedans. Et en fait, je me sens quelque part. Alors, la comparaison peut paraître motocross, mais vous inquiétez pas, suivez-moi. Comme quand j'étais plus jeune, et que plein de gens de mon âge, on va dire, regardaient Titeuf, et moi j'étais plus en mode, putain, Albator, Goldorak, Senseiya, et quelques années plus tard, J'avais les deux, alors j'avais pas Senseiya, mais Okutonoken, ou même Yu-Gi-Oh, tu vois, quelques années plus tard, où Je préfère le couteau de cuisine ou le couteau de salle à manger? Non, alors justement, j'avais les versions originales. Mais Oh. justement, Originale ou anglaise? Original, donc vraiment Ok. avec les effets gore. Et on me disait, oh là là, Titeuf et ça, j'étais en mode, bah. Moi je connais un pirate dans l'espace et il est cool. Donc du coup, en fait je me sens un peu comme ça avec Scooby-Doo. C'est ce côté, bah moi je passe jamais un mauvais moment devant Scooby-Doo à nouveau, mais là maintenant tu me dis, ah, viens on va mater Scooby-Doo. Je me dis, bon bah, pff, pas autre chose. Tu veux pas, il y a le film 3D Albator? Ouais, y a pas le film 3D Albator, même Transformers 4, je prends chef parce que Scooby-Doo. le chien, quoi. Alors, Scooby-Doo. Même si j'ai pas un mauvais souvenir du dernier Scooby, là, le préquel en Ouais. animation, qui était, alors nous, je me rappelle quasiment pas en détail, mais qui était genre mignon. Alors, je vais me faire un auto-erratum d'ailleurs, parce que j'ai dit Minus et Cortex, il me semble. C'est Satana, c'est Diabolo, les fous du volant. Ah, que ça par contre j'aimais Oui, bien. et ou Diabolo, et du coup le méchant de Scooby. Ça par contre j'aimais bien parce que du coup t'avais vraiment 20 000 trucs à la con sur les bagnoles, ça me faisait rire. Donc voilà, Scooby-Doo, l'île aux zombies, je trouve ça jamais désagréable, mais jamais vraiment. Ils arrivent jamais vraiment à me séduire, même si de vous il y a plein d'images où je me dis ah ça c'est bien vu, ça c'est cool, genre tout le flashback là sur l'origine des fantômes, etc. Oui. J'aime bien ce que tu me proposes, j'aime beaucoup. Ce qui a d'ailleurs un côté un peu Wolfen. Ouais, mais clairement, totalement. Mais sur le reste, je me juste. En fait, je pense que je suis pas assez. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi, tout ce qui est comédie horrifique, c'est pas trop mon truc. Voire pas du tout mon truc. Moi, c'est à fond mon Ah, mais truc. évidemment, bien sûr. Mais c'est pour ça. Et du coup, moi, quand je vois ça, je me dis, bah, en fait, j'ai du mal à concilier avoir peur. Alors, horreur ne veut pas dire avoir peur, on sait. Mais la dimension horrifique, on va dire. Et le côté humour. J'ai vraiment du mal. Alors, déjà que moi, la comédie au cinéma, c'est vraiment pas. Alors, pour me faire rire au cinéma, il y a des films qui me font rire, hein, bien sûr. Mais soit faut y aller, vraiment. Soit c'est certains films sous certains auspices. C'est vraiment très précis. Mais je suis pas de base très réceptif à la comédie. Dire, au mieux, ça me fait souffler du nez. Dire. Mais ouais, je crois que le dernier film qui m'a beaucoup fait rire, ça devait être Bridget Jones 2 avec ma mère. Très bonne séance par ailleurs. Mais Mais c'était. le film est sorti il y a 20 ans. Oui, mais ouais, je le voyais en vidéo chez mes grands-parents, tu vois, c'est que moi, en salle. Enfin, pour vraiment, je rigole. Je crois que j'ai. La dernière fois que j'ai dû vraiment. Ah si, ok. La dernière fois que j'ai dû vraiment beaucoup rire en salle, c'était Alter Ego à Gérardmer. Oui. Alors, le cadre va probablement aider, mais c'était vraiment Alter Ego à Gérardmer que j'avais trouvé vraiment super. Donc, bref. Est-ce qu'on a terminé sur Scooby-Doo et la Highland des zombies? Alors, déjà, je tiens à préciser deux choses. Le film a eu une suite en 2019. Oui, j'ai vu passer ça, retour sur l'île aux zombies. Qui est pas bien. Elle est pas bien. Bah, ça veut Surtout, déjà, mais. j'ai cru comprendre que c'était en 2003D, non? Déjà ça, L'animation avait l'air moche, en fait. bah 2019. Parce que je dois le dire, sur l'île aux zombies, je peux pas dire que c'est moche. Oui. En plus, c'est ce côté un Et peu. les transformations Bah, en il y a ce. Chagarou. Y a ce déjà, effectivement, elle est très fluide, et surtout, il y a ce côté un peu dessiné à la main, Oui. qui donne un vrai charme au cadre, en fait. Alors que Retour sur les zombies sort déjà post Mystère Associé. Et Mystère Associé était en 3D, mais avait une espèce de patine un peu cartoon. Donc pourquoi pas? Là où Retour sur l'île aux zombies, je suis vraiment partagé, surtout le film est vraiment pas bien et pas drôle. Et ah, j'ai soufflé très fort. Et Genre, mais ils reviennent vraiment sur l'île en tant que telle ou c'est plus un espèce de petit clin d'œil? ils reviennent sur l'île en tant que telle, c'est vraiment une suite narrative. Sauf qu'en fait, sur l'île, en fait, leur retour sur l'île est piégé par un mec qui va organiser une espèce de télé-réalité dessus. Ouais, bah c'est nul du coup. Exactement. Et alors, le film est aussi écrit par Glenn Leopold, scénariste de Rosemary's Killer. The Prowler. Oh! Ah, ça c'est intéressant ça par contre. Ouais. Ça c'est cool. Et accessoirement, un dernier truc, et on va boucler avec Joe Dante dont on parlait plus tôt, c'est que dans le très bon, et je maintiens, les Looney Tunes face à l'action, Qui est bien, hein, oui, qui est bien par contre. avec Brendan Fraser déjà en plus, donc Voilà. magnifique, il y a cette scène magnifique au début du film dans les studios de la Warner où Sammy et Scooby-Doo du dessin animé déjeunent avec Matthew Lillard. Donc, l'acteur Qui joue de Sammy dans Sammy, les live-action. c'est ça, et où en fait Sammy engueule Matthew Lillard, donc Sammy Scooby animé engueule Matthew Lillard à cause de sa prestation dans le film de 2002. Ce qui peut se comprendre, parce que Matthew Lillard, c'est quand même un phénomène, quoi, Bah, c'est. disons que, alors j'aime beaucoup ce qu'il fait de Sammy dans les films, mais Ah c'est bah, pas Sammy, c'était la meilleure chose à faire, mais mais c'est c'est pas pas Sammy, Sammy. et surtout, je veux dire, Matthew Lillard, faut le rider, quoi, en tant qu'acteur, hein. C'est une vague, faut avoir un peu d'expérience avant de la prendre. C'est ça. Et à part ça, je pense qu'on a fini, ouais. Parfait, et bien donc, on va donc passer à les chefs-d'œuvre, ils sont tous là, alignés devant nous, on va s'y attaquer. Et nous franchissons le cap, Du millénaire. quelque part, le cap Horn des années 2000, des années 90, et nous pour arriver dans le nouveau millénaire, ce foutu nouveau millénaire quelque part. Alors même si, je vous renvoie à nouveau un des formats courts que nous avons fait, mais je maintiens que la décennie 2000 n'était pas si horrible que ça. Elle était évidemment pas aussi qualitative que d'autres, bien sûr, marquée par nombre de traumatismes historiques et sociétals, bien sûr, mais. Je pense qu'elle portait en elle une certaine effervescence créative qui est en tout cas intéressante à analyser aujourd'hui avec du recul. Mais donc, allons en 2000. Alors, 2000, 2000, ça peut être l'année de sortie de Requiem for a Dream, de Gladiator, de American Psycho, de Snatch, de Scream 3, de plein de choses, mais aujourd'hui nous allons parler d'un des films qui est passé les plus inaperçus cette année-là, qui n'a marché que grâce au bouche à oreille, à savoir Ginger Snap de John Fawcett. Alors, John Fawcett, c'est pas quelqu'un qui a fait 10 000 trucs connus, honnêtement. Il a participé à la série Devil in Ohio en 2022, notamment avec Brad Anderson, donc celui qui a fait The Machinist. Il a fait le film d'horreur The Dark, qui, paraît-il, n'est pas mal. Mais il est surtout, surtout, surtout connu pour avoir été le réalisateur de Ginger Snaps, premier du nom. Alors, Ginger Snaps, c'est quoi? C'est avant tout, et je pense que ce sera le point clé de lecture de ce film, une série qui est écrite par Karen Walton. Alors Karen Walton, je vais pas en parler 10 000 ans parce que c'est pas quelqu'un qui fait énormément de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt allé vers la télé et moins vers l'horreur. C'est quelqu'un qui est pas trop attiré par l'horreur de base. Elle le disait elle-même dans une interview que j'ai pu trouver. En fait, elle est venue parce que John Fawcett lui a dit, bah, tu vas pouvoir écrire quelque chose et écrire quelque chose qui permet de changer la trajectoire des personnages féminins, notamment en leur donnant un regard féminin. Parce que la raison pour laquelle elle n'aimait pas trop l'horreur, c'était souvent le destin des personnages féminins. Et en 2000, difficile de lui donner tort. Tu m'étonnes. Voilà, et donc alors, on a ça derrière ce magnifique scénario, et je maintiens en disant magnifique scénario. À la Je vais y photo, revenir, t'inquiète. on a Tom Best. Alors malgré son nom, je vais pas vous dire qu'il a fait 10 000 trucs stylés, c'est faux. Par contre, quelque chose dont je peux vous parler, c'est le casting, parce qu'au casting, il y a, alors, Emily Perkins qui joue Brigitte Fitzgerald, Aucun lien avec Oz et Anthony. aucun lien, je crois bien, mais qu'on avait vu, par exemple, dans Insomnia de Christopher Nolan, dans Juno La même de... année d'ailleurs, je crois que Insomnia c'est Euh, 2000. il me semble... Je crois qu'Insomnia, c'est 2001-2002, hein, je crois que c'est un petit peu Ok. après. Mais Juno de Jason Reitman, avec Scott Pilgrim, j'ai oublié, Michael Cera Michael Cera. et le Page pour Voilà, Juno. Elliot Page, effectivement. On l'avait vu également dans celui des années 90. Et Oui, qui jouait Beverly. voilà, et évidemment, évidemment, évidemment, on la reverra dans Ginger Snaps 2 et 3. Concernant l'autre actrice, évidemment, la Ginger du titre, c'est évidemment Ginger Snaps. C'est pour moi le rôle où elle est le plus connue, en tout cas le plus reconnue pour Elle a ça. joué dans American Mary, dont on L'American avait déjà Mary, dans parlé. Freddy contre Jason, Oui. aussi, où elle a d'ailleurs... Très beau rôle d'ailleurs. Elle avait joué dans It's a Wonderful Life, qui était sorti il y a quelques C'est temps vrai, c'est maintenant. vrai. Donc la relecture horrifique de La vie est belle de Voilà, elle Capra. était aussi dans Insomnia de Nolan. Et dernièrement, elle a joué dans le catastrophique, avec un casting pas moins catastrophique, Tron Ares. C'est Et vrai. puisque tu parlais de Uwe Boll, il est possible. J'ai pas dit qu'elle y était. Je dis qu'on l'y a vu. Je dis qu'on l'a vue dedans. Il y a des témoins. Voilà, possible. Que, elle ait été dans Rampage, premier du nom. Bref. Ah, mais donc aux côtés de Michael Paris. Peut-être. Bref, Ginger Snap, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Ginger, une jeune adolescente un peu torturée, mal dans sa peau, etc. Mais là, genre vraiment mal dans sa peau et torturée, c'est-à-dire qu'on est loin du cliché qu'on peut donner à cette époque-là, surtout en 2000. Ginger et Brigitte, les deux. Et justement, qui est très proche de sa petite sœur Brigitte, qui a un an de moins qu'elle, quasiment un an de moins qu'elle, mais qui a sauté une classe pour être avec elle. Ça va d'ailleurs être un des thèmes clés de ce film, c'est-à-dire que le thème clé, c'est évidemment la puberté, la transformation du corps féminin, mais aussi, et je pense surtout, la sororité, le lien féminin, enfin le lien qu'il peut y avoir entre deux personnages féminins, in extenso entre deux personnages féminins aussi dans la vraie vie. Et donc, alors, je vais commencer en préambule. Ah, bref, j'oublie de finir le résumé, mon Dieu. Un soir, alors que elles veulent se venger d'une crasse faite par l'une de leurs camarades de classe qui les harcèle globalement, parce que Oui. sortie de la société, sortie des codes, surtout au lycée, ça se passe pas très bien, je parle d'expérience. Un soir, alors qu'elles veulent se venger d'une crasse faite par leurs camarades de classe, Ginger va se retrouver mordue par une créature mystérieuse et va commencer à développer des symptômes de mutation, de transformation monstrueuse, hideuse et effrayante. Ça va devenir un loup-garou. Alors, je vais commencer en préambule, ce qui, je pense, est important avant de parler de ce film-là. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Oui. Donc, on peut le voir, on peut l'analyser, on peut réfléchir dessus. Prenez tout ce que nous disons comme des... Comment dire? Comme des... Avec des pincettes. Voilà, avec des pincettes, parce que je pense, et loin de moi l'idée de dire que ah là là, l'analyse n'est pas permise à tout le monde. Au contraire, l'analyse, la réflexion et l'appréciation critique sont permises évidemment à tout le monde, sont ouvertes à tout le monde, et tout le monde, je souhaiterais que tout le monde soit capable, enfin, non pas soit capable, et envie de creuser le pourquoi de l'appréciation d'un film. Mais dans le cas de films comme Ginger Snaps, c'est, je pense, il est important de dire qu'un regard féminin ne sera jamais le même et sera, je pense aussi, infiniment plus pertinent que quel que soit le regard que nous allons vous livrer dans les quelques prochaines minutes. Bref, Roman, qu'as-tu pensé de Ginger Snaps? Alors, Ginger Snaps, ben, tu parlais du scénario qui est, je trouve, évidemment la plus grande qualité du film. Je pense que si aujourd'hui on le retient, c'est pour ça. Ça va pas être pour la mise en scène de John Fawcett, qui, on va pas se Qui mentir, a pas énormément de personnalité. ben, on va pas se mentir, l'altercation entre Brigitte et Jason, je crois, le mec De Ginger. de Ginger. Alors, mec avec une scène de viol, hein, Ah, littéralement. il y a une scène d'agression, mais qui je. Alors, loin de moi l'idée de défendre une scène de viol, mais je pense participe à la parabole globale du récit, qui pour le coup est de très loin ce qui est l'élément clé, non seulement pour le comprendre, mais j'irais même jusqu'à dire pour l'apprécier, étant donné que c'est à la fois capable d'une subtilité exceptionnelle et en même temps de quelque chose d'être très bourrin, mais où, comme dans le cas de certains films, Avatar 2 par exemple, où le côté bourrin de la métaphore, je pense, sert le propos, parce que c'est quelque chose qui est toujours invisibilisé, etc. C'est ça. Et où, bah, alors, à ma connaissance, c'est la deuxième scène de viol d'un homme par une femme que je vois au cinéma. La première ayant été, alors, sortie après, mais c'est la première que j'ai vue, Batman et Harley Quinn, où Harley Quinn va, alors, c'est suggéré, mais va violer Robin. Et ça, Et je peux en donner une autre à moitié, mais Devil Fœtus, catégorie 3 chinois. J'allais dire que je vous invite à voir. À vous de voir. À alors, vous de voir, c'est très particulier quand quand je dis même. de viol par une femme, c'est où la femme n'est pas pénétrante. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ça rejoint ce que tu disais sur le discours de masculinité toxique, dans le sens où, bah, même Jason a confirmé le nom du personnage, mais il me semble bien que c'est Jason. C'est Jason. Jason, c'est le mec de Ginger, et Sam, donc le dealer, c'est le pote de Brigitte. Donc sachant qu'il n'y a que deux personnages masculins importants, entre Oui, guillemets, parce dans que le récit. le père, on s'en fout. Bah, le père n'existe pas dans le Oui. récit, il est présent, C'est ça, mais. c'est dit texto par la mère, laisse-nous, tu comprends pas. Ouais, c'est ça, et pour moi, ça. Quelque part, John Fawcett n'a pas de grande personnalité derrière la caméra, mais j'irais même jusqu'à dire qu'on pourrait donner un sous-texte méta de c'est le scénario qui compte, et pas 10 000 effets de mise en scène. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est Scorsese, hein, derrière la caméra, mais j'aime cette idée d'avoir un sous-texte méta de dire. La mise en scène va s'effacer pour laisser parler l'écriture, et c'est l'écriture qui doit primer avant toute autre chose. Je sais même pas si la mise en scène s'efface tant que ça, je pense que juste John Fawcett n'est pas un bon metteur en scène. Enfin, je veux dire, littéralement, l'altercation entre Brigitte et Ginger, entre Brigitte et John, et Jason, pardon, c'est AB Production. Genre, vraiment, c'est de l'herbe, une haie, et ils se bagarrent. Ouais, Mais c'est vraiment, ah, mais c'est minable! mais je pense que c'est volontaire. Parce que je pense que ce qui est un des points clés du récit, c'est cette idée de prendre un cadre ultra convenu, ultra attendu, même cadre qui est dans Virgin Suicide. D'ailleurs, les films partagent nombre de points communs jusqu'à moi, j'y vois une référence, mais le scénario de Ginger Snaps a été écrit avant Virgin Suicide, donc Mais parce que, autre chose que j'ai oublié de préciser, les deux sœurs sont fascinées par la mort, au point d'avoir promis de se suicider à 16 ans, et Si elles sont pas mortes d'ici là. voilà, et elles adorent se prendre en photo dans des scènes de mort imaginaires, notamment une scène où Ginger est empalée sur Une la clôture. clôture, scène qui pour moi est une référence à l'une des morts des sœurs Lisbonne dans Virgin Suicide. Et pour moi, justement, ce côté un peu AB qui est permanent dans le lycée, sauf quand ça concerne les sœurs Fitzgerald, est volontaire, parce que du coup, ça permet d'inscrire ton récit vraiment dans un cadre qui est même plus convenu, qui est limite toxique, à quel point il est sans âme, à quel point il est fade, à quel point il est rejetable par absolument tout et n'importe quoi, Est et. toxique tant pour les personnages féminins que masculins, parce que évidemment, on a des commentaires très frontaux sur le physique de Sir Fitzgerald, notamment sur Ginger. Oh putain, ouais. Ça, c'est très gênant à voir, mais surtout, après littéralement le viol qu'a subi Jason, Ouais. son réflexe auprès de ses potes, c'est de se vanter de s'être tapé entre guillemets Ginger et pas de dire si c'est vraiment passé. Mais justement, sur ça, en plus, ça permet de connecter un autre point, mais sur lequel je vais revenir juste après. C'est que, du coup, pour moi, ce côté AB Production, je sais pas si John Fawcett est un bon réalisateur ou pas. Je sais pas parce que j'ai pas vu assez de ses films. Pour moi, justement, ce côté mise en scène effacée, voire cliché, sert d'autant plus le récit, qui permet de mettre en avant l'originalité, la différence, l'audace, quelque part, des Sœurs Fitzgerald, surtout le personnage de Ginger, parce que. Et on va aller dans le gros du sujet, à savoir le loup-garou. Ginger va se transformer. Alors. Outons-le tout de suite, le loup-garou est pas très beau. Genre à la fin, alors merci, c'est un animatronique. C'est Oui. pas des, c'est pas un effet CGI, d'autant plus que putain, vu le budget du film, je pense que ça aurait été horrible. Alors, le loup-garou avec une paire de seins, par contre, Bah, c'était. pour moi, ça sert toujours le propos, justement. Mais Oui, par ça. contre, c'est bizarre. Oui, ça détonne, enfin, ça choque à première vue. Mais oui, Mais ça sert le propos, évidemment. justement, et ce rapport au corps, ce rapport à l'adolescence, alors à nouveau, nous sommes des hommes, donc prenez ce que nous disons entre pincettes. Mais ce rapport au corps, ce rapport à l'adolescence, ce rapport au mal-être presque existentiel qui vient te toucher lorsque tu es dans cette période-là, est illustré parfaitement par le loup-garou. Les poils qui poussent à des endroits où t'as pas envie, le cycle de la lune qui va directement faire référence au cycle menstruel. Ces espèces de pulsions animales qui vont te pousser à aller vers d'autres tentatives, d'autres tentations, d'autres. Enfin, ces pulsions animales qui vont te pousser à aller vers d'autres tentations, d'autres envies, d'autres choses à découvrir. Le parallèle est évident. Le parallèle est plus qu'évident même, d'autant plus qu'il va aller s'inscrire dans un rapport très féminin, très centré autour de des deux personnages féminins magnifiques, d'autant que, pour moi, l'émancipation qui va avec le film n'est pas celle de Ginger, c'est celle de Brigitte, qui a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, qui s'est toujours fait martyriser par sa femme, enfin, martyriser, maltraiter quelque part, par sa sœur, en tout cas, de ce qu'on en voit dans le film, et Qui a qui va. toujours vu sa grande sœur comme une figure d'autorité. Voilà, c'est ça. Et je vais vous renvoyer à un article. Alors, si ça vous intéresse, demandez-le moi, je peux vous l'envoyer. C'est un article qui est absolument passionnant, qui a été écrit par Bianca Nielsen, qui est pas quelqu'un que je connais, qui est une chercheuse, mais qui est pas quelqu'un que je connais outre mesure, donc vous me pardonnerez, mais qui a écrit tout un texte sur Ginger Snaps qui est passionnant, qui est surtout, je trouve, d'autant plus marquant et important qu'il vient d'une femme, a fortiori, mais qui termine son texte en évoquant cette phrase que je me permets de vous citer, mais qui est, je pense, la plus importante et qui va me permettre de connecter avec justement cette idée de rapport entre deux personnages féminins, notamment à cet âge-là, quand elle dit que voilà, Ginger développe et parle de ses ambiguïtés lorsqu'elle explique qu'une femme peut être a slut, a bitch, a whore, or the virgin next door, donc une pute, une salope, une chienne ou la vierge de la porte d'à côté. Et Ginger est la personnification de cette dichotomie étrange et en même temps enfin, de cette dichotomie globale qu'il y a dans le film. Elle est à la fois sexuellement ultra attirante et monstrueuse, représentée parfaitement par la scène d'agression qu'il y a vis-à-vis du personnage de Jason, où elle devient hyper attirante, elle devient littéralement le fantasme de tous les mecs pleins d'hormones qu'il peut y avoir au lycée, et elle devient monstrueuse, bah pourquoi? Parce que justement elle commence à muter, elle a une queue qui lui pousse derrière, peu à peu ses traits du visage changent, la mutation est très explicite pour le coup. Naturel et supernaturel, naturel parce qu'au quotidien avec elle-même, c'est quelqu'un qui a un rapport à la mort, qui a un rapport aux choses, qui a un rapport aux éléments de la vie qui est très particulier quand même. Et supernaturel parce que, bah, à nouveau, elle est littéralement loup-garou, quoi. Ouais. Humain et animal, pas besoin d'expliciter. Féminine et transgressive, là, pour le coup, ça illustre pour moi une des autres plus belles qualités du film, à savoir le fait que le film va traiter de la façon dont les personnages féminins sont non seulement existent, mais également sont perçus, a fortiori par leurs homologues masculins, il suffit de voir les pourcentages dans certaines écoles dans les années 2000. Ou même à fonctionner par les persos féminins, Ah bien, notamment par la mère. mais justement, on va y revenir juste après. C'est cette idée de, bah, elle ne peut pas exister à travers ces codes-là, elle ne peut pas être perçue à travers ces codes-là, parce que ces codes-là n'acceptent pas le paramètre qu'elle représente, et donc elle doit être rejetée ou voire éliminée. Et enfin, une sœur et une rivale, qui pour moi illustre parfaitement le rôle du personnage de Brigitte, qui est mon personnage préféré, que je trouve honnêtement bouleversant dans le film. Moi, c'est un film qui me fait pleurer. Pour moi, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre des années 2000, voire un petit chef-d'œuvre tout court. Et on parlait film de loup-garou et au moment de la Compagnie des loups, moi, c'est mon film préféré. Et je parlais de film de. Pas enfin, dire, je vais finir ce que je disais sur le rapport féminin. Sur le fait que les deux personnages, justement, beaucoup, beaucoup de mal à cohabiter, à communiquer autour de cette transformation qui arrive. Où évidemment la transformation en lycanthrope fait le parallèle avec les règles de Ginger qui viennent de démarrer au début du film, enfin, après quelques scènes au début du film. Justement, ce personnage arrive de quelque part, deux générations déjà un peu différentes, s'éloigne petit à petit, n'arrive plus à communiquer, n'arrive plus à interagir, jusqu'à un final que nous ne vous dévoilons pas ici. Mais je parlais en parlant de Neil Jordan que le loup-garou est avant tout une créature solitaire, une créature centrée sur lui-même, une créature dont tous les éléments mythologiques et physique ne sont liés d'abord qu'à lui-même, vis-à-vis de lui-même. Pour moi, Ginger Snaps en est la plus belle expression parce que ces mutations, ces transformations, ces abominations presque physiques qui arrivent à Ginger, elle ne peut pas les partager. Quand elle essaye de le faire, ça ne marche pas, elle n'arrive plus à communiquer avec les autres. Et finalement, elle se retrouve enfermée dans cette propre dynamique qui la possède, qui la hante et qui va peut-être même la conduire vers certaines extrémités. Bref, pour moi, Jerusalem, c'est vraiment un chef-d'œuvre exceptionnel, et non pas pour sa BO où il y a par exemple du Hatebreed ou du Lacuna Coil, mais parce que c'est un film qui est porteur d'une certaine âme. On pourrait le caricaturer en parlant d'un Virgin Suicide gothique. Effectivement, les deux films ne partagent pas la même dimension esthétique, ni la même dimension narrative, mais partagent les mêmes obsessions autour de ces personnages féminins, déphasés, déconnectés, mis au ban de leur propre société, non pas pour des raisons valables, mais simplement pour des questions de regard, et de regard masculin notamment, et donc n'ont d'autre choix que de elles-mêmes s'isoler de cette société, que de elles-mêmes chercher à refaire corps, à refaire société entre elles. Et à voir où cette volonté peut mener. C'est en ça que je terminerai sur ça que je dirais pas forcément que Gingersnap c'est un film féministe. Parce que malgré tout, la fin. Alors, zone spoiler, mais la fin de Gingersnap peut avoir un côté sentencieux. Un côté elle s'est émancipée, elle doit mourir. Elle peut avoir un côté comme ça, et c'est pour ça que je dirais pas que c'est un film féministe, mais que c'est un film féminin. C'est un film dont Oui. le regard, la personnalité, la patte, même si, malheureusement, réalisé par un homme, bienvenue dans les années 2000, même si c'est... Même si, voilà, Le syndrome Thelma et Louise. Voilà, exactement, mais c'est en ça que je voulais pas tant en rendre hommage à John Fawcett, même si, évidemment, merci à lui pour l'exemple du film, mais vraiment à Karen Walton pour ce film, cette personnalité, cette âme, quelque part, qui habite ce récit, qui est un film qui est, je trouve, bouleversant, magique, magnifique, extrêmement important. Tant dans l'histoire du film de loup-garou, très sincèrement, que dans ma cinéphilie personnelle à moi. Et surtout, c'est un film que je trouve de façon assez sous-estimée par ailleurs, mais presque universelle. Parce que, effectivement, c'est un film qui est indéniablement féminin dans son approche du corps, dans son approche, dans son rapport à l'autre. Mais cette notion de mal-être adolescent, cette notion de pas trouver sa place, cette notion de se sentir différent, mais pour des raisons valables. Alors, loin de moi l'idée de shamer qui que ce soit, mais. Comprenne qui pourra sur cette partie-là. C'est quelque chose qui touche beaucoup de monde aussi, et qui peut toucher même des jeunes garçons comme le jeune Corentin de 14-15 ans qui a découvert ce film et qui avait pris une sacrée claque à l'époque. Bref, Roman, Gingersnaps. J'ai dit un peu ce que j'en pensais en parlant de la mise en scène de Fawcett et que c'était le scénario le plus grand de qualité. J'avoue, dur de passer après toi. Mais voyons, mais non, mais peut-être que tu peux nous parler pour ce sujet des suites de Gingersnap, parce qu'il y a eu deux suites. Il y a eu deux Donc suites, sorties la même année, Gingersnap, en ouais, 2004, il les me deux ont semble. été tournés en back-to-back. Ouais. Donc Gingersnap, déchaîné en français. Unleashed, ouais, Unleashed, je sais même pas s'il y a un titre français. qui, je crois, qu'il, parce que je crois, il me semble qu'il est sorti en France, mais qui donc suit. Bon, zone Parce qu'il spoiler, a de VF, mais je sais plus s'il a un titre français autre que Gingersnap 2. Donc ça, effectivement, mais du coup, zone spoiler, on est toujours dedans, qui suit le personnage de Brigitte après la mort de Ginger, Oui. qui s'est retrouvé. Contaminé par le sang de Ginger dans une scène que je trouve d'ailleurs bouleversante, Dans le premier dans film, le oui. premier, Oui. et qui va chercher à muter, qui, le film se déroule dans un... Alors j'ai pas eu le temps de les revoir pour l'épisode, mais dans mes souvenirs, le film se Je les ai déroule dans un découverts espèce pour l'occasion. d'hôpital un peu renfermé. Il se déroule, alors, à peu près pour sa moitié dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que le Un peu à la premier. Freddy 3 en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le premier quart, c'est Ginger qui vit sa vie de son côté Brigitte? Brigitte, pardon. Tout en se shootant à l'aconite pour éviter la transformation. Après ça, on a une bonne moitié, je dirais, qui se déroule en hôpital psychiatrique, avec notamment bah, toujours cette figure du pouvoir masculin avec ce personnage donc d'aide-soignant qui abuse de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles des patientes en leur donnant en échange de la drogue ou ce qu'elles réclament et auquel elles n'ont pas accès dans leur position. Bien sûr. Et le troisième, Et donc le avec le dernier retour de tiers. Catherine Isabelle. Ah, pardon, le dernier tiers de Gingersnap 2, Non, oui, et le pardon. dernier tiers du coup du film qui se déroule bah, dans une maison isolée après l'évasion de Brigitte et d'une gamine appelée Ghost. Honnêtement, je trouve le film très moyen. J'avoue que dans mes souvenirs, je trouvais pas mal. En fait, le problème des deux suites, c'est qu'ils n'arrivent pas au niveau de l'original, qui est vraiment un chef-d'œuvre, je le redis. Mais dans mes souvenirs, le film était malgré tout pas mal, notamment parce qu'il restait vraiment centré sur ses personnages, leur solitude, leur tourment, leur mal-être. Alors, je l'ai pas revu depuis à nouveau, mais je me souvenais, enfin, j'ai souvenir qu'il y avait vraiment un côté presque fantomatique dans la caractérisation du personnage de Brigitte, qui en fait n'arrive même plus à exister en tant que personne, en tant qu'humaine, parce qu'elle est hantée par la mort de Ginger, parce qu'elle a vécu en hôpital psychiatrique, par cette par ce loup-garou qui est en elle, où en fait Bah, elle n'arrive, elle au-delà de n'existe plus, ça, elle ne fait que composer. au-delà de ça, le fait que ce qu'elle a toujours considéré comme son modèle, à savoir sa grande sœur, N'est plus. déjà n'est plus, et surtout, même avant de mourir, n'était plus elle. Donc c'est très Ah, parce particulier, que, évidemment, à la position de nouveau, zone Brigitte. spoiler, mais précisons, c'est Brigitte qui a dû tuer Ginger. Oui. Voilà. Mais du coup, mais pourquoi toi t'as pas trop aimé le 2, du Alors, coup? déjà, je trouve ça vachement lent. Ah oui, alors clairement, après, Ginger Snaps n'est pas un film rapide de base. Hein. Déjà, Alors, il dure oui. 1h40 et tout, Ah, donc 50, 50 quoi. 48, je Ben crois, ça, ouais. mais c'est pas un slow burn, n'exagérons rien, mais c'est clairement plus une étude de personne. Quelque part, je viens de penser, mais je le connecte à Paris-Wackett, dont on avait parlé dans un épisode inédit, mais qui est vraiment plus une étude de personnage, et qui est limite plus intéressé par ces personnages, leur transformation mentale, corporelle, psychique, interactionnelle, que par le loup-garou en tant que tel. Bah, à ce niveau-là, le Preuve en est, le film. loup-garou dans le film original, c'est, sans mentir, 5 minutes, je Bah, à ce pense. niveau-là, le film avec lequel le plus le comparer, c'est Jennifer's Body. Oui, mais... Alors, totalement, mais je pense que Jennifer's Body, même si j'ai vérifié, Karine Kusama et Cody Diablo, je crois, ne le cite pas en référence, étonnamment, mais je pense quand même que... Bref. Mais Jennifer's Body, je le comparais sur la relation entre les deux sœurs. Oui. Là où le point avec Paul Wackett, c'est plus sur le côté vraiment malheureux, triste et déphasé des deux personnages qui n'arrivent plus à se connecter à d'autres, et a fortiori à leur figure maternelle, je précise bien maternelle parce que c'est tout un truc dans le film de Ginger Snaps aussi. Je me permets de ne pas trop aller sur ce terrain-là parce que j'estime n'avoir aucun regard sur le sujet, d'avoir aucune légitimité surtout sur le sujet. Mais Si vous entendez parler de femmes qui analysent Ginger Snaps, foncez! allez-y. Bah, à nouveau, si vous avez envie, envoyez-nous un message Insta ou TikTok si vous voulez. Je m'occuperai de vous envoyer le lien vers l'article de Bianca Nielsen dont je vous ai parlé, qui est passionnant et que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment, vraiment à lire. Évidemment, Ginger Snaps 2, c'est aussi un film que j'ai, qui est plus lent, mais pour moi, il était vraiment recentré sur ça. Et il y avait toujours des effets spéciaux vachement cool, par contre. Parce que Ginger Snaps, là-dessus, on peut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'éléments gore, mais quand il y en a, ils sont vraiment sympas. Oui, bah après ils apparaissent assez tardivement pour le Ah, coup. ils apparaissent même par petites gouttes, hein. C'est par-ci par-là. Le film n'a pas coûté cher. Et accessoirement, le 2, il y a ce côté le personnage de Ghost qui va inventer. Alors, qui est une mythomane maladive, c'est-à-dire qu'elle va inventer une façon dont sa mère est morte, par exemple. Mais ce qui est une maladie intéressante à voir au cinéma, on le voit pas souvent. Oui, mais qui va aussi inventer du coup une fausse accusation d'agression. Ça a pas hyper bien vieilli. Non. Voilà. Mais personnellement, je vous recommande quand même Ginger Snaps 2. Et il y a également Ginger Snaps 3, donc avec le retour de Katharine Isabelle, c'est une qualité. Alors, Ce sera elle est toujours dans une le 2 qualité. aussi, mais elle apparaît façon Billy Loomis dans Scream 5. Oui, donc elle n'apparaît pas. Là où Katharine Isabelle dans le 3, elle est bien présente, et c'est une qualité. C'est toujours une Oui. qualité. C'est un préquel qui se passe bien quelques années avant. À l'époque de la colonisation des Voilà. Amériques. Qui est donc sur l'origine de cette malédiction, etc. Qui, dans mes souvenirs, est pas mal. Alors, je sais que j'avais préféré le 2 parce que le 2 était plus triste. Était plus en plus possédé par cette espèce. Bah, le 2 était plus proche du 1, quelque part. Mais le 3, dans mes souvenirs, était pas mal non plus, même si, et je sais que le 3, plein de gens essaient de le réhabiliter, essaient de le remettre en avant, comme quoi, bah, en fait, c'était vraiment bien. Toi qui l'as découvert pour l'épisode, t'en as pensé quoi? Je trouve ça légèrement mieux que le 2, mais je trouve ça toujours. Alors, certes, il y a la comparaison avec le 1. J'imagine que ça doit être quand même un peu cheap, surtout pour un film d'époque. Oui, ça fait très très cheap pour le coup. Par contre, je voudrais revenir juste sur un truc. Ce que tu disais sur le fait d'être déphasé avec son modèle maternel dans le 1. Bien sûr. Mine de rien, il y a quand même un truc que je trouve assez, assez sympa et assez ironiquement couillu. C'est que. La solution que propose la mère quand elle apprend que. Alors, elle sait pas que Ginger est un loup-garou exactement, mais elle sait que Ginger a. Snap, Ouais, littéralement. elle sait que Ginger, il y a un truc qui déconne, ouais. Bah, elle sait que Ginger snap, quoi. Oui, voilà. Sa solution, c'est de partir toutes les trois. Mais ça, En mais... laissant le père de côté, parce que il est trop con et comprend rien. Non, mais c'est en ça que je me permettais de rester quelque part vague, non pas sur les éléments narratifs, mais sur le fait que, pour moi, il y a une sororité qui se crée et qui, quelque part, le rapprochait d'une autre référence, ça, même deux autres références, qui sont graves, dans ce côté sororité, au sein d'une malédiction, et quoi qu'il arrive, on se serre les coudes, quoi qu'il arrive, on reste ensemble, parce que si on n'est plus ensemble, on n'existe pas, il faut Notre force vient du collectif. En témoigne de la fin de grave où elle va, Bouleversante. bah, où elle va laver sa sœur, enfin, lui enlever tout le sang qu'elle a sur. Ah, je trouve ça magnifique. Bouleversante. Mais moi, c'est la scène où les deux sont moqués par tout le monde dans l'école avec le thème Sisters en fond. Je peux pleurer pour ça. Mais également d'un autre film qui est pour moi le meilleur film, et je suis très sérieux, le meilleur film de sorcière qui n'ait jamais été fait. Je suis extrêmement sérieux. Blair Witch 3. Wow. The Craft de Andrew Fleming, Oui. qui a pareil ce sens de la sororité, ce sens de la communauté féminine, et c'est en fait, je me permets de détailler ma pensée sur ça, mais qui j'imagine est une pensée commune, je te laisserai dire sur ça, mais que le fait que je suis très admiratif de ces travaux-là, c'est des travaux que je trouve John importants. Travolta? John Travolta qui danse notamment le dimanche soir, mais que je trouve important et surtout majeur à mettre en avant, parce que. On a grandi avec des films d'horreur, quelque part ça nous a forgé aussi, même personnellement, voire aidé sur plein de trucs. C'est important d'avoir des modèles équivalents pour des jeunes filles. Évidemment. Et c'est en ça que je me permets de ne pas. Non pas par manque d'intérêt, par manque de considération ou par manque d'envie, vraiment pas. Mais plus par manque de légitimité, Bien parce que sûr. j'aurais peur d'avoir un regard, une phrase, une analyse ou une interprétation Qui qui ne pourrait être mal soit. perçu. Voilà, bah non, pas forcément qui pourrait être mal perçu, parce que le principe même de l'interprétation ou de l'analyse, c'est que chacun peut avoir la sienne. Moi, on me dira peut-être que mon truc sur Freud, sur la compagnie des loups, c'est horrible. Mais c'est plus par peur de dire quelque chose qui pourrait être mal reçu, plutôt, par, a fortiori, on n'a pas les stats, c'est un public féminin, vous aussi. Si vous êtes là, on espère que. Manifestez-vous, go Voilà, big up à vous. Hein. déjà, évidemment. Mais bah, c'est ça, c'est plus pour dire que. Quelle que soit l'analyse ou l'interprétation, je pense très sincèrement que une fille, une femme, on n'est pas TERF ici, on n'est pas TERF, hein, précisons, Oui. mais qu'une femme, une fille aura plus de légitimité, de pertinence, voire de profondeur dans l'analyse que moi. Et donc c'est pour ça que je me permets, enfin que moi, que nous, à nouveau, c'est pour ça que je me permets de rester évasif sur ces sujets-là, à nouveau, non pas par manque d'envie, plus par manque de légitimité dans l'interprétation que je pourrais en avoir. Moi j'en ai une qui est une espèce de communauté forte qui fait, comme ce que je viens de dire sur Grave, que la force passe par l'ensemble, passe par le collectif. Mais est-ce que elle est bonne? Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est correcte? Pour le coup, là, on sort, pour moi, on sort du chaque personne a un regard qui justifie. Non, non, pour moi, là, on est vraiment dans. Je pense sincèrement que certaines personnes ont un regard plus légitime que le mien. Et je veux les. Et il y en a sur Internet. Et je veux les laisser parler. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu parlais de sororité avec The Craft, par exemple. Mais pour The Craft, avant ça, d'intéressant que justement, contrairement à Ginger Snaps ou à Grave, c'est une sororité qui n'a aucun lien avec le sang. Totalement, qui n'a aucun lien avec le sang et qui a un lien qui est d'abord créé par l'exclusion sociale entre guillemets des personnages, et exclusion volontaire ou involontaire, donc qui elle-même décide ensemble de dire bah on n'est pas voulu, on va faire corps ensemble et par ce corps on va exister. Et ce corps va nous redonner quelque part notre individualité qui va nous permettre, à travers cette communauté qu'on a fait tous ensemble, de renaître, pourrait-on dire, en tant que nous-mêmes. Et preuve en est que ça n'a pas marché avec un contexte masculin parce que bah, tu prends The Craft avec des mecs, ça s'appelle The Covenant. Et c'est. Alors c'est très rigolo, hein, mais c'est vraiment très nul. Mais par contre, c'est vraiment très rigolo. The Rainier Lynn, je vous le conseille. Non, je vous le recommande, on va dire. Ça me rappelle un peu, on en parlait sur l'épisode slasher avec House on Sorority Row, mais Oui, mon toute la dieu. relation entre les personnages de Vera Clouseau et de Simone Signoret dans Les Diaboliques. Totalement, totalement. Mais c'est exactement ça. Et ça me fait penser à un film qui est How to Have Sex de. Je n'ai plus le nom de la réalisatrice, mais film exceptionnel. Alors un peu lourd quand même en termes de émotionnel, Oui. mais excellent film. Mais qui est, je pense, pareil, baigné de cet esprit féminin et surtout de cet esprit. J'insiste sur le mot féminin plus que féministe, non pas que l'un soit moins important que l'autre, évidemment, mais dans le côté. L'un est un combat pour une. Ce qui devrait être une norme sociale. L'autre. Est un point de vue qui artistiquement sera toujours différent du point de vue d'un homme. Malheureusement, dans la situation actuelle de la société, le fait d'être féminin fait quasi automatiquement féministe. Voilà, c'est ça. Mais quelque part, ça se. Non, mauvaise comparaison. Mais voilà, bref, et donc tout ça pour dire que. Là, on a beaucoup parlé de cette différence genrée. Si on en revient à la base. Si on en revient à la base, Ginger Snaps, c'est un putain de film d'horreur. C'est un putain de film bien écrit, ultra bien interprété, et que nous vous conseillons chaudement, notamment autour de ce qu'il fait du loup-garou. C'est probablement l'un de mes films de loup-garou préférés. Nous allons passer à le plat de résistance. Corentin, voilà, parle-nous de Van Helsing de Stephen Sommers. Alors, ça sort en 2004. Je vais commencer par préciser qui est Stephen Sommers. Alors, Stephen Sommers, c'est quelqu'un qui est souvent oublié quand on parle de cinéma de divertissement, de cinéma qu'on pourrait qualifier d'exploitation, mais plutôt de divertissement dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs films à ses débuts, mais qui a vraiment explosé en 90, en 94, pardon, avec sa première adaptation du Livre de la Jungle. Oui, avec Trois Heures. Ouais, non, ça c'est Georges de la Jungle. Ah oui. Non, avec Jason Scott Lee dans le rôle de Mowgli, qui n'était pas un très bon film, mais en 98, il réalise Deep Rising. Donc Deep Rising, si vous voyez pas ce que c'est, le nom français c'est Un cri dans l'océan, qui était vraiment chouette, film de monstres marins avec Treat Williams et Famke Janssen, on en parlait. Et en 99 arrive le couronnement, vraiment l'avènement du roi, avec La Momie, avec Brendan Fraser et Rachel Weisz, le début de mon histoire d'amour pour cet homme. Et pour cette femme. Voilà, et pour elle aussi. Bref, La Momie, c'est un excellent film avec Arnold Vosloo dans le rôle de La Momie. C'est un petit chef-d'œuvre qui combine parfaitement film d'aventure, film familial, film d'horreur, film d'action, tout ce que vous voulez, c'est là. C'est fabuleux, avec en plus une musique exceptionnelle. Non content de ce premier succès, il réalise en 2001 Le Retour de la Momie. Alors, film bien moins considéré, la faute a souvent des effets spéciaux un peu brouillons et certains éléments narratifs un peu pourris, genre les histoires de réincarnation, donc globalement on s'en fout. Et surtout connu pour être le premier pas de The Rock, au cinéma, qui après, il y aura toute une saga de spin-off juste pour lui, donc la saga Le Roi Scorpion, c'est lui. Et surtout, on a annoncé aujourd'hui une date de sortie pour La Momie 4. Oui, qui arrive en 2027. Halloween 27. Halloween 2027, voilà. Mais est-ce que ça aura la même magie sans Stephen Sommers? Je ne sais pas, parce que après ces deux La Momie, Stephen Sommers est choisi pour réaliser ce qui va être le fer de lance, la tête d'affiche du film qui est censé relancer les Universal Monsters. Si vous vous rappelez de ce colossal bid qu'a été le Dark Universe, bah c'était déjà ça. Colossal bid au pluriel. Hein. Voilà, comme quoi c'est vraiment une idée de merde, comme quoi c'est vraiment une idée à la con. Mais donc, il va réaliser Van Helsing en 2004. Spoiler, ça n'a pas marché. Alors, le film a été vite fait rentable, mais ça a surtout été un énorme four critique. Et même public, il y avait globalement un retour d'appréciation qui était très mauvais. Après ça, en 2009, il réalisera G.I. Joe, Le Réveil du Cobra. Il y a une scène rigolote avec des exosquelettes et il y a Brendan Fraser en général. On s'en fout, ça dégage. Alors, c'était à l'époque de la traversée du désert de Fraser. Après, ça. Ouais, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Après qu'il ait été agressé sexuellement par le directeur de Golden Globes. Voilà. Exactement. Merci de le rappeler, par ailleurs. Ouais, traversée du désert qui se terminera avec un retour en grande pompe, je ne sais pas, mais en tout cas en bonne grâce, avec The Whale, où il trouve probablement l'un de ses plus beaux rôles. Retour qui aurait pu se faire plus tôt d'ailleurs, si David Zaslav n'avait pas été un immense... Un énorme tas de merde. C'est ça, voilà. Puisqu'il aurait dû faire son retour dans Bad Girl. Oui, c'est vrai. Mais à nouveau, David Zaslav part. Merci. Oui. Et également qu'on avait vu aussi dans Killers of the Flower Moon de Scorsese. Oui. Et donc après G.I. Joe, Stephen Sommers va réaliser Hot Thomas avec Willem Dafoe et Anton Yelchin. Film que moi j'aime beaucoup, mais qui est très oublié, que je vous conseille éventuellement si vous aimez ce style. En fait, quelque part, Stephen Sommers, je l'ai toujours comparé à Stephen Norrington, donc l'auteur de Death Machine, excellent film, Blade 1, excellent film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, très bon film, quoi qu'on en dise. C'est le Van Helsing de la littérature. Voilà, et en fait, les sujets sont les mêmes. Alors, Van Helsing, c'est quoi? C'est l'histoire de Van Helsing, jusque-là, rien d'anormal. Eh, hey, joli. Voilà, mais Gabriel... C'est le nom du film. Alors, Gabriel Van Helsing, précisons que ce prénom aura une importance que je te laisserai dévoiler pour le plaisir. Gabriel Van Helsing qui est envoyé par le Vatican, parce que oui, il y a une organisation secrète gérée par des moines dignes de Q dans James Bond sous le Vatican, si vous ne le saviez pas, c'est historique, c'est dans Van Helsing. Et il y a Faramir. Voilà. Qui est envoyé en Transylvanie pour détruire le comte Dracula. Là, en Hongrie, si je dis pas de bêtises. Transylvanie, c'est nommé Transylvanie. Et pourquoi la famille Valerius, dont... Alors, je n'ai plus le nom du patriarche, qui a juré que sa famille ne trouverait pas le repos éternel tant que Dracula ne serait pas mort. Van Helsing s'y rend donc, il va faire la connaissance de Anna Valerius, jouée par la magnifique, la sublime, la parfaite Kate Beckinsale. Peut-être que j'ai vu ce film un peu trop jeune et que ça m'a matrixé sur ce sujet. Est-ce qu'on en reparlera dans quelques minutes? Bien sûr qu'on en reparlera. parlera dans quelques minutes. Précisons aussi que Van Helsing est joué par Hugh Jackman, et je suis extrêmement sérieux quand je dis que c'est mon rôle préféré de Hugh Jackman. Et mon deuxième préféré, c'est The Fountain. Wolverine n'arrive qu'en troisième, ce n'est pas une blague. Van Helsing, je peux. Et alors, je peux raconter une anecdote là maintenant avant de finir le résumé. J'ai déjà vu 4 fois en une seule journée. Je suis amoureux de ce film à ce point. Je suis fan de ce film à ce T'as point. passé quasiment 9 heures de ta journée Je suis devant fan Van de ce... Helsing. Le film dure 2h12, pour moi il passe en 10 minutes. Je veux une version longue de 4 heures. Bref, il arrive en Transylvanie avec l'idée de tuer Dracula avant la mort de Anna Valerius et de son frère, prison d'un frangin, parce que si jamais il meurt avant la... Enfin, si jamais On il siffle meurt... les gazières qui n'ont pas de frères. Voilà! Parce que si jamais il meurt avant la... Enfin, si jamais les derniers des Valerius meurent avant la mort de Dracula, jamais la famille Valerius ne connaîtra le repos éternel, et évidemment, ça fait chier le Vatican. Je vais aller très vite, mais globalement, là-bas, dans un film de 2h12, il va rencontrer le docteur Frankenstein, la créature de Frankenstein, le loup-garou, le comte Dracula, Il évidemment, rencontre pas le docteur, le docteur meurt dans la scène d'intro. Le docteur meurt dans la scène d'intro, effectivement. Le loup-garou joué par Richard Roxburgh, qui est pas un très bon acteur, mais qui, c'est son meilleur rôle. C'est son meilleur rôle de très loin. Gabriel! C'est Son fabuleux. deuxième étant Lesbian Space Princess. Fabuleux. Voilà, bref. Et dis donc, tu penses quoi à la scène de cul dans la vie d'Adèle? Voilà, Si bref. vous avez écouté l'épisode Étrange Festival. Vous comprendrez cette référence. Bref, Van Helsing, je vais pas trop en parler là maintenant. Je vais rapidement passer par la fiche technique parce que j'ai parlé de Stephen Sommers qui, au-delà de ses références, est pour moi vraiment un très bon réalisateur. Mais je vais parler vite fait donc de qui est à la photo. C'est Alain Davio, quelqu'un qui a fait 2-3 trucs, genre E.T., genre L'Empire du Soleil, genre La Couleur Pourpre. Donc, quelqu'un qui sait faire de la Attends, belle. qui a réalisé ça, Les trois Spielberg, ouais, Steve, Spielberg, voilà. un coup du bataillon. Honnêtement, je trouve la photo du film magnifique. Je out tout de suite. Voilà, on va vite. Je te laisserai en parler avant que je fasse mon monologue sur le sujet, parce que Van Helsing et moi, c'est une longue histoire d'amour. Le film souffre de ses effets spéciaux. Je sais, les effets spéciaux sont moches. Alors, pas tous, pas tous. Il y a du pratique, mais il y a beaucoup de numérique. Il y a Ah beaucoup bah, de. Mr. Hyde. Voilà, il y a beaucoup de numérique, c'est un fait, mais que voulez-vous? Nous en parlerons après. À la musique, c'est le grand, le magnifique, le sublime Alan Silvestri qui signe, et je suis à nouveau très sérieux, ma musique préférée de toute sa carrière. Je peux écouter cet album de A à Z sans problème, je l'ai déjà fait, je le refais quasiment tous les mois, Ah oui, c'est donc devant Retour vers le futur, devant Forrest Gump, devant tout cela. Avengers. Devant tout cela, je suis très sérieux. Parce Ok. que il y a une variété de thèmes qui me bouleversent, il y a le thème... Transylvania 1887 avec la guitare ultra rebondie, la tin-tin-tin, je vais pas le faire, mais qui est magnifique. Le thème Reunited, qui est le thème de la scène de fin, qui. Avec la J'ai larme. vu ce film au moins, je pense pas mentir, quand je l'ai vu une quarantaine, cinquantaine de fois, je pleure comme une madeleine à chaque fois. Bref, je ne vais pas m'étaler tout de suite, parce que je parle de ce film en long, en large et en travers, j'en ai pas souvent parlé, je suis très sûr qu'on dit que ça monte presque émotionnel pour moi, parce que. Je sais que ce film n'est pas aimé. C'est pas un film aimé. C'est un film qui est globalement un peu méprisé. Mais c'est un film qui est ultra important dans ma cinéphilie. Et là, je le dis aussi. Coucou papa, qui m'a montré ce film très jeune et ça m'a matrixé. Et vraiment, c'est un film important pour moi. C'est un film presque majeur dans ma cinéphilie, dans mon amour du monstre, dans mon amour de l'excès aussi, quelque part, qui, je pense, et je suis très sérieux quand je dis ça, m'a indirectement mené aussi à une certaine forme d'amour pour le cinéma hongkongais. Et voire pour American Horror Story que je suis en train de refaire actuellement. Peut-être un projet bientôt à ce micro. On en parle plus tard. Roman, Van Helsing, de Stephen Sommers, 2004. Alors, Hugh Jackman, Gabriel. Gabriel! Je te laisserai révéler. Parce que oui, on entre en zone spoiler. On va spoiler comme des bourrins. Quelle est la... Enfin, plus tard au cours de ton commentaire, mais pourquoi s'appelle-t-il Gabriel? Parce que c'est de loin l'un des trucs les plus géniaux du film. Bah on va le dire tout de suite. Il s'appelle Gabriel parce que c'est l'archange Gabriel, c'est la main droite de Dieu. Voilà, c'est génial, je le dis, c'est fabuleux. Littéralement la main droite de Dieu qui est là pour pourfendre les ténèbres sur Terre. Enfin, alors, t'inquiète pas, je serai pas du côté de la critique et du public. Je serai de ton côté. Nous sommes ensemble. J'ai découvert le film avec toi, on était chez moi, je C'est me vrai que je te rappelle. dirais que je te le maxais avant que tu le vois, j'étais en mode c'est fabuleux, faut que tu le vois. On était chez moi. C'est un film qu'on peut qualifier d'excessif. Et c'est génial. En fait, c'est un film, je vais utiliser un seul mot pour le décrire, que je vais répéter très souvent, je pense, généreux. C'est un film absolument généreux, qui est Sûrement très con, sûrement dû au fait que Steven Sommers était sous énorme trace de zipette Ouais, pendant alors qu'il l'a fait. ça se sait, ça se trouve, on va pas trop en parler parce que notre but c'est pas de taper ou d'aller indirectement insulter quelque part les personnes concernées. Mais Stephen Sommers avait un petit problème de coke pendant le tournage, il était globalement sous coke, ça se voit, ça se sait. Alors, si je peux vous donner envie, un autre film fait sous coke s'appelle Inferno de Dario Argento, Oui. par exemple. Déjà abordé à ce micro Mais dans l'épisode d'Italie. ça se voit et Dans l'épisode d'Argento. Argento, effectivement. Ça se voit et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a mis autant de temps à faire d'autres films derrière. Mais je vais pas déblatérer plus que ça. Je pense que Corentin a déjà un affect tout particulier Oh bah, lié à ce film. vas-y, parce que moi après j'arrive derrière et là je m'arrête plus là. Oui, non, c'est comme déjà ça. Toi, tu le découvres, t'as 14-15 ans. Moi, je le découvre, c'est le confinement, donc j'ai 18 ans. Et on n'a pas le même parcours aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais bah oui, Van Helsing, c'est évidemment un film que j'ai donc découvert avec toi, que j'ai revu pour l'occasion de cet épisode et qui est honnêtement, je pense, excellent. C'est-à-dire que c'est pour moi qui suis vraiment amoureux de la générosité. Là, t'as tous les monstres d'Universal dans un seul truc, t'as Dracula qui marche sur les murs, qui est... Je vais parler des succubes plus tard. Oui. Mais genre, il y a Van Helsing qui Alors, a il un n'y a pas moine... Monica Bellucci en succube. Ah, c'est vrai. Mais il y a Van Helsing qui a un moine de service qui est Je. littéralement son Q de James Bond. Il a une arbalète mitrailleuse! Et le moine de service, c'est Faramir, capitaine du Gondor, qui prouve à nouveau C'est sa vrai, c'est lui! valeur! C'est lui! C'est vrai, parce que quand je l'ai revu, j'étais en mode, mais je sais que j'ai vu ce mec, mais je sais plus. C'est vrai que c'est Faramir! Non, non, Faramir, Faramir, capitaine capitaine du du Gondor, Gondor, qui prouve prouve à à nouveau nouveau sa sa valeur. valeur. Voilà. C'est vrai, ça, bref. J'y vais. Je te laisse enfin, je te laisse y aller, enfin, juste, Non, mais. globalement, je suis de ton côté, mais juste avec un peu moins d'affect, mais avec un amour sûrement moins grand, mais Est-ce que la scène de fin te touche? moi non. Ah, je peux Moi non. comprendre, je peux comprendre. Moi Mais non, mais vas-y. alors, je vais tout de suite outer les trois gros problèmes. Alors, j'ai parlé des effets spéciaux. Oui. Effet visuel, pour être précis. Les effets visuels. Oui, je sais. Il y a des effets numériques qui montent. Il y a des. Mr. Hyde. Voilà, Mr. Hyde n'est pas beau. Les succubes de Dracula, c'est un peu chaud. Par contre, la scène de fin me touche pas, mais tout ce qui entoure la créature de Frankenstein me Ah touche. oui, mais vraiment. Alors, après, est-ce que c'est pas aussi intrinsèque au personnage qui, de base. Ah, même si l'interprète est très bon. Et son. J'ai l'impression que c'est du costume. Et j'ai l'impression Je aussi. crois que ça doit être boosté au numérique, mais je crois que Mais c'est du costume. bah, pour avoir déjà lâché une larme sur la fierté de Frankenstein Ah de bah James Whale, oui, bien oui, sûr, oui. mais le. Enfin, typiquement toute la scène chez l'aveugle, dans Quand la fiancée. il se fait embarquer là après le bal à Budapest, quand il part en Oui. bateau, faut se retenir, hein. Tout ça, mais juste le. Enfin, le Fire Bad Friends Good. Oui, Enfin, moi, voilà. ça me. Ah. Mais donc. Voilà, il y a ces effets spéciaux moches. Deuxième problème, faut pas avoir peur du surjeu. Je vais pas dire Hugh Jackman, je pense que c'est un très bon acteur. Ici, il est bon. Moi, je le trouve parfait dans le rôle, mais en fait, Hey, c'est un rôle de. son seul défaut, il chante pas. Ah, mais c'est ça. Mais en fait, c'est un rôle de comic book. C'est que c'est Oui. quelqu'un qui va faire de la pose, c'est quelqu'un qui a une arbalète mitrailleuse et qui est là pour tuer Dracula, quoi. Hein mais même en jeu, Richard Roxburgh, faut aimer les jeux en excès, mais genre vraiment en excès. Kate Beckinsale, elle va me faire le lien avec le troisième point d'ailleurs. Pareil que Hugh Jackman, alors déjà, je l'ai revu en VO, j'ai l'habitude de le voir en VO, mais la VF est très bonne d'ailleurs. La VF est vraiment super, notamment la VF de Dracula. Mais Gabriel! faut pas avoir peur des accents, parce que vraiment c'est bienvenue en Russie, capitaine Van Helsing, quoi. C'est vraiment ça, hein, je caricature à peine, pardonnez mon accent. Mais je dois le dire, les personnages féminins, c'est vraiment chaud. Genre, Kate Beckinsale, j'adore son rôle, elle me fait pleurer à la fin. Moi, je la trouve legit badass, mais c'est vraiment la meuf 2. Genre, c'est vraiment que la meuf 2, et c'est un peu chaud. La meuf 2, la sœur 2, la descendante 2. Voilà, les succubes de Dracula, on n'en parlera pas, parce que on peut se moquer de celle dans Coppola. Là, c'est pire. Genre, c'est vraiment pire, Après, même est-ce que les si. succubes de Dracula ont déjà eu un rôle marquant Non, mais c'est que là, c'est vraiment que c'est que t'as quatre personnages féminins dans le film. Un qui est fille de descendante de voilà, amante 2, et trois où c'est, désolé de le dire comme ça, mais des putes à dradra, quoi. Hein. Mais à côté de ça, tu as dit c'est généreux, et alors je vais essayer d'avoir un discours clair, précis, organisé. Je vais être tout à fait honnête. D'habitude, je prends souvent quelques notes lorsque j'écris, lorsque j'en parle, lorsque j'avais parlé d'ouvre les yeux, notamment j'en avais parlé et ça m'avait permis d'avoir un discours organisé et d'avoir un discours qui était un tant soit peu clair. Là, j'en ai pris aucune parce que c'est un film que je connais par cœur. C'est un film que je connais littéralement par cœur. Je peux vous citer chaque scène par cœur. Je connais les effets de montage par cœur. Je sais quand faire pause pour avoir des captures d'écran rigolotes. On est à ce niveau-là de fan. Genre, ok. Et je sais que c'est un film qui est pas apprécié. Je sais que c'est un film qui est détesté pour plein de raisons que je comprends comme étant valable. Oui, les effets spéciaux sont moches. Oui, c'est ultra 2004. Genre, c'est un mauvais enfant de Matrix. Pour le pire comme pour le pire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Je sais. Je sais tout ça. Hein. J'entends. Mais j'adore ce film. J'adore son esthétique, qui est ultra gothico-baroco chelou, globalement. Qui est ultra excessif. Qui est presque camp dans son approche, cette espèce d'approche de l'excès, de tout plus grand que tout, et ta gueule si t'aimes pas, quoi. Genre. Si vous aimez les premières saisons d'American Horror Story, donc oui, je suis en train de revoir ça en ce moment, je sais. Donc 1, 2, 3, globalement. Si vous aimez le côté camp, donc le côté ultra excessif, excessif, mais vraiment au-delà de toute limite raisonnable, et on fait avec, et on s'amuse avec, et c'est volontaire, c'est le film parfait pour vous. C'est un film qui a tout ce que vous voulez. Dans le même film, tu vas voir un gadget à James Bond avec des espèces de shurikens qui sortent des manches. Et une référence au bal des vampires avec le miroir invisible. Tu vas avoir un Le reflet invisible dans le voilà, le miroir. reflet invisible dans le miroir. Tu vas avoir des plans de caméra complètement fous, un peu, Notre-Dame! mais très caméra invisible, très caméra Tchoyark. Je sais Oui! pas sur lui, mais c'est un ultra cinéphile. Le côté plan de caméra qui va suivre tout et n'importe quoi. Genre, pour moi, le plan qui résume ça, c'est la naissance des bébés vampires. Quand ils passent Oui! dans le truc et t'as la caméra qui monte partout, les décors sont fous. Oui, Mais mais oui, même mais, et oui, les effets spéciaux sont la fusion moches, mais. avec Ad à Notre-Dame, je trouve Mais, ça vas-y, mais et même brillant en termes l'affrontement, je de suis désolé, mise en tu scène. retires les effets spéciaux moches. L'affrontement, il est putain de bien filmé et mis en scène. Oui. Genre, c'est ultra bien orchestré, t'as plein d'idées un peu à la con, mais hyper rigolotes. T'as plein d'idées. C'est. Enfin, tout ce que j'aime dans le cinéma est là. C'est généreux à n'en plus savoir que faire. C'est excessif à n'en plus savoir que faire, peut-être, sûrement. C'est. Le cœur est au bon endroit, j'en suis sûr. En fait, je vois aucune trace de cynisme. Je vois aucune trace de côté un peu conscient, un peu. De calcul ou Ouais, c'est quoi ça. Parce que. Honnêtement, alors je veux pas passer pour un vieux con, donc pardonnez la phrase qui va suivre, mais on referait ce film aujourd'hui, j'aurais trop peur qu'à un moment il y ait ce côté, c'est un peu goofy ce qu'on est en train de faire, Bah, non, c'est trop crazy la team, et je suis en mode, mais je m'en fous, c'est pas ce que je veux, non. c'était la. Alors, le youtubeur Mr. Fox, je sais pas si c'est qui c'est, qui est un mec qui Ma parle. culture YouTube est si faible. Alors, c'est un mec qui, à la base, parle beaucoup de doublage, mais qui parle de. En fait, le nom me dit quelque chose, mais je crois que je l'ai pas vu. Mais qui parle de cinéma en général, et quand il parlait de Triple R, dit. Shadow, Triple R, virgule Shadow, qui Oui. passe à Rennes dans quelques jours, dans le cadre d'un festival, foncez le voir, et qui ressort en salle d'ailleurs, je crois au niveau national, à vérifier. Oui, et qui ressort en Blu-ray dans quelques mois. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir, enfin si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez, vous allez prendre une claque comme le MCU n'a pas su vous l'offrir depuis Avengers 1, vous allez adorer, vous allez vraiment prendre une claque. Et Mr. Fox disait dans sa vidéo sur Triple R, enfin une vidéo sur pas mal de films où il aborde Triple R, disait bah, dans la scène où un gars en frappe un autre avec une moto. Ah bah oui, oui. Disait si on avait ça dans un Fast and Furious, un autre personnage, genre Ludacris, au hasard. Bah je suis désolé, Hobbs & Shaw c'est un film indien. Quand il retient les bagnoles à Oui, la force de. ça oui, mais genre, ce avec Ludacris, genre, Ah t'aurais oui un. donc ouais donc ceux où c'était encore un peu street race entre Ça. guillemets. T'aurais un perso de type Ludacris qui dirait: Je rêve où il vient de taper un mec avec une moto! Et c'est exactement ça. Et par contre tu viens de faire penser à autre chose. Moi, personnellement, je vois quasiment un lien à peu près direct entre Van Helsing et une certaine forme de cinéma indien. Ce côté, Oui. on te met tout, on y va et c'est pas grave. Et je Le... vous Bah, conjure. les VFX sont ratés, bah, en mode Triple R avec toute cette scène, enfin, les animaux Ah, dans mais bien Triple R en sûr, général. à nouveau, moi, ils sont pas ratés, ils sont juste moyens. Et c'est comme ceux de Van Helsing. Pour moi, ils sont pas hideux, hein, enfin, ils sont juste moyens. Oui, c'est juste que les deux films ont 20 ans d'écart. Ah, mais bien sûr! Ouais, mais les deux industries, voilà. Et ça, je vous conjure de redonner sa chance à Van Helsing et de vous laisser prendre dans ce récit. C'est ultra premier degré. Y a pas une once de second degré. Hein. Vraiment, il n'y aura pas de blague en mode goofy ou pas. Non, non, zéro. C'est ultra premier degré. C'est probablement très con. Je refuse de voir les failles du scénario. Je me cache les yeux. Et c'est sûrement trop. Mais. Qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que c'est rigolo. À nouveau, je vous jure que j'ai un peu une boule au fond de la gorge d'enfin pouvoir en parler à ce micro. parce que c'est un film qui m'a... Enfin, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est ce que j'aime peu... avec ses qualités et ses défauts, Il va peut-être. faire 5 TikTok dessus en 3 jours. Non mais, là c'est... En fait, un des... Enfin, si on peut aller plus profondément dans le sujet. Un des axes qu'on s'est donné dans ce podcast, qu'on essaie de se donner à 24, c'est de se dire que, quel que soit le film dont on parle, que ce soit un film financé par la mafia, comme Mausoléum. Mausoléum, que ce... Big up à Camille Laurent-Humaine, qui est, je crois, celle qui nous avait conseillé le film dans l'épisode participatif. Voilà. Que ce soit Shining, dont on a déjà parlé, Oui. que ce soit peut-être un épisode à venir autour d'un incroyable réalisateur actuel qui sortira autour d'Halloween, on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Mais que ce soit ça ou que ce soit Van Helsing de Stephen Sommers, chaque film peut être aimé, décortiqué, apprécié, reçu, compris à sa façon. Et bah écoutez, pardonnez-moi, je suis pas fan de Ruben Östlund, j'aime pas Triangle of Sadness, j'aime pas son cinéma, mais j'adore Van Helsing. Est-ce que pour autant ça fait de moi un moins bon cinéphile? Je pense pas, j'estime pas, j'espère pas. Mais voilà, Van Helsing pour moi c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est une espèce de simplicité, de candeur, d'envie de bien faire, de bonne volonté, de cœur à l'ouvrage, d'artisanat quelque part. Même si ici si, beaucoup de CGI, mais qui me touche énormément. Et pour en revenir au loup-garou, parce que c'est comme de ça dont on parle, Oui, ah, il c'est vrai est. qu'on a dit 0 fois loup-garou. Mais pour en revenir au loup-garou, son origine est teubée. Effectivement, son origine, bah, zone spoiler, c'est le frangin de Anna Valerius. Voilà, c'est le frangin de Anna Valerius. Pourquoi pas. Chibor Gabriel! Voilà, c'est ça. Et Van Helsing devient un loup-garou à la fin. Et bah vous savez quoi? Sachez que la transformation de Van Helsing en loup-garou, où il s'arrache littéralement la peau, c'est-à-dire que la peau tombe littéralement, c'est... Désolé, mais c'est ma transformation de loup-garou Et préférée. la peau repousse après d'ailleurs. Bah oui, bah bien sûr. C'est. Alors en fait, dites-vous, la peau de Hugh Jackman dans ce En film, fait, c'est le sa peau de short de. loup-garou retombe derrière. C'est le short de Hulk. Mais toute blague mise à part. C'est ma vision de transformation de loup-garou préférée. Peut-être que je suis matrixé par ce film. Peut-être, probablement, probablement. Mais c'est pas le meilleur, le loup-garou de Londres, hurlement, bien sûr. Mais c'est ma vision préférée, cette espèce de peau qui s'arrache, qui tombe en lambeaux pour... Et surtout, le fait que le loup-garou de Hugh Jackman est monstrueux. C'est-à-dire que c'est pas un loup-garou taille humaine comme Ginger Snaps. Oui. Il fait 2m30, il est noir, enfin il est vraiment big. Bah c'est un loup, quoi. Ouais, c'est un énorme loup-garou. Et du coup, ce côté... Ta peau s'arrache pour révéler en toi la créature qui devient monstrueuse, et la créature qui devient monstrueuse une fois qu'elle a commis l'irréparable, que je ne vous laisserai pas, que je ne vous dévoilerai pas ici, que je vous supplie de découvrir, et s'il vous plaît, pleurez avec moi sur ce film. Peut-être que je suis tout seul, peut-être que je serai tout seul après cet épisode, c'est pas grave, je suis. Je le répète, mais. Il est peut-être dans mes 5 films préférés, quoi, je veux dire. Et quand il se détransforme, Hugh Jackman, bah, il redevient l'humain. En perdant sa peau de loup qui perd en taille et en peau, bref, j'adore. Et il y a tout que j'aime dans ce film. En fait, je réalise que j'ai un discours très confus, vous me pardonnerez, mais j'aime son montage qui est à la fois ultra Quand maîtrisé. le cœur y est, on Mais pardonne. ça, mais j'aime son montage qui est à la fois ultra maîtrisé, surstimulant dans des proportions débiles, mais qui est jamais shaky cam. C'est genre tout le film est parfaitement compréhensible. J'aime sa mise en scène qui est tout azimut. Je veux dire, il y a tout qui est fabuleux. J'aime le fait qu'il veut y raconter. 35 milliards de séquences, pas de scènes, de séquences à la seconde. Dans le même film, vous avez une séquence hommage au film Hammer des années 30, dès l'intro. Universal. Universal, pardon, merci. Universal des années 30. Vous avez des scènes de combat dignes de, j'allais dire Mission Impossible, peut-être que j'exagère un peu, quoique, quoique, quoique, quoique. Des scènes de combat tard la fusillade, limite un peu de John Woo. Bah justement, tu parlais de film brouillé de John Woo, bah Ben Mission voilà, Impossible 2. avec l'arbalète mitrailleuse, tout est dit dans cette phrase. Vous avez un Dracula qui est en ultra excès, qui va développer une mythologie complètement débile, mais qui en même temps n'est pas suffisamment en parasitante envers le scénario pour qu'on n'apprécie pas le film. Vous avez un premier degré absolu qui fait que jamais vous ne serez sorti du récit, jamais vous ne croirez pas à ce qui se passe, parce que tout vous est raconté avec un premier degré à toute épreuve. Donc c'est votre sensibilité ou pas, mais ce ne sera pas la crédibilité. Vous avez une séquence de confrontation féminine que moi je trouve limite un peu badass entre Anna Valerius Et la dernière succube, et une des succubes, voilà, ouais. qui pour moi quand il se cache dans les ombres, c'est personnel, mais je vous renvoie vers le site. C'est une référence à Sinbad et les sept mers. Dans mon livre, c'est ça. Je peux pas le prouver. Bah, il y a un parallèle évident à faire Voilà. entre les deux sur le point de vue de la générosité. Totalement, mais oui, cette idée de film débile. débile et généreux à outrance, mais qui fait tout avec une telle bonne volonté, et surtout, quand même, malgré tout, un tel savoir-faire, parce que juste me mettre 3000 monstres, moi, ça va pas m'amuser, hein. Mais voilà. Bah, ça existe en moins maîtrise, ça s'appelle Dark Shadows de Tim Burton. Ouais, ça par contre c'est horrible, ça par contre c'est affreux, et pourtant il y a Alice Cooper dans le film. Alice Cooper par contre qui est border transphobe aussi, n'oublions pas. Il y a Eva Green dans le film. Oh, c'est dire à quel point je n'aime pas le film. Enfin, j'adore Eva Green, mais le fait de ne pas aimer un film avec Eva Green, il y a deux films où ça me fait ça, ça et 300. Sin City 2. Je préfère 302 à Sin City 2. Bah, bref. Vanessa, il y a ça, il y a une confrontation débile entre un loup-garou géant et un vampire géant, parce que t'inquiète, il y a tout. Et à nouveau, je sais que je ne peux pas masquer les défauts évidents du film. Je sais que aujourd'hui, à découvrir en 2026, peut-être que je suis aveuglé par l'amour et par la naïveté de croire qu'un film pareil, aussi anachronique, quelque part, à voir en 2026, c'est un film qui n'a pas de sens, 2026, par nature, ne peut plaire. Qui n'a pas de sens dans l'industrie hollywoodienne. C'est ça. Et surtout, c'est un film qui coûte moins de 150 millions. Aujourd'hui, un truc comme ça, bon courage pour le faire à moins de 250, je pense, très sincèrement. Ouais, alors à Et la. pas forcément avec des meilleurs effets spéciaux. Oui, mais alors à la même époque, t'as l'entour du roi qui en coûte 100. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ah oui, mais ça, c'est une anomalie de production totale. Évidemment, évidemment. Voilà, donc, peut-être que c'est un film anachronique, peut-être que c'est un film qu'il est débile de recommander en 2026 et qui, effectivement, les personnages féminins, je dois l'admettre. Alors, je m'autocorrige, j'ai entendu Roi et tourné genre en 98-99, Oui, c'est ça, c'est autre chose. Mais mais sort en 2003. ton raisonnement reste le même, ton raisonnement reste bon. Ce que je veux dire, c'est que Van Helsing, c'est peut-être un film qui, aujourd'hui, en 2026, n'a plus sa place. Et, auquel cas, je suis le premier triste, mais le premier à comprendre. Mais je vous supplie de lui redonner sa chance et de vous laisser porter par ce récit qui est imparfait, cabossé, peut-être un peu trop sous stéroïde ou sous coke, à certains moments, et à certains qui est sûrement complètement débile. Oui, t'as une séquence à la Indiana Jones où il passe de Transylvanie à Budapest en 2 minutes. Bien sûr, et Indiana Jones, il y a le point sur la carte. Il y a tout. Dans un autre registre, Godzilla X Kong. Alors, ouais, c'est quand même pas le même niveau de bonne volonté, Non, hein. mais avec ce dialogue entre Kong Oui, qui sort oui. d'Agartha, qui sort de la Terre creuse, et qui appelle Oui, en Godzilla. pose de la Terre creuse, évidemment. Évidemment. Évidemment. Théorie développée des Godzilla 2. Hein. C'est la Terre creuse, mais bien sûr! Rappelons qu'à ce moment-là, Kong sort de la Terre creuse en Égypte et appelle Godzilla. Qui est au détroit de À Gibraltar. Gibraltar, Ça, et exactement. ils se répondent comme ça. Oui. Alors, aucune logique de la vitesse du son, mais Non, mais quelque part, il y a un pont, enfin, une passerelle. Tu sais, les passerelles un peu brisées à la Lego Indiana Jones. Voilà ça. Affaire entre les deux, mais. Un nouveau dessin, je vais me répéter, mais réessayez. Oui, c'est pas toujours très beau, je sais. Mais, c'est quoi, je vais essayer de compenser à chaque fois. Ok, les monstres sont pas très beaux, il y a des décors de malade. Il y a des décors de malade, il y a des costumes d'enfoirés. Il y a. Quelque part, tu as déjà fait le meilleur parallèle, c'est la Ligue des Gentlemen. Mais c'est ça! Bah, alors, je vais pas partir de suite parce que je rêve de le prendre pour un épisode aussi, c'est aussi un film que je défends beaucoup. Mais bah, y a un production design de fou. Ok, ça joue trop. Et bah tu sais quoi, si ça parle trop, concentre-toi sur la musique. La musique est fabuleuse. Et vraiment, la musique, je suis très sérieux. Allez écouter l'album de Alan Silvestri. Le thème Reunited, c'est peut-être trop de violon. Si jamais on reproche à Reunited, ah, il y a trop de violon, c'est chiant, mais qu'on aime Hans Zimmer à côté, je comprends pas. C'est pareil. Vraiment, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? C'est trop long. Oh, 2h12, hein, à l'échelle d'un blockbuster actuel, c'est un court-métrage. Enfin, je caricature, mais l'idée est là. Et c'est trop généreux, comment on peut blâmer ça? C'est ça, Je genre vraiment. ne comprends pas. Bref, je vous en. Et peut-être que vous aimerez pas, auquel cas, écoutez, je serai le premier à m'excuser, pas de souci. Mais je vous en supplie, allez-y. À être désolé pour vous, surtout. Ouais, voilà. Mais j'irais même jusqu'à dire que cet épisode est quelque part, pour moi, un prétexte pour enfin parler de ce film que j'aime, que j'adore. À nouveau, encore une fois, un immense merci, papa, de m'avoir montré ce film quand j'étais peut-être un peu trop jeune, mais quand même fasciné. Parce que c'est un film qui m'obsède, c'est un film qui me transporte à chaque fois. C'est un film qui est un vrai film doudou. Pour moi, quelque part, t'as parlé de Scooby-Doo, qui était un film précieux à ton cœur. J'ai pareil avec Van Helsing, qui est vraiment un film doudou, qui est, je suis très sûr à nouveau, instant confidence, hein. Mais quand je suis pas toujours très bien, quand il y a des moments parfois plus durs ou autres, n'importe quoi, c'est lui que je me lance par défaut. Alors, est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Est-ce que ça ne fait de moi une personne de mauvais goût? Non. Je vous renvoie vers tous les épisodes qu'on a fait, les articles que j'ai écrits, les vidéos qu'on fait, à vous de juger, mais c'est un film précieux, important pour moi, et écoutez, Peut-être qu'en écoutant cet épisode, il y aura 3, 4, 5, 6 fans qui se réveilleront et sachez, on est ensemble. Et j'irai même jusqu'à vous dire que si vous aimez Van Helsing, il y a un moyen métrage d'animation qui existe, qui est vraiment bien. Je vous en dirai pas plus, mais qui est pareil, qui est dans le même esprit que le film. Bref, je vais finir sur ça parce que c'est longtemps qu'on en parle. J'adore Van Helsing, c'est un film qui est pas génial, honnêtement. C'est un film qui est pas génial, mais c'est un film qui est important pour moi, pour ma cinéphilie, pour ce qu'il représente aujourd'hui. C'est un film que je considère, honnêtement. Et je vous invite immensément à le redécouvrir. Et je te laisse, c'est quoi, je te laisse donner le mot de fin sur Van Helsing Non, non, aussi. mais je pense que tu n'aurais pas la même vision du cinéma si t'avais pas grandi avec ce film. Totalement. De la même manière Totalement. que, et c'est une vanne que j'aime pas mal sur Brooklyn Nine-Nine, Laquelle? c'est que Doug Jeudy et Jack Peralta sont la même personne, sauf que Jack a grandi avec Die Hard et Doug avec Point Break. Mais c'est exactement ça, C'est c'est ça. exactement ça, et j'ai eu la cinéphilie que j'ai eue, elle est parfaite, elle est pas parfaite, c'est pas le sujet. Mais je sais que Van Helsing, au même titre qu'un, je sais pas, je sais quoi, je vais donner des films plus nobles, entre guillemets, mais qu'un The Raid, qu'un Halloween, qu'un Suspiria, qu'un L'Enfer des Zombies, Inferno. qu'un Inferno, surtout, m'ont construit, bah Van Helsing fait partie de ces films-là, qu'un The Rock de Michael Bay, que j'ai découvert à peu près à la même période, que j'adore de la même façon. Mais voilà, tu Carotte as... fuzz peut-être, Comment? carotte fuzz peut-être. Moi, j'ai plus grandi avec Shaun of the Dead. Ouais, moi aussi. Mais Il est plus tard c'est fuzz. ça, c'est ça. Mais par contre, Scott Pilgrim que j'ai Oui. découvert vraiment très jeune, où je me suis dit, putain, tu peux être joueur de jeux vidéo et être considéré avec respect, voire amour, par un réal stylé. Putain, ça change. Vraiment, ça change. Et on vous renvoie évidemment à Crost sur ce sujet-là, mais bah, quand tu découvres Scott Scott Pilgrim. Pilgrim. Quand t'es jeune, genre moi je vais le voir, j'avais maximum 15 ans, tu vois. J'étais au collège, je devais avoir 14 ans. Ça, je sais que j'ai lu avant, donc j'ai dû le voir autour de 12-13, je pense. Mais je sais que moi, ça, j'ai eu ce truc de. Mais attends, je peux être respecté par un film? Putain, la vache! Genre, waouh! Parce que avant ça, j'avais vu d'autres trucs, et à chaque fois, tu te dis, bah. Moi, je me reconnais pas dans le cobaye, quoi. C'est pas moi dans le film, je sais pas qui c'est ce mec, mais c'est pas moi! Moi, ça me l'a fait avec les fans de films d'horreur et La cabane dans les bois. Dont on a parlé dans l'épisode méta. Exactement. Je sais que je suis moins fan que toi, mais qui pareil partage cette Alors, qui préambule, Joss Whedon, maire du Maine. ouais, Joss Whedon, mère humaine, mais qui de la même façon partage ce bon cœur quelque part. Donc voilà, Oui. bref, Van Helsing, pas un film à nouveau, pas un film parfait. Je sais. Insultez-moi si vous voulez, je m'en fous, mais je vous en supplie, essayez de le revoir avec un regard un peu innocent, quelque part. Enfin, le terme peut paraître con, mais un peu sans cynisme, sans tout ça. Je vous jure qu'il y a un vrai cœur qui bat sous ce fichier MP4 et que vous pouvez être touché par ça et qui. Peut-être que ce sera trop, dommage pour vous, dommage pour moi, tant pis. En espérant que le point move fasse move votre cœur. Voilà, mais sincèrement. Van Helsing, écoute, si je peux le dire, Stephen Sommers, je vous aime, monsieur, et sachez, c'est une vraie promesse, si un jour on peut interviewer cet homme, parce que oui, il y a des interviews aussi dispo sur le Fantasticast, si vous ne savez pas, À l'heure actuelle, on en a 4. mais si un jour on peut interviewer cet homme, sachez que ce sera le. Dites-vous, j'ai au moins 4 versions physiques du film, dont 3 versions identiques. J'ai 3 Blu-ray du film et j'ai un DVD collector. Je le prends. En fait. J'ai régulièrement envie de le revoir, donc quand je vis quelque part et que j'ai pas le Blu-ray, bah je le reprends. Il est à 2 € dans tous les caches, c'est pas grave. Et bah, ce sera la première chose que je lui ferai signer en lui disant, enfin le remerciant d'avoir osé faire ce truc qui est un peu monstrueux, un peu informe, un peu bizarre, qui a pas vraiment de sens quelque part, mais qui dans cette absence de sens, qui dans cette absence de cohérence, qui dans cette absence de cynisme me touche, me plaît, me bouleverse et m'emporte et me rappelle à chaque fois que je le revois pourquoi est-ce que j'aime le cinéma, pourquoi est-ce que j'ai aimé le cinéma, avec qui est-ce que j'ai aimé le cinéma et pourquoi est-ce que le cinéma sera pour toujours et à jamais ce qui guide mon âme, mon cœur et ma pensée. Tu vas sauter au plafond, il y a un steelbook DVD allemand. Je sais bien qu'il y en a un, je ne l'ai pas encore, mais c'est prévu. Bah écoute, magnifique tirade. Bref, nous finissons Van Helsing. C'est ça. Est-ce qu'on passe à l'indéfendable? Indéfendable, non. Alors, allons sur Underworld 4. Alors, j'avais oublié le nom des réalisateurs tout à l'heure, je vous prie de m'en excuser. Il s'agit donc de, pardonnez mon accent, Bjørn Stein et Mads Voilà, il y avait Mærlind. un style, style, voilà. Voilà. Alors, les deux n'ont pas fait énormément de films réputés. Je sais qu'ensemble, ils ont aussi fait Six Souls, qui a une réputation correcte, ma foi. Sans plus, alors, Underworld 4, je vais passer vite fait sur la fiche technique, parce qu'en casting, on a Kate Beckinsale, la magnifique, sublime, parfaite Anna Valerius de Van Helsing, voilà, qui a également joué dans Aviator, qui a joué dans Click, avec Adam Sandler, qui est un vraiment chouette film, qu'on Et oublie, produit par Sandler aussi, voilà, pas sa voix de qui a producteur, joué dans un film que j'aime énormément, mais qu'on oublie, qui est Pearl Harbor de Michael Bay, qui est beaucoup trop excessif, ça dure 3 heures, c'est un gros mélodrame. Je m'en fous, c'est trop bien, j'adore ce film. mélodrame comme mélodrama de DC, c'était Odora. Peut-être. Qui a joué dans tous les Underworld, même le 3, où c'est pas l'héroïne principale. Elle a quelques images où elle apparaît. Images d'archives, non? Oui, mais Oui. t'inquiète, t'inquiète. Au casting, on a également Theo James. Alors Theo James, qu'on a vu dans The Monkey dernièrement, mais Oui. qui est surtout connu pour être 4 dans Divergente. Mais on fait avec, hein. Ou pour avoir joué dans la mini-série, enfin dans la série The Gentlemen de Guy Ritchie. Il s'appelle 4. Voilà, et au casting on a également Stephen Rea, donc qu'on a vu dans Entretien avec un vampire, V pour Vendetta, Breakfast on Pluto, ça nous fait, Et la compagnie des et loups. Greta, et la Compagnie des Loups, ça nous fait un pont avec épisode qui boucle ou pas la team. Bref, Underworld 4, c'est qui, c'est quoi? Alors, je vais rapidement aussi parler de deux sujets importants. Alors, je vais pas parler du scénario, pour des raisons évidentes, mais à la photo c'est Scott Cavan. Alors si je vous dis qu'il a fait Cabin Fever, Death Race 1, Délivre-nous du mal de Non, Scott Death Race Derrickson, 1, pas celui avec non, non, Stallone et Carradine. celui avec Statham, Oui. et Délivre-nous du mal de Scott Derrickson, vous me direz que c'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité, et vous avez raison. Et à la musique, parce que, bah, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? C'est Paul Aslinger qui a fait la musique de Crank, donc Hypertension, Near Dark, film que j'adore, mais la musique est pas ce qu'on retient, Girl Next Aux frontières de Door, l'aube, en ouais, français. The Dirt, Resident Evil 6 ou Monster Hunter de Paul Thomas Anderson, vous me direz que c'est aussi quelqu'un qui n'a aucune personnalité. Bien joué. WS. Ouais, aucune... Paul Comment? Paul WS, W.S., évidemment. pardon. Paul W.S. Anderson, effectivement, ne faisons pas l'erreur. C'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité. Bien joué. Maintenant, comment défendre Underworld? Trois petits points, vous avez 2 heures. C'est une saga qui a toujours été moyenne. Underworld, ça a toujours été moyen. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a toujours été moyen. Ça a toujours été des blockbusters milieu de gamme. Ça a toujours été des acteurs, désolé de le dire, je les adore, hein, mais milieu de gamme. Ça a toujours été les réalisateurs milieu de gamme. Genre, les deux premiers sont faits par Len Wiseman. No, aucun problème avec lui, hein. Mais son plus gros fait d'armes en termes de popularité, j'allais dire de qualité, à voir, c'est Ballerina. Est-ce que Ballerina est un bon film? Non. Non, non, Et non, avant non. Ballerina, c'était Die Hard 4. Voilà, Die Hard 4, qui... Bah, le 5 existe, donc on sait que le 4 n'est pas le pire. Ça a toujours été des films moyens. Voilà, moyens, c'est filmé, c'est déjà pas mal. Bref, ça a toujours été des films où le concept était plus amusant que le résultat, parce qu'en concept, en fait, c'est quoi depuis le 1? C'est que depuis des centaines d'années, il y a une guerre entre le vampire et loup-garou, une guerre millénaire, une guerre importante qui fait beaucoup... Lycan. Lycan et vampire, pardon. Alors, Lycan égale loup-garou, hein, soyons clairs. Une guerre qui dure depuis des milliers d'années, très importante, etc. Et je vais tenter de vous faire un résumé succinct de tous les films, globalement ça va être très rapide. Dans le 1, on rencontre Selene, interprétée par la magnifique Kate Beckinsale, chasseuse de vampires depuis 600 ans, qui un jour tombe amoureuse de Michael, Lycan de son état, qui croit en la paix entre les espèces. Selene mord Michael, Michael devient une espèce d'hybride assez sympa, je dois admettre, entre un Oui. loup-garou et un Lycan. Le film se termine quand ils abattent le roi des... enfin, hybride entre un lycan et un vampire, pardon. Le film se termine alors qu'ils abattent le roi des vampires, interprété par un Bill Nighy, pas dans sa meilleure performance, mais c'est Bill Nighy qui peut le détester. Bref, Underworld 2, Selene tente de découvrir les origines du conflit entre vampire et loup-garou, ça tourne mal, point. Bref, Underworld 2 n'est pas le plus intéressant, même si moi j'avoue, je l'aime bien à nouveau. Pour l'avoir revu, je l'aime bien. Il est très bleu, hein, par contre, hein, genre Nolan, Dark Knight à côté, c'est coloré. Underworld 3, Non, on parlait. le 1 est bleu, le 2 est obscur. Ah non, franchement, les deux sont bleus, genre les deux sont bleutés, différents. Le 2 est métallisé. Le 3, le Underworld 3, le soulèvement des Lycans, on parlait d'origine, on en revient aux origines, puisqu'on retourne au Moyen-Âge, pour découvrir l'origine du combat entre loup-garou enfin entre Lycan et Vampire. Personnellement, c'est pas celui que j'aime le plus, pour dire ça en toute honnêteté, mais il a ses fans, et il a pour lui d'avoir le mérite de son contexte, et surtout d'avoir pas des tonnes d'univers, de mythologie et de lore inintéressantes au possible qui lui tombent sur les épaules, c'est le gros problème de toute la franchise, soyons honnêtes. Le 4, donc celui dont nous allons vous parler aujourd'hui, même si évidemment l'idée va être aussi peut-être de parler de toute la saga, parce que c'est une saga qui est peut-être un peu pas assez évoqué à mon goût. Le 4, on se réveille 12 ans après les événements du 2. Selene s'est fait capturer, Michael aussi. Capturé et congelé. Capturé et congelé, effectivement. Selene a une fille, coucou, spoiler. Il y a des loups-garous géants à la fin, fin. Ouais, à partir du 4, ils s'en foutent, hein, globalement. Et le 5, Selene veut finir la guerre du sang, Blood Wars. Veut finir la guerre du sang, il y a Théo James aussi au détour d'un virage, on l'avait vu dans le 4, il est à nouveau dans le 5 vite fait. Les vampires du Nord, ils sont stylés, pourquoi? Bah parce qu'ils sont blancs, ils viennent du Nord, c'est logique ou quoi. Et ça se finit sur Selene qui, bon, je spoil comme un bâtard mais je m'en fous, Selene qui devient une grande ancienne vampire en mode ah stylé de fou et tout. Bref, on s'en fout. Underworld, comme j'ai dit, ça a toujours été une saga plus intéressante à raconter qu'à voir. Effectivement, on pourrait me dire ah... Vampire, loup-garou, contre, trop stylé. Oui et non. Oui, parce que factuellement, 1, 2, 3,5, vite fait, 4, 5, vous allez en avoir. De l'affrontement loup-garou-vampire, c'est pas un film qui va se foutre de votre gueule sur ça. Il y en aura. Même il y aura des effets gore un peu débiles, dans tous les épisodes, il y en aura. Vraiment débiles, voire, parce que dans certains épisodes, ça arrache les bras, parce que vas-y, pourquoi pas. Ça découpe des têtes, enfin bref, on s'en fout. Mais c'est un film qui a toujours été alourdi par quatre choses. Déjà, sa mythologie. C'est un film qui a... Enfin, c'est une saga qui a beaucoup trop de mythologie pour son propre bien. Ça part vraiment trop loin. C'est une mythologie qui est en plus un peu inconsistante à base de... Tu es mon père, et en fait tu es très fort, mais je suis plus fort que toi, parce que l'enfant de la prophétie, enfin bref, on s'en fout. Voilà. Trop de mythologie pour son propre bien, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est le mal moderne. John Wick a le même problème. Beaucoup de franchises ont le même problème de vouloir s'alourdir de mythologie au fur et à mesure au fur et à mesure des suites, en n'assumant plus leur propre concept de base. Quelque part, à nouveau, on fait avec. Est-ce que le point de départ de ça, c'était pas Matrix? Oui et non, je pense que le point de départ de ça vient de Matrix, mais c'est pas tant Matrix en tant que tel que les Oui. conversations de philosophes de bar de Morpheus à partir de Matrix 2. Je pense Oui. que c'est ça. Mais très très bon, très bon, très bon Mais effet. tout. Très bonne référence. C'est-à-dire que dans le 1, on avait l'oracle. C'est ça? Mais dans Et le surtout 2, le on a 1. l'architecte, on a le Mais maître des clés, on a le mérovingien. on oublie, mais Matrix 1, c'est un film qui se tient en tant que tel. Bien sûr. Là, Matrix 1, c'est début-fin, il n'y a pas besoin de suite. Juste, il y a des suites après, et effectivement, à partir des suites, là, on y va, on se rappellera des fantômes sur l'autoroute. Mais j'aime beaucoup Ouais, Matrix 2. c'est ça, mais encore une fois, tu rajoutes Ouais. Zion, tu rajoutes tout ça. Exactement. Ensuite, deuxième problème sur les quatre que j'ai listés. Donc, deuxième, c'est le fait que, comme je dis, ça a toujours été des blockbusters milieu de gamme. C'est-à-dire que ça implique deux problèmes. T'as pas le budget que tu veux pour faire tous les effets du monde. Donc, tu peux pas. Alors, on peut le donner. C'est. Les effets numériques sont plutôt propres. Et les effets gore sont plutôt des effets pratiques. Donc, ça, c'est cool. Mais ça veut dire que tu vas pas avoir le gore fest que t'aimerais avoir. Ça veut pas. Ça veut dire que tu vas. Enfin, ça veut dire que tu vas pas avoir. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir le gore fest que tu aimerais avoir. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir la débauche d'effets et de surenchère que tu aimerais avoir. Non, c'est un blockbuster milieu de gamme. Et ça veut aussi dire que le blockbuster, c'est toi qui me l'as fait remarquer, que le film sait à qui il s'adresse. C'est-à-dire qu'il s'adresse à un certain public, client de ce côté très excessif, très over the top, très débile aussi, très fan d'Evanescence hein, pour les premiers, hein, notamment pour le 1. Parce que le 2, à un visionnage, ça se calme un peu, mais alors dès le 1, putain, là faut y aller. Le Hein. film sort la même année que Daredevil. Et bah surtout que la même année que Fallen de Evanescence. Donc l'album avec Bring Me to Life, My Immortal et tout le bordel. Et donc le film doit s'assurer une certaine rentabilité. Alors je dis ça, mais en parlant surtout du premier, parce que dès le deuxième, je pense qu'ils ont bien compris que c'est plus en mode on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on fait à peu près de notre mieux, bisous, au revoir. Troisième problème, c'est globalement des films qui sont, comment dire, teubés. Mais genre vraiment teubés. C'est-à-dire que Loup-garou, vampire, ça fait des milliers d'années, personne n'a capté. Faut y croire. Dans le 1, passe encore. Dans le 2, t'augmentes la mythologie. Ça devient vraiment bizarre. Dans le 3, bon, ok, 3 à part, ça revient aux sources. Le 4, ouais, non, là, non. Le Bah, le 4 4. assume ça, le 4 assume qu'il y a eu Bah, le de... 4 tèche toute la mythologie à la poubelle. Hein. Le 4, littéralement, jette absolument tout et recrée presque son propre micro-univers au centre de tout pour essayer de faire tenir l'ensemble. Mais 4 et 5, s'en foutent de ce qu'ils racontent, mais vraiment à un point big time. Et justement, le 4 te dit, les humains ont été au courant de ça, ils ont organisé une purge des loups-garous et des vampires. Les loups-garous sont ceux qui ont le plus traqué, les vampires ont réussi un peu à se cacher. Ouais, mais ils essaient de faire tenir ça, mais sur un univers qui tient déjà qu'à moitié de base. Du coup, le 4 Oui. trinque, et globalement, l'univers du 4 n'est pas crédible une demi-seconde quand tu réfléchis, parce que même les capacités physiques des vampires varient d'une scène à l'autre. Alors, ça a toujours été le cas, mais là, c'est grave. Et du coup, le 4 et 5, c'est vraiment mode, oui, bon, ok, bon, la mythologie nous a tués. Quatrième problème, et c'est peut-être le plus gros, enfin, peut-être, à voir, c'est des films qui sont très. Ce que j'aime à appeler pas suffisamment mauvais pour perdre votre temps, pas suffisamment bon pour être sûr que vous ne l'avez pas perdu, mais suffisamment rigolo pour vous détendre pendant 2 heures dans le cas du premier en version longue, 1h30 dans le cas des autres. C'est pas des excellents films. À nouveau, Underworld, ça a toujours été des films moyens. J'ai pris le 4 parce que je savais que ça allait te plaire. Mais j'aurais pu prendre le 1, le 2, même le 3, quelque part. Et je peux illustrer cette hésitation par le fait que, même en fouillant il y a quelques heures, pendant 2-3 heures sur plusieurs forums, personne n'est capable, parce que oui, les fans d'Underworld, on est nombreux, il n'y a pas l'air, mais on existe. Mais personne n'est. Comme les vampires. Voilà, mais personne n'est capable de donner son Underworld préféré. Certains préféreront le 1 pour son côté très premier degré, presque clip d'évanescence, presque ce côté ultra littéral dans le côté je suis un vampire, tu es un loup-garou, nous ne pouvons pas être ensemble, mais je t'aime. Voilà. Certains préféreront le 2 pour ce côté un peu plus excessif par rapport au 1, c'est-à-dire vous prenez tous les curseurs du 1, vous mettez x1,5 dessus, vous voyez ce que ça donne. Certains préféreront le 3 parce que factuellement, en l'ayant revu, le 3 est le film qui se tient le mieux parce que il a moins de mythologie à assumer sur ses épaules, il a juste à se concentrer sur un conflit principal et on fait avec. Certains préféreront le 4 pour son côté teubé, mais médicalement parlant. C'est-à-dire que le 4, vraiment, si je pense qu'on l'interroge, il serait pas capable de parler, d'aligner 2 mots sans avoir l'air vraiment foncièrement un peu idiot. Et certains préfèrent le Le 4 5. regarde TPMP. Comment? Le 4 regarde TPMP. Ouais, sans le racisme. Le 5, et certains préfèrent le 5, les mauvaises langues diront parce qu'il conclut enfin la saga, et les bonnes langues diront que c'est le 4 avec un peu plus de retenue sur la connerie, mais un peu moins de savoir-faire derrière la caméra. Alors. Soyez honnête aussi, un savoir-faire derrière la caméra, ça a jamais été très bien réalisé Underworld. Hein, jamais. Un comme cinq, ça a jamais été. Genre, personne n'a jamais dit Ah, Underworld, ça m'a inspiré au niveau de ma mise en scène. Non, jamais, personne. Mais la raison pour laquelle je veux le défendre, c'est que pareil, c'est des films que j'aime bien, c'est des films qui ont le cœur au bon endroit, au-delà de la dimension esthétique et presque spirituelle, qui me plaît sur le côté immo, cuir, pas pour cette raison. Produit de leur époque, au Ouais, bah, final. très premier degré, évanescent, ce que tu veux. Moi, c'est des films que j'aime bien, c'est des films qui conceptuellement me plaisent, c'est des films qui, même quelque part dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils montrent, me plaisent. Voilà, c'était mon quelque part plaisir coupable. Je juge qu'aucun plaisir n'est coupable, donc moi, c'est des plaisirs très sincères, mais des plaisirs moins faciles à assumer, dirons-nous, devant certaines sphères cinéphiles. Bref, j'ai pris le 4 parce que je sais que t'allais plus te prendre. Mon premier choix était sur le 1, en toute honnêteté. Mais bref, Roman, Underworld 4. Alors, Underworld, nouvelle ère en français, j'avais oublié de le dire. ouais, Awakening en VO d'ailleurs. Underworld 4, je me suis passé toute la saga du coup pour l'occasion. J'ai revu le 1 qu'on avait déjà vu ensemble, possiblement dans un état pas premier, Ouais, ce tertiaire. tertiaire. Mais donc j'ai revu le 1 et j'ai découvert le reste de la saga après coup. Le 4 est celui que j'ai préféré, qui est peut-être le. Même par rapport au 5? Bah, le 5, je trouve qu'il a vraiment un côté redite. Par rapport au reste de la saga. Ouais, mais le 5, pour moi, il a la scène d'attaque de la chapelle que je trouve vraiment. Ah, mais j'ai oublié de le pitcher, mais effectivement, dans le futur, les humains ont découvert les vampires, ils se foutent sur la gueule, Et le loup-garou. ça va pas plus loin, hein, globalement. Mais le 5, il y a quand même la scène d'attaque de l'église avec les raies de lumière que je trouve mortelle, mais vraiment mortelle. Et le 5 a un côté, je trouve, plus resserré, là où le 4, enfin. Honnêtement, le 4, faut pas lui faire l'électroencéphalogramme, hein. On risque de tomber sur un résultat plat. Oui, c'est ça, on risque de tomber sur la Belgique à ce niveau-là. Mais Bah, vous devant un fan de l'avez le plat pays, les gars, la team. Mais TPMP. donc, oui, le premier Underworld, enfin, c'est le premier Underworld devant lequel je passe un bon moment. Je peux pas dire que je passe un mauvais devant le 1 ou devant le 5. C'est le premier devant lequel je passe un bon moment. C'est un enfant de Matrix, d'Evanescence, de My Chemical Romance, de tout ça, et de Twilight, indirectement, alors le recul nous permet de le dire, mais c'est un enfant de tout ça. Mais, fait par un studio. Pas fait par un réal, fait par un studio. Donc un studio qui, et j'y ai réfléchi, on en avait parlé hors antenne, mais qui, loin, je pense pas que le film conscientise le côté oh, les enfants ils aiment trop Evanescence et tout, on va leur plaire avec le côté goth. Non, clairement pas. Je pense que juste l'esthétique générale de l'époque, voyez Matrix. Matrix, c'est goth, on l'oublie, mais Matrix, c'est goth, factuellement. Je pense que c'est vraiment juste l'esthétique, enfin l'esthétique goth poussée d'Underworld vient du côté descendant de Matrix. Et ils ont compris qu'après c'était à peu près leur seule trace d'identité. Et ils se sont dit, ok, on y va. Et ça donne le résultat qu'on connaît. Pour le meilleur ou pour le pire. Mais la grosse différence avec Matrix, c'est que bah, Matrix a derrière un duo de réalisatrices quand même Ah bien sûr. qui sait ce qu'elles font, quoi. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je disais que Len Wiseman, c'est pas un génie, c'est qu'Underworld, c'est l'éternel, enfin le mantra éternel de la franchise, c'est des pitchs meilleurs que des films. Ça a toujours été ça. Genre c'est la base d'Underworld, c'est ça. Bah, pour le coup, c'est quand même le premier de la saga, donc le 4, qui va s'éloigner de ce côté à la fois très souterrain, à la fois très... On est dans le noir tout le temps avec deux raies de lumière qui se battent en duel pour illustrer. Alors, avec le 1 est quand même beaucoup plus lumineux. Mais cette fois-ci, on a des extérieurs, on a du plein jour, on a des gros lance-flammes sa mère. Ouais, dans la scène d'intro. Mais bah, mine de rien, c'est aussi le premier film qui change de cette, j'allais dire, bête dualité, mais plutôt dualité qu'on a trop vue, à savoir bah, la dualité loup-garou-vampire, avec plus une dualité vampire-humain, où les humains s'avèrent être des loups-garous, je sais, mais... Bah, en fait, je sais pas si c'est une dualité qu'on a trop vue ou si c'est une dualité qui est victime Qu'on de a ce. trouvé dans la saga, j'entends. Bah, je sais même pas, parce que dès le 1, c'est une dualité qui est desservie. C'est-à-dire que c'est une dualité victime du fait que le film n'a jamais eu les moyens de ses ambitions. En fait, quelque part, moi, c'est vraiment ça la chose avec Underworld, c'est que je jure que Underworld, on lui donne, je caricature, mais 30 millions de plus, on a l'un des meilleurs films d'horreur de son époque. Juste, alors, il faut un meilleur réal aussi. Mais, en fait, c'est ça, Underworld rêve d'être Van Helsing. Tu mets 30 millions de plus et David Slade. Ouais, mais même David Slade, mais quoique David Slade est trop méchant. Mais juste Underworld rêve d'être Van Helsing. Van Helsing aurait aimé être Underworld en termes de succès au box-office. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais Van Helsing devait lancer 10 000 sagas derrière. Mais ça, et Underworld, ça a toujours été, ce que je dis, je me répète, mais cette franchise milieu de gamme. C'est la franchise pour les avertis, pour les concernés, pour les intéressés, mais qui a jamais été destinée à un énorme public. C'est-à-dire que. Ça, je crois que ça, aucun budget des films ne dépasse 100 millions, ça m'étonnerait grandement. Peut-être le 2, vu que le 1 avait été un succès. Parce que je sais que le 4, qui est visuellement le plus grandiloquent, c'est 70 millions. Je crois que les plus chers, c'est le 1 et le 4 qui sont les 2 à 70 millions. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Alors, le 1, j'entends que c'est un peu gros budget à l'époque. Le 4, pour son époque, c'est milieu de gamme. Hein. C'est vraiment milieu de gamme. Donc, pour le coup, c'est ça qui, moi, me dit que. Underworld, je vois les limites de budget qui arrivent, mais en même temps, j'ai cette sympathie de. Tu as fait de ton mieux. Et je lui tape sur l'épaule en lui disant, allez, ça va le faire. Bon, je vais pas tirer à boulet rouge dessus. Je passe, j'ai dit, je passe un bon moment devant Underworld 4, honnêtement. Moi, j'aime beaucoup toute l'histoire avec les scientifiques, notamment le fait que. Alors, Della Steven Ray est doublé par Philippe Pethieu et les deux se ressemblent physiquement. Homer Simpson, ouais. C'est très perturbant, mais la VF, donc c'est la VF d'Homer Simpson qui est sur Steven Ray, donc le chef des scientifiques qui s'avère être un Lycan. Bon, toute cette intrigue, j'aime plutôt bien, sincèrement. Mais honnêtement, là, tu me dis, tu te fais un marathon Underworld, un marathon Twilight. Underworld tous les jours. Je vais vers la Mormone. Non, ça va être et pas avec plaisir. le problème que j'ai avec Twilight, c'est que on parle de concept non desservi. Twilight remplace le côté premier degré, un peu trop grandiloquent, un peu trop presque un but soi-même Bah, d'Underworld. persuadé de son tragédie grecque, Ouais, c'est Twilight. ça. Bah. Underworld, pour moi, est vraiment dans ce côté tragédie grecque, tragédie éternelle de oh, mon amour éternel que j'ai perdu et que je dois retrouver dans son réincarnation des millénaires, tu vois. Là où Twilight, c'est vraiment, tu remplaces ça par oh, mon amour de jeunesse que j'adore et que je revois à travers l'océan. Enfin, toi, moi, le seul Twilight que j'aime vite fait, c'est. Le 1. Ouais, j'allais dire le 1, parce que même le 3 qui est fait par David Slade, que j'adore, je trouve, mais. En fait, au-delà des considérations de c'est chiant ou c'est pas chiant, parce que. S'ennuyer devant un film, ça peut être propre à chacun, c'est propre à un instant T, pas de soucis. Mais Twilight 1, on loupe. Enfin, en disant ça, on l'oublie, mais c'est plutôt bien fait. Oui. C'est plutôt bien réalisé, même interprété. Alors, c'est très caricatural, mais quand même. Ça se tient. Interprété sorti de Stewart et Pattinson. Alors, moi, je trouve que Pattinson tient ultra bien le rôle d'Edward Cullen. C'est censé être une espèce de monolithe insensible à tout, qui justement se protège de n'importe quelle sensibilité, il le fait bien. Stewart, on sait autre chose. Mais Pattinson, je trouve qu'il est solide. Par contre, tous les rôles secondaires, Alice Cullen, Ah non, c'est autre chose. et surtout, Charlie. C'est le blanc. Non, C'est le mec qui devient dingue quand il voit une goutte de sang à la fin. Non, ça c'est au début du 2. Non, non, moi je te parle du père de Bella. Charlie Ah, Swan. ok, ouais, mais non, mais non, Trop ouais, cool. alors, mais non, mais, ah ouais, mais. Et Arrow, à partir du 2, Arrow Volturi. Mais c'est lequel vampire qui devient dingue quand Bella saigne un peu? C'est au début du 2, c'est. Bah lui Ouais, en termes de jeu j'ai plus son en nom. termes de jeu approximatif, on est bon. Oui. Et ça, et en fait, ce truc, c'est que bah d'un Mais à côté. côté, t'as Carlisle Cullen, t'as Arrow, t'as Charlie Swan. Mais d'un côté, j'ai une mythologie qui m'intéresse pas de fou, hein, mais qui est compensée par une espèce d'action un peu débile, enfant de Matrix, mais surtout qui se prend ultra au sérieux. Qui se prend ultra au sérieux, qui est vraiment ce truc de l'amour millénaire, moi, vampire malheureuse et solitaire, rencontre enfin, voilà, tout ça. Et de l'autre, no offense, hein, mais j'ai un teenage movie. Et qui se prend le trop au sérieux aussi. Alors, qui se prend ultra au sérieux. Mais où d'un côté, j'ai des loups-garous à quatre pattes qui se battent pour des guerres de territoire. Donc c'est à peine s'ils pissent pas sur l'arbre à côté, quoi. Et de l'autre, j'ai un loup-garou géant. Mon choix est fait. Donc, ça, bref. Est-ce qu'on a fini sur un horreur? On a fini. Ouais, je vais pas te déblatérer plus longtemps. Je sais que t'es beaucoup plus attaché à la série que moi. À nouveau, c'est un C'est. attachement, mais que je sais être un peu toxique. C'est-à-dire que je sais que c'est. Est-ce que la Sega te veut du mal? Elle ne me veut pas du mal. Elle me veut moins du mal que d'autres sagas toxiques auxquelles je suis attaché, genre Cabin Fever ou Puppet Master. C'est ça. Mais. Sans parler des gens derrière Cabin Fever. Oui, voilà. Mais si vous deviez voir Underworld 4, voyez les bandes annonces avant. Si les bandes annonces d'Underworld vous plaisent, baissez un peu votre niveau d'attente et voyez le film. Et peut-être que vous ne serez pas déçu, voire peut-être que vous aimerez le film, j'espère. Et si vous êtes fan d'Underworld, bah sachez, main sur le cœur, on est ensemble, on s'oublie pas, on se soutient. Un jour, cette saga sera reconnue à sa juste valeur. Bref, on a terminé? On a terminé. Alors, petite note de fin. Merci à tous ceux qui arrivent. 3 heures d'enregistrement, mes aïeux. Merci à tous ceux qui arrivent des réseaux. On voit les chiffres augmenter, on voit les gens réceptifs, on voit les commentaires. Un immense merci à vous, vraiment, ça nous touche énormément. On est très contents. C'est un projet qu'on a depuis 3 ans et demi maintenant. Ouais. Voilà, qui nous tient énormément à cœur, qui est parti pour durer encore. Voilà, mais qu'on développe, qu'on fait fleurir. À nouveau, on a chacun nos tafs et nos vies à côté, donc c'est pas toujours facile, mais qu'on fait fleurir, qu'on essaie de développer, qu'on essaie de faire monter, on a plein d'autres choses qui arrivent sur les prochains mois, que ce soit du contenu, des concepts, des idées, des exclusivités aussi, n'est-ce pas? Mais dont on va vous parler. Évidemment, donc restez branchés, écoutez les épisodes, voyez les shorts, n'hésitez pas à nous parler parce qu'on répond, on est encore à ce statut où on peut répondre. Mais bref, encore une fois, un immense merci à vous. Écoutez tout et on se revoit très très très bientôt sur les réseaux et un peu moins bientôt, mais quand même, dans vos oreilles. Merci beaucoup.